IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Oui. J'ai senti un truc. Je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. La meuf s'est gratté la chatte, mais violent. Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel, tous les lundis. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit du 14e, un épisode un petit peu spécial. Puisqu'il est impair. Adrien Méniel n'est pas là aujourd'hui. Il n'a pas pu venir pour de sombres raisons. J'ai aucune info. Voilà, j'ai aucune info. Mais un numéro quand même spécial. Car j'ai trois invités avec moi. Je vais faire le petit tour de table et vous les présenter. Nous sommes avec Raphaël Descraques. Bonsoir. Bonsoir. Raphaël, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Raphaël Descraques et j'aime bien écrire et réaliser et jouer la comédie dans des choses. C'est complet. C'est complet. Nous sommes avec Vincent Tiret. Oui. Break. Alors, Vincent, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent oui, pas? Oui. Non, je suis surexcité d'un coup. Oui, je suis Vincent Tirel, je suis le blanc de Golden Moustache. Enfin, arrêtons de nous voler la face. Tout le monde, je sais très bien que c'est, je suis renfermé là-dedans. Et tout à l'heure, j'ai dit impair après ton jingle quand t'as fait c'est un numéro spécial. Non, c'était pas du tout impair. Voilà. 14 est un nombre impair, mais c'est cette pas cette merde. Voilà. Je me suis introduit comme ça. Je joue pareil que Raph. J'aime bien jouer, j'aime bien écrire. Il m'arrive de réaliser lorsque l'enjeu est de petite envergure et que j'ai un peu froid aux burnes. Donc voilà. Mais j'écris pour les autres et j'écris pour moi. Quand l'occasion se présente. On aura l'occasion d'en reparler. Et nous sommes enfin avec Julien Josselin. Oui, blou, blou, blou, blou, blou. On commence à applaudir alors qu'on est ensemble depuis 2 heures. Et puis qu'on est dans un appart seul, donc c'est un peu triste. Julien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, écoute, j'écris aussi, je réalise aussi quelquefois, et je joue la comédie aussi quelquefois, et je pense que ce soir, je serai moins drôle que Vincent Tirel. Non, c'est, là vraiment, c'était ma il seule a tout donné vanne. Sur 25 secondes. Au max. Mais je suis très heureux de vous rejoindre pour un épisode nous un aussi. Peu particulier, puisqu'en fait, c'est les 5 ans de Suricat. Voilà, Crook qui a été formé il y a maintenant 5 ans. Alors, un petit peu plus de 5 ans, en vérité, parce que il y a des agendas, enfin tu vois, de sombres histoires administratives. Ouais. Mais avant de passer à la chronologie, à se remémorer des souvenirs en fumant la pipe, nous allons faire le petit tour de table que l'on fait à chaque émission pour partager avec les auditeurs les trucs culturels qu'on a appréciés récemment, que ce soit livre, théâtre, cinéma, one man show, des dessins jolis. Et nous allons commencer avec Julien Josselin. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as apprécié récemment dans le domaine de la culture? Récemment, je t'en avais déjà parlé, mais j'ai adoré le film Revenge. Ah, voilà. Alors peux-tu en parler un peu pour les gens qui ne voient pas vraiment ce bien que sûr, c'est? Bien sûr, c'est un film de Coralie Farja. Farja, oui, j'espère que je ne l'écorche pas. Tarantino. Pardon, c'est un nom de famille. Et donc voilà, et c'est une scénariste et réalisatrice que je découvre puisque c'est son premier film. Elle a juste fait un court-métrage avant que j'ai pas vu qui s'appelle Reality Plus, c'est ça tu m'avais dit Raph? Reality Plus. Que du coup j'ai envie de voir, dont tu m'avais parlé. Et donc c'est un rape and revenge movie, comme on dit. Moi j'ai découvert que c'était un registre, enfin un style particulier de film. J'ai hâte du coup d'en voir d'autres. Ouais, y a le plus connu c'est I Spit on Your Grave, je crois que ça s'appelle. Et en fait, il y a plein de films comme ça. Tu me fais réaliser que j'ai vu il y a longtemps dans une soirée. Qui est très glauque, un film très glauque. C'est vrai que c'était très glauque, trop glauque à voir entre potes en fait, presque. C'est vraiment... Si tu regardes avant, tu fais les gars, venez, on met le dîner de con plutôt. Oui, et non, et voilà, donc tout est dit, c'est un film de rape and revenge, et donc tout est là quoi. Mais c'est très très bien fait, et c'est un film de genre, comme on dit, et en France, ça fait plaisir. Et là, il est à l'affiche depuis peu de temps là. Et j'ai trouvé ça génial et ça m'a fait réaliser à quel point j'aimais ce genre de film avec peu de personnages, une continuité directe et ces genres de films qui sont très simples mais très très bien faits, très très bien réalisés, en tout cas je trouve. Et voilà, tout est là, l'ambiance en effet un peu tarantinesque comme on dit, qui fait plaisir et je trouvais ça hyper maîtrisé, ça me fait plaisir. Je me suis dit yes, entre grève et enfin grave et ça je me dis mais c'est génial, enfin ça y est, il se passe un truc quoi. Bah il y a ouais, on a un peu l'impression de ça, et puis en plus c'est vrai que c'est un entre guillemets petit film parce qu'il y a quatre persos je crois, un truc comme ça, il y a enfin c'est un tout dans il y a deux décors parce que c'est le désert et l'appartement, enfin la maison du mec riche du début. Ouais. Et voilà, une histoire toute simple, mais des moments de bravoure de réal. Moi aussi, j'ai eu la chance de le voir. Mmh. Et bah, n'hésitez pas, s'il passe vers chez vous, après, c'est des films, malheureusement, qui ne sont jamais sur des grosses distributions. Ouais. Mais ouais. Si vous êtes dans des grandes villes, il ne faut jamais hésiter à aller voir ce genre de film parce que bah, ça permet à plein d'autres de se faire, en fait. Donc, alors, vous n'êtes pas du tout obligé, mais vous pouvez lui donner une chance. Donc, d'autant plus si vous avez une carte UGC ou un truc, vous pouvez donner une chance à ce film. Franchement, moi, je n'ai pas du tout été déçu. Il y a beaucoup de choses très positives, moi, je trouve. Quoi. C'est très bien dirigé, c'est militant, tout en étant fun. Il y a beaucoup de choses très positives, je trouve. C'était vraiment kiffant. Je pense même que je le reverrai. Ah ouais, moi, je l'ai vu deux fois aussi, parce qu'en fait, je l'ai vu à Gérardmer, du coup, parce que j'ai eu la chance d'être jury là-bas. Et je l'ai revu avec ma meuf, parce que je sais qu'elle allait kiffer. Donc, je l'ai vu deux fois. Et effectivement, la deuxième fois, ça passe tout aussi crème. Ouais, je pense aussi, et c'est un vrai film de genre, parce que c'est vrai que Grave, par exemple, a un côté peut-être un petit peu plus auteur. Moi, j'ai adoré hein, Grave. Ouais. Mais un côté peut-être un peu plus auteur, un petit peu plus. Enfin, ouais, il y a des. Ouais, auteur, c'est moins César. Cible. Un peu plus César, ouais, un petit peu, pense, oui, ouais. C'est ça. Je pense que tu peux, si t'aimes pas spécialement le genre, tu peux quand même aimer Grave, je pense. Mm. Et c'est vrai que Revenge est un peu plus franc du collier à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est super. Moi, je trouve ça mortel. J'en ai pas vu. Mais je les ai réels, par contre. Par contre, mais c'est vrai que ça remonte beaucoup. Tout le monde m'en parle. Je vois plein de tweets, plein de photos, plein de trucs. Et je les ai tous foirés au cinéma, ratés. Mm. Ou je sais pas, allé en festoche parce que j'ai pas cette chance Flaubert. Et non mais voilà, donc ça, vraiment, ça a l'air top et ça fait du bien en tout cas même de voir en effet que ça ce genre de film existe et sont produits, enfin qui peuvent être produits en France par des Français. Ouais. Je regardais le producteur française des femmes. Exactement, ouais. Et en plus un des producteurs du film est Jean-Yves Robin, savoir le producteur de Caméra Café et Kaamelott. Donc c'est quand même c'est cool que des mecs qui ont un peu de thunes misent sur ce genre de film. Et je sais pas si ça changera quelque chose, mais Grave est quand même nommé à je sais pas combien de César cette super, année. Génial. Ce qui est toujours un peu surprenant. Ouais. Je me demande quel parcours va avoir Revenge à l'étranger, parce qu'il a aussi un axe assez intelligent, je trouve, de English friendly, comme on pourrait dire, tu vois. Mais qui n'est pas non plus, je trouve, quelque chose de bloquant pour les gens qui ne sont pas très VO, etc. Et tout, parce qu'en gros, il y a quelques personnages qui parlent anglais et d'autres qui parlent français, donc il y a un peu un mélange des deux langues. Et dans tous les cas, c'est un film qui est assez silencieux, assez muet. Et du coup, et le film s'appelle Revenge, donc c'est justifié qu'il y ait un titre anglais. Je ne sais pas s'il va avoir une belle vie à l'étranger, mais j'aimerais bien. Je pense que la Real va avoir une. Enfin, je serais très surpris qu'on ne lui propose pas des films. Ah non, mais elle a réussi sûr, à rentrer. Ouais. Il y a des vrais morceaux de bravoure dans le film avec 20€, quoi. Donc, je pense que, je pense qu'on va la voir sur d'autres choses. Bah, j'espère beaucoup. Titanic 2, paraît-il. Alors, par contre, j'ai une petite question. T'as parlé tout à l'heure de Rape and Revenge. J'arrive pas à parler. Rape and Revenge. Revenge. Ouais. Tu penseras mieux que moi. Rape and Revenge. Revenge. Oui, c'est une viol. Le viol et la revanche. Ok. Voilà. Donc, apparemment, c'est un registre. C'est un style de film, apparemment. Ouais. En tout cas, on peut le catégoriser comme ça. C'est des pitchs qui ressortent beaucoup que moi, je connaissais pas. Voilà. Moi, j'ai eu l'impression d'en voir un premier, mais. Mais Kill Bill, techniquement, est un peu ça aussi. C'est un peu ça aussi. C'est Rape and Revenge. C'est un Kill Your Baby and Revenge. C'est ça. Hydrate mal ta peau and Revenge. C'est vraiment une crème horrible. C'est le film sur le serveur dans Starry près de chez vous qui veut sa vengeance sur le de cette peau dégueulasse. Vincent Tirlouze. Un pseudo que tu auras maintenant. C'est vrai qu'il existe, je l'ai beaucoup entendu. À Golden. Quelque chose que tu as apprécié culturellement parlant récemment. Ouais, c'est vrai que je me fais happer comme ça, j'étais on rigole. Eh ben moi, je n'ai aucune culture. Donc non, j'ai découvert une couleur. Attends. Vraiment, en film, j'ai essayé d'aller plus au cinéma ces derniers temps quand même, mais j'en ai quand même pas mal foiré. J'ai vu, j'ai pas vraiment de. Ce silence est extrêmement long. J'ai peut-être plus découvert des vieux films où je me suis dit j'en ai marre de toujours pas avoir rattrapé ces classiques des années 80, 90 et tout. Machin, merde. Et attends, les films des années 80, c'est les vieux films maintenant? Bah, c'est ça qui est parti, mon pote. Moi, je dis Murnau. Les 5 ans de Suri 4, mon gars. Merde. Je vous conseille les premiers sketchs. L'ultimatum. C'est sur le Golden Moustache. On y reviendra. Ah, bah, ok, j'ai plus envie. Donc, voilà. Mais par contre, la dernière fois, j'ai une copine qui est comédienne. On s'est peut-être pas vu depuis longtemps. Je savais qu'elle allait devenir comédienne. Je m'en doutais. Mais on s'est revu et tout. Elle m'a dit, ah, tiens, machin, je vais voir un tel, etc. Et je suis allé au théâtre. Et je me suis dit, tiens, je n'y vais pas assez. Et je suis allé voir un spectacle de TJ Stan, c'est des Flamands, je crois, qui s'appelait Quoi maintenant ? Plus besoin de ma note, c'est bon, enfin, c'était une photo. Et je me suis dit, ah, c'est top, parce qu'il y a de l'humour, Y a tout, je vais pas réussir à en parler longtemps, je vais m'arrêter là. Ça parle de quoi, peut-être en deux mots Vraiment, je vais t'en faire un très très mauvais résumé. D'accord. Okay. La société de consommation, ça se moque un peu des bobos, on va dire. D'accord. Mais tout en se moquant et tout en étant très intelligent. D'accord. Et okay. Malin et beau. Enfin, je sais pas. Et en fait, je me suis dit, tiens, et si j'allais un peu plus au théâtre, ouais. C'est au théâtre de la Bastille. D'accord. Voilà, juste pour ça, en tout cas, je me suis dit, tiens, parlons culture, parlons ça. Parce que sinon, les films dont je peux vous parler, vous les avez tous vus, à mon avis, ou quoi. Vas-y, dis toujours. Enfin, de toute façon, ici, on se. Les serpents dans l'avion. Ouais. j'ai vu. Merde. Attends, je loupe des vannes, tellement je réfléchissais à très mauvais Rip and Revenge movie. Bite and Revenge. Mordu la jugulaire. Non, c'était. Merde. Attendez, j'arrive tout de suite. T'inquiète. Je mets une petite chanson. Vincent Sparring va répondre à votre Sparring, que j'ai trouvé génial. C'est quoi Sparring? Putain, ça me dit quelque chose. Un film avec Kassovitz. Oui. Où il joue un boxeur. Bien sûr, ouais. Sparring Martyr. Ah, ça avait l'air bien, oui. Eh ben oui, très bien. Et je kiffe les films de boxe. J'adore ça. Et je le mets au même rang que, vraiment, sans déconner, Raging Bull ou The Boxer, que je kiffe avec Daniel Day-Lewis. Et il trouve un... À voir, mais putain. Est-ce que... Parce que je suis pas du tout un connaisseur de films de boxe, même si je ferais que je regarde, parce que ça m'attire. Je connais pas tant, finalement. Mais est-ce que ça. C'est pas un... J'ai l'impression, moi, c'est ce qui ressortait de l'abondance. Est-ce que c'est pas un des premiers films de boxe qui traite vraiment de la dureté de la boxe, genre à quel point tu te déglingues la tronche et tout? Ouais. Et ça parle de l'échec. Et ça parle de l'échec, de ta vision de l'échec. Mmh. C'est tout le temps un peu le truc où on se dit, ah, mais il a quand même réussi intérieurement et tout, machin. Il y a de ça dans ce film, mais c'est un mec qui se bat. Et du coup, je me dis, tiens, c'est souvent les films de boxe, ça te parle de la vie. Et tu fais, hey. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se s'épanouissent là-dedans. Où, il le fait pour la thune, vraiment, c'est ça, non? Ouais, oui. Là où dans les autres, c'est un peu genre pour la carrière, parce qu'ils veulent vraiment être boxeur. Là, pour c'est les genre, USA, dans Rocky 4. Se faire des glingues. Viens, ouvrier de sa propre gueule, quoi. Ouais, dis bonsoir, je vais offrir mon cerveau pour taper dessus, donc un punching ball vivant, quoi. Ouais. Et ça parle de ça. En plus, le mec va vers. Je sais pas si ça se passe d'ailleurs au Havre ou à Caen ou quoi, mais ça m'a parlé un peu parce que j'étais là-bas. Et tu vois un peu. Tu sais, ça se passe pas à Paris ni rien. Ouais. Mais, ça m'a plu. Ça d'accord. M'a plu. Pour le jeu de Kassovitz, pour la Real et pour le jeu de tout le monde. Même, mais Kassovitz, qui est une bête d'acteur. Hein. Bah, là, on oublie parfois parce qu'il y a l'image publique. Même c'est un Real. Enfin, ouais. Lui, il se dit souvent, moi je suis un Real qui des fois joue, mais moi c'est la Real que je kiffe. Il serait des acteurs parfois. Il dit, c'est facile ce taf, ça va, faut s'asseoir. Mais c'est vrai, quand il fait, tu fais, bah, comme il fait bien, il a le droit de vanner. Ouais. Il joue bien le Real très énervé dans Fucking Kassovitz, j'adore. Ouais. Oui, ouais, on y croit. On y croit de ouf. Il est très très fort. Saigne des oreilles et tout. Non, ouais. J'ai vraiment kiffé le film. Et du coup, en plus, il fait ce que fait Dupontel dans Au revoir là-haut. C'est ça. Il joue un mec simple. Et je trouve ça dur à faire. Ou comme Depardieu, parfois, c'est le faire ou quoi. Ou tu oublies que c'est un acteur, en fait. Ouais, et que c'est, il joue un gars que tu pourrais croiser. Quoi. Ouais. Il n'est pas bête. Il n'est pas machin. Il joue un mec simple dans sa vie avec son gosse. Il aime ses gosses. Et il se débat. Et ça m'a touché, putain, ça m'a touché. Ah putain, mais en plus, je crois que malheureusement, il doit plus être dans beaucoup de salles. C'est pour parce ça. Qu'il a pas été ça n'a pas été un ouf succès. Je débarque avec des conseils de trucs. Non, mais écoute, tu sais, les gens réécoutent les podcasts et il sera peut-être en DVD ou sur Netflix. Voilà. Ou tout ça. Donc, pour le Tejestan, c'est mort pour le théâtre. Mais par contre, ça, où récemment, j'ai vu The Thing de Carpenter que j'avais jamais vu. Ah, oui. Et je me suis dit, eh bah tiens, revoyons un peu les classiques comme ça parce que j'ai trouvé ça cool. Parce que c'était. Je n'arrivais pas à deviner ce qui allait se passer, alors que tous les films de maintenant, t'arrives tout le temps à dire « Ouais, mais quand même, on connaît, on en a vu des films. » Il m'a bluffé du début à la fin, j'ai fait « Ok !» Des classicos, on peut dire. Ouais, voilà. Mais coup, tu l'as découvert sur quoi? Il est pas sur genre Netflix ou OCS, un truc comme ça? Non, en DVD. Ok. Parce que, ouais. Alors, le DVD, pour les gens qui nous écoutent, c'est des disques. tu pouvais trouver des films. Des galettes. Des cassettes. Des cassettes très plates, ouais. Ça mange pas, attention. Hein. Je précise pour les Bretons. T'as raison. Les Bretons mélangent. Donc voilà, je débarque un peu. Après, non, mais enfin, tu sais, il y a des invités qui, des fois, proposent des vieux films de Sidney Lumet et tout. Enfin, c'est très bien. J'ai des vines d'Adrien Méniel. Putain, il y a un mec qui a re-uploadé mes vines, mais qui avait disparu parce que j'ai plus rien. Mito, c'est et un gars les a re-uploadés avec genre des logos autour, abonnez-vous, machin et tout. Donc, sur YouTube, du coup. Ouais, sur YouTube. Pas plus sur l'application. Sur YouTube. Il utilise ton talent. Non, c'est pas ça. Non, ça, je m'en fous. Mais c'est juste qu'il y a. Ça me fait rire parce qu'il y a du coup un mec, j'imagine, qui a tous les vines du monde, qui se refait des petits montages, fait des trucs et tout. J'avais un disque parce qu'il faut les chauffer. Bah, le mec a remis la main sur un truc que j'ai plus et il y a ma gueule dessus. C'est un peu effrayant, ouais, quoi. Je peux comprendre. Moi, je pense si je refouille dans mes vieux ordinateurs, je dois avoir des sketchs de Ludovic enregistrés en player. De Ludoc et Ludovic en point FLV. Il refait gare au con. Ouais, sûrement. J'avais genre le truc parce que je voulais les remater parce que je les kiffais. Je me dis, putain, il y a des mecs qui font ça à l'autre bout de la France. Bon, après, les connexions étaient daubées. Donc, quand tu l'avais chargé une fois, tu le téléchargeais, tu vois. Ludoc.com Production, je crois que ça s'appelait comme ça sa boîte. Il avait, ça commençait genre par Ludoc.com Production présente. À la belle époque. Raphaël Descrac, oui. Qu'as-tu apprécié culturellement parlant récemment? Ça peut être des vieux trucs comme des trucs récents. Bah justement, ouais, quand j'ai reçu ton texto, ça m'a beaucoup stressé parce que ce genre de questions, elle me stresse, genre quel est ton film préféré, tout ça. Ouais. Et du coup, genre j'ai paniqué, et j'ai réfléchi et du coup, est-ce que j'ai le droit de te déroger à la règle avec j'ai trois trucs, mais je peux parler de façon très rapide. Non, non, t'inquiète, et c'est on pas est du rapide. Tout récent. Non, non, enfin, non, vas-y, ça va. C'est trois anthologies, par contre. C'est une saga. Non, mais le premier truc, c'est un jeu vidéo. Et si ceux qui connaissent. Et tu as le droit de me dire si ça a déjà été dit au Floodcast, auquel cas je. Vraiment, vas-y, franchement. On va te couper. Et il y a un gros jeu. Et une grosse ellipse. Voilà. Il va ce rire-là qu'il vient de faire, il va le même pour relancer la coupe. Putain. Le Tekos. Putain, pardon. Et ouais, donc le premier truc, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Undertale. Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler. Ouais. C'est un RPG. Alors, vieux sur Mega Drive? Non, très récent, assez récent. Je pense 15. Mais il a un style vieux. C'est tout simple, très pixel, etc. C'était Antoine Daniel qui me l'avait conseillé et il m'avait dit l'argument phare était dans ta vie, il y aura un avant et un après Undertale. Je me suis dit, c'est intriguant. Pourquoi il l'aime autant? Et en fait, je déteste là où je. Le conseil pour ceux qui connaissent, c'est cool, mais pour ceux qui connaissent pas, moi c'est que je déteste les RPG, enfin j'arrive pas à y jouer et je jouais à qu'un seul RPG de ma vie, c'était Pokémon, mais j'ai arrêté là. Ça m'angoisse les RPG, de stuffer, d'avoir des potions et d'avoir des trucs, ça j'ai peur de chez ma vie et de chez ce jeu. Le dernier Zelda là, à chaque fois il dit bon bah du coup, faut que tu laisses un objet pour avoir ce nouvel objet. Ouais. Je dis bah non, merde. Ah, c'est ça. Imagine, j'en ai besoin. On est quatre branches, mec. Quatre branches, ça sert à rien. Ouais, mais ça peut, tu peux te défendre. Et du coup, vu que j'aime pas les RPG, et que Antoine Daniel m'avait dit ce truc qui m'est resté en tête, de genre à ce point-là, c'est si bien. J'ai regardé des let's play. J'ai regardé d'abord un premier let's play de PewDiePie et après j'ai tellement adoré que j'ai regardé un deuxième let's play de Jacksepticeye et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant des gens qui jouaient à ce jeu et parce qu'il est le concept est très beau et les valeurs véhiculées dedans sont magnifiques et je pense que le monde a besoin de ce genre de valeurs et c'est un jeu qui un peu se joue du fait des jeux habituels où on rencontre des monstres et on doit les taper et on se dit un peu comme par exemple Pokémon, on envoie des attaques et qui se joue du joueur et qui cache un peu le fait qu'il y a d'autres façons dans la vie d'aborder des conflits. Ouais. Et du coup il est très beau, il y a des très belles valeurs dedans, je le conseille. Je le conseille aussi pour sa musique qui a été composée par le créateur du jeu qui s'appelle Toby Fox, qui a levé juste un crowdfunding pour le faire. Ce que j'allais te demander, oui, c'est un truc qui est très indé du indé. Et je crois qu'il demandait 5 000, il en a eu 50. D'accord. Et il a tout fait. 50 000 euros. Je vais dire pas mal. Et du coup il fait énormément de choses dans ce jeu, il a développé, dessiné, etc. Il est très, c'est un jeu très, tu sens, personnel et à la fois de très très bonnes valeurs et tu pleures beaucoup. Donc, et même si je n'y ai pas joué, je n'ai jamais eu le jeu sur moi, et ben rien que le voir, si jamais il y a des gens comme moi qui n'aiment pas les RPG, qui ont la flemme, voir des gens jouer, PewDiePie et Jacksepticeye sont j'ai passé de très bons moments avec eux. Ils interprètent les voix parce que les personnages, ils écrivent en texte et ils te font un petit peu d'un effort de petit doublage, etc. Et c'est très beau, très belle histoire. Et c'est drôle parce que tu n'y as jamais joué du coup. J'ai jamais joué. T'as vraiment été le gars qui est à côté dans le canapé et qui regarde jouer. Exactement. Et ça t'a suffi largement. J'ai peut-être plus pleuré qu'eux. Même si non, justement, c'est très émouvant de voir un joueur être ému. Ouais. Genre un PewDiePie, un Jacksepticeye qui se tait pendant 10 minutes ou comme ça, qui fait... comme ça, et tu étais en même temps avec eux parce qu'il y a des très belles choses qui se passent dans le jeu. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu, j'ai beaucoup aimé pas jouer à ce jeu. J'ai une question, question noob ou... du mec qui est déconcentré, qui n'a pas écouté. On peut faire un jingle? Questions-nous, c'est fini. Ça se joue sur quoi? Je crois que c'est Steam, c'est sur PC, je pense. Ok, c'est vrai qu'il est sur Steam. Je suis un noob. Et du coup, voilà, c'était pour le jeu vidéo. Et sinon, ouais, c'est pareil, tu me dis s'ils ont été dit ces films, parce que ceux qui connaissent, ils vont dire, bah, tu m'apprends rien, etc. Mais ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, ça peut peut-être donner de la friandise. C'est le film Swiss Army Man de The Daniels, avec Paul Dano et Daniel Radcliffe. Vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Ouais. Pas vu. Non, je l'ai vu. Je vous le conseille. J'ai mis de côté, il est dans ma petite sélection. Il est sur Netflix, ouais. On va dire, c'est les gens qui ont. Et moi, il m'a fait beaucoup de bien. Et le fait que ce film existe avec un concept aussi taré. Et quand j'ai vu les premières bandes annonces, les premières images, ouais, j'ai vu le concept. J'ai vraiment voulu arrêter de regarder les bandes annonces et j'attendais qu'une chose, c'était. Avec un concept aussi ouf, je savais pas à quoi m'attendre. Et du coup, j'aimais ce truc-là. Ou alors qu'on vit dans une époque où maintenant on a beaucoup de choses à consommer et on peut anticiper pas mal de choses. À Marvel, je sais que ben il y aura un méchant, je sais qu'il y aura des bastons, etc. Et dans ce truc-là, tu fais, je sais tellement pas où ça peut aller. C'est quoi ce concept et j'ai hâte de voir. Et donc j'adore sa BO au film, j'adore le, j'aime beaucoup le film. Et étrangement, j'aime beaucoup beaucoup plus le fait que le film existe que le film en lui-même, même si je l'aime beaucoup. Tu vois, c'est il y a une histoire quand même. Il te raconte une histoire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est tenu par les deux. Et bien sûr qu'il y a une histoire. Il y a une histoire très touchante, et très cool. C'est tout. C'est, moi, je m'attendais à un truc un peu. J'ai eu peur d'un coup de folie, Des fois, tu dis, oui, bon, bah, vous avez voulu faire la métaphore de tel truc. Et, voilà. Et en fait, non, non, pas du tout. Il y a des, plein de choses métaphoriques, mais c'est un vrai film avec un milieu, un début, un milieu. Un film pas du tout bien. Un Tarantino, en fait. C'est un vrai Tarantino. Non, non, mais un vrai film avec début, milieu, fin. Non, ça raconte un vrai truc. D'accord, ok. C'est drôle et touchant. Exactement. Et le dernier truc que dont je voulais parler, qui est pour le coup plus récent, que c'est un Blu-ray que m'a offert mon frère François Descraques à Noël. Et du coup, j'ai découvert un film que j'ai étrangement, j'ai pas tout aimé, mais le fait pareil qu'il existe me fait du bien. Ça s'appelle Colossal. C'est je triche complètement pour avoir le nom du réalisateur. Réalisé par Nacho Vigalondo, qui a fait Time Crimes, si je me gourre pas. Oui, je crois que c'est ça. Et Time Crimes, très bon film aussi au passage. Et ce film Colossal avec Anna Tawai et l'autre gars qui s'appelle Jason Sudeikis. J'ai tout le temps les dernières syllabes. J'ai que les dernières syllabes, surtout. C'est très. En fait, je conseille aussi pas mal ce film parce que tous les. Pardon. Oui, je conseille pas mal ce film parce que il y a des défauts qui sont cool à voir enfin, où tu dis ah c'est ça, je sens que ça marche moins bien ou que je suis moins embarqué à cause de ce défaut. Ça enlève rien au film, le pitch est assez simple et cool, justement le concept est très cool et je suis content que ça existe. C'est Anna Tawai qui un peu trop déglingue dans sa vie, s'aperçoit qu'elle est un jour aux news, elle apprend qu'il y a un monstre qui est en train de ravager Séoul en Corée du Sud, genre monstre type comment il s'appelle, les Godzilla, les Kaiju, c'est les robots, okay. C'est un truc comme ça de ce style là, monstre géant parmi les immeubles. Ils apprennent ça et elle découvre qu'elle a un étrange lien avec ce monstre alors qu'elle est dans une petite bourgade aux États-Unis. Et c'est très très sympa ce concept, qui est la façon dont il est développé et développer un peu plus de façon un peu plus film d'auteur. On prend le temps, on découvre le concept, on s'amuse avec, ça marche comme si ça, les personnages apprennent à découvrir le concept au fur et à mesure du film, plutôt que genre ah ok, on a les règles du jeu et maintenant on doit faire une course poursuite, tu vois. Et y a c'est pareil, j'ai eu le truc de me dire à la fin, je me suis dit ah, j'ai pas tout aimé mais je suis content qu'il existe. Pareil, tu l'as vu Colossal? Ouais. Ah putain, ouais, cool. Vraiment, ouais, petite surprise, je sais pas ce qu'il m'a pris. J'étais bien entouré, mais pareil, ouais, le fait qu'il soit un objet étrange et qu'il existe, je me suis dit ah tant mieux. J'étais un peu sur ma faim, tu t'en fous, il est nouveau un peu, c'est ça, plein de trucs quoi. Ouais. Et dans sa nouveauté, dans les imperfections de sa nouveauté, tu peux apprendre des choses et peux dire ah ça peut-être faudrait pas le refaire, mais tu peux aussi aimer ses imperfections en disant au moins putain ça change, plutôt que il me fasse un truc ultra condensé, ultra un pitch qui s'arrête pas, super haletant. Là c'est genre ah il y a des ventres mous, tant mieux, tu vois. Pour revenir un peu au côté asiatique, coréen, japonais, moi je trouve qu'il y a vraiment dans ces deux pays notamment, une espèce de relecture de la consommation américaine, tu vois, de films, comme que nous, j'espère, on a aussi chez nous, comme, tu vois, quand on parlait de Revenge, cette espèce de vomi de ce qu'on a digéré, tu vois, de la culture américaine plus la culture française, tu vois. Et eux, ils ont aussi ça avec leur culture à eux, plus la culture américaine. Et notamment dans la science-fiction, je trouve qu'ils ont vraiment un autre regard, une autre approche, quoi, tu vois. Ça me faisait penser à Your Name quand tu parlais de ça, quoi. Oui. Your Name, d'ailleurs, qui a un lien avec Les Dissociés, je sais pas si tu l'as vu, Vincent. Non. Qui est un peu le même parti pris de base que Les Dissociés, où en fait, c'est une film une animé, jeune japonaise. C'est un film animé japonais. Ouais, c'est un animé qui a battu d'ailleurs le dernier Shiro, je crois, en termes d'entrée. C'est maintenant l'animé japonais le plus international. Le plus de recettes internationales. Succès international. Et c'est une jeune japonaise qui vit à la campagne. Qui se réveille dans le corps d'un jeune japonais qui vit à Tokyo, et c'est l'inverse. Après, ils vivent tous les deux, ils alternent dans leur deux corps et ils comprennent pas ce qui leur arrive et ils ont une espèce de connexion qui se crée, quoi. Et la manière dont le pitch est traité, c'est vraiment pas hollywoodien, quoi. Et je sais pas si tu l'as vu, Flaubert. Non. Mais moi, j'ai vu un truc avec Louise Bourgoin qui ressemblait aussi au Dissocié. Ah oui, bien sûr. Mais j'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai pas vu Your Name. L'un dans l'autre, on aurait dû l'appeler comme ça. Merde. L'un dans l'autre, bien meilleur titre. On avait 15 titres, dont Les Amants Chias. Mais je crois que PV nous avait aussi sorti pas mal de titres, jeux de mots et pas mal. L'un dans l'autre. Il devait y avoir l'un dans l'autre. Je crois qu'il nous a dit qu'il y avait l'un dans l'autre. Il y avait Your Name, c'est quand même super chelou, quoi. Non, mais oui, Your Name, très bien aussi. Bah moi je l'ai pas vu, bah je regarderai. Et moi pour vous, et toi, pour oui. vous, et, pardon Raph, vas-y, c'est bon, c'était les trois saisons. Ouais. Et moi récemment j'ai vu Phantom Thread, j'arrive pas à le dire bien. Phantom Thread. Ah ok. Le dernier Paul Thomas Anderson. Oui. Qui est un de mes réalisateurs préférés, qui est un, le mec qui a fait Magnolia, qui a fait There Will Be Blood et qui a fait Boogie Nights. Et je vous conseille de commencer par et Punch Drunk Love, putain évidemment. Et je vous conseille de commencer par Boogie Nights, qui est un film de 2h50 sur le rise and fall d'un acteur porno. Et vraiment, c'est très bien écrit, très touchant, très drôle. Et c'est genre tous les acteurs des années 90 qui débutent leur carrière dans ce film. Donc, il y a Mark Wahlberg, Heather Graham, Philip Seymour Hoffman. William H. Macy, je crois. C'est qui joue dans Fargo, justement. C'est lui, okay, William H. Macy. Dans Magnolia, ouais. Enfin, y a plein de, voilà, il y a plein de gens super. Et, je kiss, je rappelle. Et Phantom Thread, donc c'est Daniel Day-Lewis qui joue un couturier. Et en fait, qui enchaîne un peu les muses, en fait, qui, en fait, dès qu'il se met avec une nana, il veut lui faire porter ses robes et machin, mais il coud. Et vu que c'est vraiment un artiste torturé, qui est pas bien et tout, machin, il a des tocs, il a des trucs, et donc il prend des femmes, il les mâche et il les jette, et il en a rien à foutre, bref. Et un jour, il tombe sur une meuf qui, en fait, ne réagit pas comme les autres, quoi. Donc, en fait, dit comme ça, on dirait vraiment un film ultra classique sur l'artiste et sa muse. Mais bon, déjà, l'acteur principal est un gars qui a 37 Oscars et qui, du coup, vraiment joue vraiment très bien. À retenir. Et ouais. Non, mais, si vous voulez, rien pour lui. Il prend pas cher, je crois. Mais, non, mais ça vaut le coup, rien que pour lui, j'imagine, mais je ne l'ai pas vu. Et alors, l'actrice, et là, moi, je suis une grosse merde, parce que j'aurais dû prendre des notes comme Raph, et j'ai pas du tout son nom. Donc, je vais dire Jason Sudeikis. mais voilà, la nana, en fait, est extraordinaire. C'est une luxembourgeoise. Qui tient tête, en fait, qui du coup elle tient tête au personnage de Day-Lewis dans le film, et elle est fabuleuse, cette meuf. Et donc vraiment, courez voir ce film. C'est très, alors pour le coup, c'est presque l'inverse de ce que tu dis, c'est parfois presque trop parfait. Ouais. T'es là, genre, putain, c'est vraiment beau, ça joue bien, nanana. Je suis pas trop dedans, mais vraiment, c'est. Ouais, c'est. En fait, puis le dernier acte est tellement malin. Moi, il m'a un peu perdu sur le second, mais le dernier m'a tellement retourné de ouf. C'est donc, récent. Ouais, c'est sorti. Du coup, là, quand les gens l'écouteront, je sais pas, mais c'est dans. Il y a même pas deux semaines, quoi. D'accord. Ouais. Et, il me fait peur, parce que j'ai l'impression d'anticiper déjà des longueurs, mais en me disant que je vais sûrement savoir les surmonter. Ouais, c'est ça. Moi, j'y suis allé en me disant, c'est sûr qu'il y aura des longueurs. Ouais. Et en fait, du coup, ça va. Et c'est très contemplatif. Puis les longueurs sont magnifiques. Enfin, les plans sont ouf. Ils jouent avec le silence. En fait, c'est un des tocs de. Je vais pas vous spoiler le truc, mais un des tocs, c'est qu'il est très sensible au bruit, en fait. Et en fait. Un des tocs, c'est de pas parler. Non, mais. il a la phobie des oiseaux. C'est très bizarre. Non, il réagit très mal au bruit. Et du coup, ça, juste en mise en scène, c'est très dur à faire. Et il le fait avec un génie. C'est Paul Thomas Anderson, quoi, qui est quand même un très grand cinéaste. Et donc voilà, donc celui-là, bon, en plus, il a été bien distribué. Je crois qu'il est nommé aux Oscars, donc vous pouvez tomber facilement dessus. Et bah, allez-y, laissez-vous tenter par ça, parce que franchement, c'est vachement bien. Voilà. C'est noté, Flo. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Donc, c'est une roulette russe. Une roulette russe avec une bastos et un magnum. Les gens ont voté sur Twitter pour savoir qui s'en sortira. Ce sera un col 45 à l'ancienne. Pardon. Je vous ai invité. Bah, ne t'excuse pas, je t'en supplie. Je vous ai invité, voilà, parce que c'est les 50 sur les 4. Ouais, c'est les 5 ans de Suricat, un petit peu plus de 5 ans, parce qu'en fait, en gros, la première vidéo sous l'appellation Suricat est sortie le 15 janvier 2013. On fait une transition avec Paul Thomas Anderson. On s'en bat les couilles. Et cette émission, regarde, je n'ai pas de jingle à Happy Birthday, c'est vraiment à l'arrache. Tu es dans mon salon, Vincent. Et alors, c'était laquelle ? C'était du coup la bonne annonce, le teaser. Lancement Suricat. Lancement. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne à la toute base, donc même avant, je vais faire une espèce de petit tour de table. Comment vous avez été invité à rejoindre d'abord Golden Moustache, puisqu'en fait, en gros, on a lancé Suricat un peu plus tard. D'abord, on a rejoint Golden Moustache. Je commence peut-être par, vas-y, Julien. Mm-hmm. Comment ça s'est passé, toi? Si je me souviens bien, Vladimir Rodionov qui est un nom que vous allez beaucoup entendre dans le podcast, qui, un nom vous allez beaucoup qui reviendra entendre, souvent. Qui est un des co-créateurs de Godet Moustache, qui a été le directeur artistique de Godet Moustache sur les premières années, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois qu'il a fait la première année. Il est parti un peu faire autre chose. Il faisait, je crois, un programme court sur Canal dont j'ai pendant ce temps. Il réalisait pendant ce temps. Oui, et il est revenu après. C'est ça. Ouais, globalement, Navo l'a fait un peu et il est revenu après. Juste voilà, pour de l'écriture, pas de la DA globale, mais ouais, directeur d'écriture, d'écriture. Mais c'est un des co-créateurs de Godet Moustache. Qui, en tout cas, donc Vladimir, qui, avec Adrien Labastir, le producteur et créateur, et qui est toujours à la tête de Golden Moustache actuellement, ils étaient donc deux personnes à avoir cette envie de créer Golden Moustache. Ils sont venus me demander un rendez-vous, et c'est surtout Vladimir Rodionov, parce que c'est lui qui m'avait vu au Zapping Amazing 1 à l'époque, au Grand Rex, avec Norman, avec Kemar, avec toute la clique. On avait fait un show en vrac, mais spontané, mais qui venait du cœur. C'est le meilleur adjectif, t'as dit spontané. Non, mais c'est vrai, bien. C'était. Si jeune, vous étiez c'était un normal. Cri du cœur dans une salle pas du tout démesurée par rapport au niveau de préparation. Je suis venu vous voir pour le 2. On y reviendra. Le 2, c'était le tout début de Suri 4. C'est ça, ouais. Qui était déjà en vrac le 2, donc t'imagines pas le 1. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai ri. Mais non, le 2 était quand même vraiment structuré par rapport au 1. Et le 1, c'était vraiment. Mais c'était beau, quoi. C'était vraiment les youtubeurs qui s'étaient rencontrés un petit peu. Moi, je suis arrivé tout juste parce que je venais d'arriver à Paris. Et donc, on avait fait ce truc. C'est une grande soirée au Grand Rex. C'était complètement dingue. Je me souviens de Norman, la première ou deuxième fois que je le croise dans ma vie, qui me dit: on pense à faire le Grand Rex pour une soirée, ça t'intéresserait? Bah oui, enfin genre, c'était vraiment surréaliste. Ouais, donc mais c'était vraiment fou. Et en plus, dans le premier, j'ai fait des tout petits passages sur scène solo, enfin vraiment deux, trois petits trucs, sachant que ça durait quand même bien 4 heures, c'était n'importe quoi, c'était beaucoup trop long. C'est un truc tout ça. C'était ouf. Il y a des gens qui partaient, genre, les gars, c'est vraiment trop vrai. Oh, on a payé le Grand Rex, merde, on va rester jusqu'au bout. Mais c'était génial, c'était drôle, c'était vraiment la spontanéité, les gens avaient vraiment vécu un truc de genre une espèce de répète filmée. Mais non, mais c'était très. Je pense que ça a plu à beaucoup de gens quand même, parce que ça venait vraiment du cœur. C'est un des premiers événements internet. Ouais, voilà, c'était un peu la première réunion. Genre, on avait l'euphorie de genre, mais what, les gens, ils viennent, c'est rempli et tout, c'était complètement dingue. Et donc, Vladimir, je ne le savais pas, mais était dans cette pièce. Et je sais pas, Larmes. Il était en larmes. Il a adoré. J'étais venu repérer des mecs. Non, et donc, du coup, en tout cas, il m'avait dit que c'est là qu'il m'avait repéré, que ça faisait un moment qu'il regardait déjà mes vidéos sur YouTube, parce que voilà, moi, j'ai un historique de vidéos clou, etc. Et tout, donc, ça faisait un moment, je savais pas qu'il suivait ce que je faisais sur Dailymotion à l'époque. Et donc voilà, j'ai eu un petit rendez-vous avec eux et on parlait. Et à l'époque, moi, je devais être dans Studio Bagel aussi. Je devais faire les deux. Et moi, le malin. Mais moi, on m'avait proposé les deux et j'avais fait, mais moi, pourquoi choisir? Enfin, genre, les deux ont l'air sympa. C'était pas déjà la même optique, en fait, déjà, à la base, en fait. Donc, moi, je me disais, les deux sont cool, pourquoi pas. Et finalement, on m'a fait, si du coup, tu fais Golden Bagel, ça sera non. Donc, j'ai fait, bon, t'as pas. Parce que Golden avait un peu d'avance sur les réunions. Donc, on a commencé à faire des réunions avec tout le monde. À 30 auteurs. Dans un salon chez 14, un comédien qui s'appelle No Man Osni. Je crois qu'on était 14, je crois que je me souviens avoir compté me dire au début, je vais virer, mais du coup parmi combien? Pas chez Noman. Moi, de toute façon, j'étais pas chez Noman. Moi, je suis arrivé chez Vlad, moi. C'était quand Vladimir était chez lui. Quand on était plus 4. Ouais. Non, il y avait encore des mecs que je connais encore, genre Arthur Perrier. Il y avait encore plein de gens, bien sûr. Voilà, après peut-être je vous passe le micro parce que non, continue parce que non, t'es venu comme ça. Voilà, moi après on a commencé à faire quelques réunions et tout ça, c'était en gros c'est comme les films Marvel, là tu nous racontes jusqu'à l'arrivée de Nick Fury. Genre, et donc Nick Fury, Vladimir est arrivé. Maintenant, on passe au second film. Raph, toi, comment Nick Fury est venu te chercher? Est-ce que c'est Nick Fury qui est venu te chercher, Vladimir? Ouais, plus ou moins. Ouais. C'était un peu, il y avait une erreur quand même de personne, je pense. Parce que en gros, quelques mois avant, je fais un sketch sur ma chaîne qui s'appelle Les Super Métro, où je fais une fausse bande-annonce d'un faux film, et pour m'amuser, pour rien de précis. Et à cette époque-là, une boîte qui s'appelle Calz, je crois, comptait lancer la chaîne Paris. Et vu que ça traitait des super métros, ils nous disent: est-ce que tu veux qu'on creuse le sujet et tout? Moi, j'étais encore en études, je crois, j'étais encore au conservatoire de théâtre, donc j'étais avec plaisir. J'avais fait une petite Bible. Quel âge? 20 ou 21, quoi. C'est ça. Et du coup, j'avais fait une petite Bible, Les Super Métros, la série, qui devait à l'époque durer 20 minutes. Pour moi, c'était déjà énorme, mais il se passait plein de trucs. C'était un mini-film, etc. Le méchant, c'était RERB, et la SNCF, etc. Et à cette époque-là, je fais des rendez-vous avec ça et ça se passe moyen. Le budget qu'ils annoncent a l'air un peu trop petit pour ce que je voulais, etc. Et mon frère me dit, qui à l'époque bossait au Golden Show, me dit je peux pas accepter la demande d'un ami à moi qui s'appelle Vladimir Rodionov par rapport à un truc qu'il est en train de créer, mais il va sûrement te contacter. J'ai vu que moi je peux pas. Je lui ai dit qu'il y avait toi. Tout ça pour dire que François Descraques aurait pu être dans Story 4. s'il n'était pas occupé au Golden Show, ça aurait été François Descraques à ma place. Donc, et grâce à lui, Vladimir me contacte. Grâce à lui et grâce au fait qu'il avait au moins les Super Métro comme soutien de ce que j'avais fait. Parce que sinon, j'étais que comédien, entre guillemets, sur Le Visiteur du Futur. J'avais pas de preuve de ce que j'écrivais, etc. À part les peu de choses qu'il y avait sur ma chaîne YouTube, mais surtout les Super Métro qui sortaient un tout petit peu plus du lot, qui étaient un petit peu plus courts et un peu plus concept. Et qui avait fait un petit buzz à l'époque. Enfin, je me souviens, les gens en parlaient. Qui avait fait son petit tour, bien sûr. Et parisien, mais quand même, tu vois. Et du coup, il me contacte basé sur, je crois qu'il m'a pas dit ton frère m'a filmé machin, mais il m'a dit j'adore Super Métro et c'est cool et tout, tu vois. Donc j'étais content. Et du coup, je débarque grâce à ça aux premières réunions de ce fameux site qui apparemment devrait s'appeler Golden Moustache. Mais t'inquiète pas, on va changer le nom, ce qui a été dit moi au début. Beaucoup de fois. Ah bon, Golden Moustache, le Golden Show qui est actuellement sur Twitch, c'est exactement pareil. On va changer. Je raconterai l'anecdote après. Mais pour le nom, pareil, j'en ai une et j'ai failli me faire virer d'office. Vincent, justement, passons à toi. Comment t'as été? Parce que toi, c'est encore un peu différent parce que tu devais faire plus. Parce que je suis blanc de Golden. C'est dégueulasse. Parce que tu devais être plus qu'auteur. Hein, t'avais demandé beaucoup plus. Comment on est venu te chercher, toi? Alors, l'anecdote est rigolote pour un truc. C'est que j'avais fait un site internet qui s'appelait franchement.org. Qui était le seul site, hein, je le rappelle. Ouais. Qui est le seul site. Et il reste le seul site. Il est toujours le seul site. À vie. Mais pourtant, il y en a plein d'autres. C'est fou. Donc, vraiment, la punchline est très mauvaise. C'est un bon slogan. Le seul site. Pourtant, il y en a plein d'autres. Entre parenthèses, entre crochets. Avec une autre police. Et mais en fait, avec mon meilleur ami qui s'appelle Jean Bon, il revenait d'Australie. Il m'a dit, viens, on fait ça un site internet. On fait une chaîne YouTube. J'ai fait, yes, c'est quoi? Et vraiment, il m'a dit, t'es un clodo. J'ai fait, c'est vrai. Ça faisait 3 ans que j'avais pas d'appart, donc 3 ans que j'avais pas internet. Et vraiment, j'allais chez mes potes et tout, mais je savais que c'est internet, ça existait, mais je connaissais vite. Tu l'avais vu dans les films. Moi, c'était de la science-fiction. John Landis, c'est toute la clique. Et j'ai dit, ok, l'HTTP existe. Non, mais du coup, ouais, machin. Je découvre vraiment YouTube, mais je me fais un rattrapage de 2 semaines. Vraiment, je bouffe tout, quoi. Et je découvre Norman, machin, là. Donc, je dis, j'avais des idées un peu. Je crois que c'est déjà bouffé un peu l'esprit podcast. Je dis, on est niqué. Viens, on fait ça. On crée un petit site internet à la con qui s'appelle franchement.org. Et on n'avait pas le .fr. C'est pour ça qu'on a fait ça. Ni le .com. On a fait, c'est tellement de la merde. autant aller jusqu'au bout et avoir la pire URL. On a fait ça. Et donc, je dis l'anecdote rigolote parce que Chris Esquer, qui était vraiment mon humoriste favori, et peut-être le seul à ce moment-là, j'en aime plein d'autres. Mais lui, je me disais, lui, il fait vraiment des trucs bien. Tu te reconnaissais dans ce qu'il faisait. Ouais, coup, voilà. Ouais. Merci. J'arrive pas trop à discuter. Non, je relance. Il faut. Et en fait, lui, et c'est mon seul bravo reçu. On fait ce site. Jean Bon, donc mon pote, et me dit, mais c'est tellement de la merde ce qu'on fait. Et là, le seul bravo que j'ai, c'est ce gars, parce que je connais, mais je fais, oh putain! Donc ça me touche encore 10 000 fois plus que tous mes potes qui me disent, c'est nul. Il faut vraiment que t'arrêtes, mec, tu nous fais mal au ventre tellement c'est gênant. Et je fais, franchement, nous, on rit beaucoup avec Jean Bon. On fait, ah, mais mec, c'est nul, quoi. On le fait et tout, et je reçois un truc, venez, on se rencontre. Et je dis l'anecdote est rigolote parce que ce soir même, Jean Bon m'a envoyé un texto, il m'a dit hey, j'ai croisé Chris Esquer, j'espère que je le grille pas, ça se trouve il est censé être autre part. Parce que sa mère va lui dire mais t'étais pas censé être à Rennes. Bon, bref, il l'a croisé dans un bar ce soir, il m'a dit ah, tiens, je suis avec Chris. Ah, c'est drôle. Touchant. Et donc je lui dis passe-lui le bonjour et dis-lui merci parce que ça m'a filé du boulot. Après, voilà, on a une petite entrevue, je teste des maquettes radio qui ne marchent pas. Il me dit ça c'est nul, ça c'est bien. Je fais merci pour ta franchise. J'ai pleuré. Non mais il avait raison et ça m'a un peu boosté quand même de me dire bon les je lâche pas l'écriture et tout, c'est quand même sympa la coécriture etc. Et un coup il me dit voilà je te file le numéro de Vladimir Rodionov qui t'appelle. Il voudrait que je bosse pour Golden mais je leur ai dit tiens je connais un auteur vite fait qui commence qui bidouille et qui a un site internet qui peut être drôle par moment. Donc ils m'ont rencontré là-dessus et ils m'ont dit qui es-tu, quel est ce site de merde. Et vraiment, ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire d'autres trucs que de ce genre ou quoi? Et à la base, vraiment, j'étais juste censé écrire le dossier de presse pour M6 Golden Moustache. C'est une prod M6 à la base. En échange d'une énorme rémunération. Est-ce qu'on commence les vannes là-dessus? Parce que je peux me mettre en mode on. Alors, je savais qu'elle était pas, qu'elle était pas énorme, mais je me suis dit, bon, c'est quand même sympa, je commence, et puis je me dis, eux aussi, ils commencent, c'est des petits. Ça reste M6. Il n'y a pas c'est de la maille. Petite chaîne qui monte. Petite chaîne qui... Mais qui monte tout le temps, qui monte. C'est une start-up infinie. Non, mais du coup, j'ai fait le dossier de presse, j'avais 4 jours pour le faire. J'ai bourriné comme un dingue, j'ai repris les vieilles notes, j'ai mitonné. J'ai dit, il était trop bien, j'ai eu des idées. Il était très drôle. Il était ouf. Merci. Ouais. Mais j'ai mixé tout, j'ai dit à Jambon, j'en ai rien à foutre que tu bosses et que tu sois développeur web, on bosse à fond, on fait le dossier de presse. Voilà, on a fait ça, machin. Ils nous ont dit, est-ce que ça te tente aussi de faire des vidéos? Le dossier de presse a un peu tourné dans M6. Ils m'ont dit, bon, allez, on te garde. Moi, je bossais pour Carglass à Berck-sur-Mer, la vie de ma mère. J'avais un t-shirt jaune et tout. J'étais super bronzé. Un t-shirt jaune. Carglass, pardon. Je précise. J'ai fait des guillemets, mais ça se voit pas au micro. Et du coup, voilà. Donc, j'ai refait des rendez-vous. J'ai dit, je veux bien bosser là-dedans et faire des blagues. Et on m'a proposé de venir aux réunions pour les vidéos au cas où. Je suis venu et donc on est resté à 4 planquins. Ça se dit. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air quand même d'être drôle. Et voilà, on m'a vraiment. C'est pour ça que je cracherai jamais sur cette magnifique soupe aux 9 légumes. Mm. En fait, alors qu'il n'y en avait que 3. Mais on m'a dit, c'est carte blanche, on crée un truc, on n'a pas l'univers et tout. Mais voilà, le premier truc qu'il m'a dit, donc je revenais de Berck-sur-Mer. Bonjour, c'est Adrien Labastir, je cherche des auteurs pour Golden Moustache. Point. Et moi, je dis, vous voulez changer de titre? Première vanne nulle à 130 km/h dans le camion, un silence total. Et vraiment, je me dis, bah, je suis déjà viré. C'est non, pas très, très non. Vite. J'ai dit, bon, ok. Et vraiment, je me suis, je sais pas. Alors qu'en fait, ce titre, on l'accepte. Bah, au final, on n'a pas le choix, écoute. Ouais. Mais voilà, moi pareil. Mais du coup, c'est quoi ton solo movie avant l'Avengers? Un petit peu après. En fait, j'étais toujours en recherche. Et moi, je suis passé, moi, c'est grâce, alors pour le coup, c'est aussi grâce à Vlad, mais c'est d'abord grâce à Vanessa Bria. Puisque moi, en fait, j'étais sur le contrat stagiaire assistant monteur au Golden Show, mais je faisais plein de trucs et j'ai appris beaucoup là-bas. Les bases, en fait, de faire des trucs avec 3 très bons profs, à savoir du coup Poulpe, Davy et François. Et en fait, il y avait Vanessa qui arrivait en même temps que moi au Golden Show, qui elle, je crois que c'était pareil, stagiaire prod, alors qu'elle était vraiment dire prod. Directrice de production internationale. Et elle est mais elle est toujours autant extrêmement douée dans son métier. Et du coup, ça s'est su très vite. Et du coup, Golden Moustache l'a engagée. Oui, c'est vrai que ça s'est fait vite. Bien avant aussi, moi. Et un jour, vu que c'était 4 connards dans un open space, elle entend que ça cherche des auteurs. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu as des textes? Et je les fais lire au directeur artistique et directeur d'écriture. Et on voit si ça match, quoi. Et j'envoie Vladimir Kif. Il m'appelle et du coup, voilà, je vous rejoins, vous et encore 2-3 auteurs qui restaient à l'époque et qui sont vite partis pour faire d'autres choses. Ah oui, je pensais que quand tu étais arrivé, il y avait déjà plus que nous. Non, moi j'ai croisé Arthur. Il y avait sur Johan. Sur 3 semaines, une petite transition. Ouais, il y avait Johan. Ah, ouais, il est revenu après, je crois même. Ouais, il était auteur pour le site. Ouais. Et surtout, moi je faisais pas que de l'écriture aussi, puisqu'en gros, j'ai monté du chaussette de Yacine et Dedo. J'ai monté de la michorée et j'ai filmé le. Il y avait un Golden pour se lancer, a fait ce truc qui n'est pas resté dans l'ADN du site. Je vois. À savoir. Batmobile! Alors, il y avait déjà. Parce que moi, j'ai écrit 25 vignettes. Ça a l'air déjà. Attends, expliquons en deux temps. Donc, il y avait un personnage qui s'appelait Batmobile. Mais on vanne avec tendresse, hein, oui, vraiment. Non, mais c'était parce les belles années, c'était franchement. Même Vlad va nous écouter, va dire bande de cons. J'ai beau dire sur ces conneries. Mais après, on parlera des trucs honteux qu'on a fait aussi. Oui, mais les trucs qui tombent à l'eau sont hilarants tout le temps. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça, c'était en gros une espèce de. Qui devait être la mascotte de Golden Moustache, qui était un faux Playmobil, qui devait être un mec méchant comme le panda dans la pub. C'était ça la référence, je me souviens. Faut que je pisse. Je t'en prie. Vous m'en voulez pas? Pas de soucis. C'est une pause de 4 secondes. Vas-y. Je pisse là. Je t'en prie. Okay. Non, on peut même continuer. Non, continuez complètement. Ouais. Et donc, en gros, c'était genre le panda méchant dans une pub. Je sais pas si vous êtes pour le fromage. Qui renverse ou pour un caddie. Oui. Voilà, très méchamment. Ouais. Et donc, ça, c'était la mascotte. Et effectivement, Vincent en a écrit plusieurs et tout. Et je devais les monter, mais je crois que ça s'est au final jamais fait. Et l'autre truc, c'était en fait pour le lancement du site, c'était une OP où il fallait liker un mec et une meuf pixelisée en jaune. Et quand tu likais, ça enlevait un pixel. Pour les déshabiller. Pour les déshabiller et voir les gougouttes et le pénis. L'enfer. L'enfer total. Mais le site se cherchait en fait. C'était ça aussi. Il voulait faire. Voilà. C'est vrai que maintenant, avec leur culte, tu dis, ah oui, ça c'est devenu autre chose. Ouais, c'est vraiment devenu autre chose. Et du coup, voilà, c'était un peu mes premiers tafs. Mais c'est vrai que quand du coup, on m'a dit tu veux écrire des blagues, sachant que moi, je te connaissais un peu, Raph, via le visiteur. Saison 3 était ouais, déjà fait. Saison 3, bah, ouais, j'étais un peu monteur. Ouais, c'est dessus. Ça. Ouais. Et même, tu venais souvent jouer au Golden Show. Oui, exact. Et Julien, on s'était croisés à des soirées aussi. Mais enfin, on n'était pas, voilà, on se connaissait pas tant que ça, mais on s'est déjà croisés. Et Vanessa, moi, je me souviens toujours quand elle m'a présenté le travail de Vincent en m'envoyant le lien. Et je me souviens avoir pleuré d'un Je viens de revenir pile poil à ce moment-là. Vas-y. C'était un featuring entre Lana Del Rey et quoi donc Une BX. Ouais, un moteur de BX turbo. Qu'on écoutera à la fin de l'émission. Je fais ça avec un pote qui s'appelle Maxime Pouliquin, s'il nous écoute. Fou. C'est une collab. Ouais, c'est une collab. Une collab, parce qu'il avait un micro et il savait mixer des trucs. Et il nous a dit, vous voulez quoi? Je dis, t'enregistres des sons, des trucs. Et Jambon a chanté Lana Del Rey en yaourt. Dégueulasse. Et on était pliés. On l'a fait en une V1, tu vois, une version. On a fait, c'est drôle. Après, on s'est dit, peut-être pas. Mais nous, on arrive. Et c'est vrai que ça, alors, du coup. Et ouais, j'ai écouté ça. Et surtout, moi, il y avait un peu un truc qui m'excitait. C'est que moi, au Golden Show, c'était. Franchement, j'étais super bien intégré. Et j'ai aidé à faire plein de trucs. Mais j'étais pas auteur et j'étais pas réel. Donc, t'avais cette petite frustration de. Ah, ils ont l'air de se marrer beaucoup. Et voilà. Et ouais, t'as envie de faire tes trucs, quoi. Ouais, non, mais de faire ça, en fait, avec eux. Enfin, comme eux, je veux dire. Ouais. Être avec des gens et on fait des blagues et on se marre et on les tourne. Et des fois, c'est pas ouf. Enfin, tu vois, ce truc-là, c'est super excitant et ça me donnait envie. Moi, j'ai bouffé. Des documentaires sur le SNL et sur les Simpsons, et c'était une vie qui me faisait trop envie, quoi. Et du coup, je rejoins Golden Moustache, et comme on l'a souvent dit quand on nous le demandait en interview, on est juste les mecs qui sont restés. Les clodos. Vraiment. Et on a commencé à faire des sketchs, et le premier sketch, vraiment, c'était un sketch de Raph. Oui. C'était le jour où la Terre s'ébranla. Ça, c'est le titre de Vince. Je ne m'approprie pas du tout cette vanne. C'est branler la bite. Non, c'était vraiment le vrai titre. Non. C'était odieux. Et moi, je suis arrivé avec un texte qui s'appelait The Days, the Years, Stop Masturbating. Voilà. En anglais, c'est quand même Shakespeare, c'est autre chose. C'est quand même. Ça. J'ai honte, je suis le connard qui traduit les trucs sur les affiches où on fait c'est nul quand même. Non. Quand t'as sorti ça, on était hilar et j'ai fait c'est parfait, tu vois. Enfin, la vanne facile. C'est un bon soutien. Non, mais je trouve pas si facile. Je la trouve plus raffinée que ça. Et puis, c'est ce que dit un peu la vidéo en plus. Exactement, dans le monde était branlé à cause voilà, de ça. Voilà, c'est ça, donc ça marche, ça marche. De toute façon, les gens ils retiennent jamais, ils font le truc, le sketch de la branlette. C'est exactement ça. C'est le sketch de le monde entier, la planète Terre est en train de se branler. C'est vraiment pas le pitch. Hein. Franchement, au bout des 5 ans, on pourrait peut-être se dire on le renomme le sketch de la branlette sur YouTube. Mais voilà quoi. Oui, il y en a certains. On assume une bonne fois. Je connais jamais les titres des. Le sketch où les mecs ils se branlent. Je sais pas, je galère quoi. Et donc, alors, tu peux nous rappeler vite fait comment t'es arrivé avec ce sketch et comment c'était un truc que t'avais avant, comment c'était Alors, bah, juste pour avant ça, les quelques réunions qu'il y avait avant, qui étaient à l'époque chez Noman Osni, avec en effet bah, Vlad, Arthur Perrier-Pilu, Noman. Il y avait Slim aussi en fait. J'allais à ces réunions avec Slim. T'avais un projet toi, Julien, avec Slim d'ailleurs. Vidéo interactive. Putain, ça me revient. Et on a bien fait de pas le faire parce que ça parlait de drague, ça aurait été très maladroit, je pense. Bien fait. Le mec 5 mois après. Oui. Il y avait aussi dans les premiers sketchs qui étaient un peu pas des commandes, mais c'était les premières matières qu'on nous donnait pour genre on pourrait faire ci pour le lancement vu que ça s'appelait Golden Moustache. Il y avait un truc autour de la moustache. Il y avait un truc avec une potentielle Louise Bourgoin. On nous a dit énormément de noms de guests qu'on n'a jamais vus. À l'époque, il y avait genre peut-être avoir Louise Bourgoin. Ouais, une question de genre le sketch sur la meilleure moustache et tout. Et c'était ma première V1 ever qu'on m'a commandé quoi. Et c'était ultra excitant ce truc de dire viens vendredi avec un texte. Et puis il y avait ça et il y avait en plus le truc le côté guest et le côté affilié à une promo de film pour eux en même temps. C'est genre c'est trop un peu le truc SNL un peu genre ils passent. Nous on fait le côté un peu blague etc. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Super excitant. Ouais. Et donc, moi, je me rappelle que j'allais à ces réunions avec Slim. Je crois qu'on écrivait Le Guichet, qui était un truc pour Orange sur Dailymotion à l'époque. Et du coup, on y allait tous les deux. Slim, pareil, il avait autre chose sur le côté. Et au bout d'un moment, il a lâché les réunions pour ses propres raisons. Pas parce qu'il désintéressait ou quoi que ce soit. Il adore l'alcool, Slim. Et au bout d'un moment, en effet, je sais plus. J'ai pas du tout la genèse. Ah, si, je crois que la genèse de cette idée, elle venait de deux trucs, de Louis C.K. et de Bref. Un sketch qu'il avait fait à l'époque. Parce que maintenant, Louis C.K. et branlette, ça. Exactement. Oui, c'est vrai. Pas la personne. C'était il y a des années. C'est un truc qu'il disait sur scène, ouais. Exactement. Ouais. Mais oui, en tout cas, bon, bah, c'est malheureux de dire ça en effet maintenant parce que c'est. À l'époque, on savait pas. À l'époque, on savait pas. Mais il y avait un truc qui se branlait chez lui. Tranquille. Un truc que j'aime bien, c'est que du fait qu'il en parlait sans tabou sur scène, ça envoyait cette vibe où, genre, ça me... et que pareil aussi dans Bref, il y avait le personnage de le héros de Bref, joué par Kian, où la masturbation était rendue très quotidienne et pas genre. Ouh, il se masturbe. Ouh, on se masturbe quand on est célibataire. Ouh, on se masturbe quand on n'a pas de succès avec les filles. Alors, ce truc, genre, non, il se masturbe, point. Et ça la remettait la masturbation un peu à un level de bah, c'est un truc humain qu'on fait et parlons-en et c'est cool, tu vois. Et du coup, ça vient un peu de cette vibe-là. Et je crois que dans un de ses sketchs, Louis C.K. dit un truc où il y a masturbation et mort pas loin. Mais c'est pas genre si tu te masturbes, tu meurs. Ouais. Et du coup, dans mon cerveau, j'ai cru comprendre ça. Je me suis dit, ah, c'est vraiment une bonne idée. Et puis, c'était pas ça la vanne. Il faudrait que je retrouve exactement sa punchline. J'aimerais bien voir, parce que ça doit parler tellement d'autres choses. Et assez vite, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant cet univers. Enfin, si c'était interdit, on ferait des pieds et des mains pour. Des pieds et des mains. On ferait des pieds et des mains pour continuer de se branler ou pour machin, pour notre plaisir. On aime ça, etc. Et puis, c'est bien que les humains se fassent du bien. Et du coup, assez vite, vient le concept que je pense que je lâche en réunion. Beaucoup de vannes viennent très vite, les cassettes de cul, les machins, tout le monde, tu sens que tous les. Bon, oui, on était 100% d'hommes dans la salle. Hein, le sexisme était encore très présent. Il y avait très peu d'auteurs féminines, mais il y a toutes les mêmes vannes, en effet, collégiens, un peu genre de découverte de la masturbation, etc., qui viennent assez vite. De toute façon, pour savoir que les auteurs, tu leur dis blague de cul, ils partent pendant 4 heures et ils sont trop contents. Quoi. Ouais. Mais je sens que le concept marche bien, les vannes se déroulent, et du coup, que je rentre chez moi et je les mets juste un peu côte à côte, j'en trouve une sorte de fluidité de petite logique et de rendre ça sous un côté un peu bande-annonce, les meilleurs instants d'un film, quoi. Comment je peux passer par toutes les vannes un peu qui sont dites en réunion. Et je débarque avec ce texte et il part assez vite en production, j'ai l'impression. Il devient le sketch de lancement, en fait. Et il devient, c'est ça, parce que vous êtes tous les quatre dedans et malheureusement, ta scène, Flo, n'a pas été gardée. C'était une scène que j'aimais beaucoup. C'est une scène que j'aimais beaucoup, un peu à la Requiem for a Dream, où c'était un des seuls hommes qui est perdu dans les rues. Et c'était, est-ce que quelqu'un peut baiser? Est-ce qu'on peut baiser avec moi, s'il vous plaît? Enfin, il y avait un truc un peu d'addict, etc. Et j'aimais beaucoup cette scène. C'était question de rythme, etc. Et il y a Valentin Vincent aussi dans ce qui meurt sur un klaxon. Je l'ai rematé du coup, j'ai rematé un peu tous les sketchs pour avant l'émission. C'était très bizarre déjà parce que je les regarde pas souvent et surtout je me dis il y a 11 milliards de décors alors que maintenant on nous dirait beaucoup trop de décors les gars. Exactement. Ça c'est grâce beaucoup à Vanessa Bria. Bah oui. On a beaucoup. Qui est folle. Ça ne pouvait pas beaucoup préparer le sketch vu que c'était un de nos premiers, un de nos machins. Il y avait un truc de d'over préparation. On a fait beaucoup de zèle. Enfin, on a préparé à la seconde. Prêt, etc. Et après, quand je me suis aperçu, genre, il est beaucoup plus tranquille que ça, normalement, ce boulot. Attends, j'ai beaucoup plus tranquille. Mais là, il y avait un truc, en effet. Et puis, tout le monde était très investi. Très, très chaud, il y avait un truc un peu. Quand j'y repense, je me dis qu'il y avait, je pense, à peu près le même nombre de personnes que sur le tournage des Dissociés, en fait. Ouais. Sur les Dissociés, on est retourné à cette config très légère de personnes. Bah, on a tourné un peu aussi dans des endroits vite fait illégaux parce qu'on a tourné près de la petite ceinture. À la fin, quand c'est genre la fin du monde. La fin du monde. Le geste de branlette. Si vous aviez oublié, c'est ça. Quand c'est la fin du monde. Mais je connais quand les gens ils font c'est quoi le sketch déjà, ils font ce geste aussi. Mais c'était pour un côté un décor un peu fin du monde. On allait dans cet endroit donc on avait peur de l'illégalité. On n'a pas le droit de traîner dans cet endroit normalement et on avait peur de la police. Oui, c'est vrai. C'est la joie d'avoir Vanessa Bria qui est corse et qui du coup est en mode allez, on s'en fout, c'est illégal, mais on y va. C'est que j'étais sur le tournage, je sais pas ce que je branlais là. Si, moi je sais parce que on tournait les franchements en même temps. C'est ça, on tournait un peu longtemps. Quand du Bambi, comme on dit, mélangé avec les tournages des premiers, je me disais, pareil quoi. Ouais, je restais. Il y avait une émulsion en fait. Moi je me souviens, j'étais là plein de jours de tournage, j'étais pas à la petite ceinture, mais on participait tous à faire un truc. Je me souviens à l'appart de Vlad, j'avais rien à foutre là, mais je montais du matos. C'est ça. Il y avait le côté, on est derrière le combo et c'est trop bien, on fait des sketchs quoi. Comme quand on a monté le matos chez Vlad, les 5 étages, je m'en souviendrai toute ma vie, ma vie. Tu m'entends bien, Flaubert? Je t'entends pendant les yeux. Non, mais des trucs comme ça, mais j'avoue que j'aimais bien en plus, moi, ce côté un peu bon, allez, on va chercher les trucs, dans le camtar. C'était quand même gênant, en fait, parce que du fait qu'il y a une toute petite équipe qui potentiellement est sous le pont, ouais. de toi être quasiment en train de te branler, mais dans l'axe du pont, tu vois, devant un autre gars qui lui aussi se branle, et avec potentiellement des gens qui peuvent te regarder s'ils se penchent un peu du pont, tu vois, mais qui ne voient pas l'équipe technique. Donc vraiment, on avait peur, mais on avait, je me souviens, on avait peur que quelqu'un appelle les flics ou quoi, on jetait des coups d'œil des fois ou quoi. Ça devait crier, on devait faire non, enfin, tu vois, genre, c'était vraiment gênant avec des vêtements déchirés. Ah bah, difficile de faire un spécial 50 sur 4 sans parler de hurlement. Chute sur la moitié des trucs. Non, mais on avait peur à ce moment-là, on faisait gaffe. Il y avait un monsieur qui était sorti à la fenêtre, évidemment, comme toujours. Mais... Ouais. Et je l'avais insulté. C'est terrible. Ouais. Ouais, donc, premier sketch que tu as réalisé. Et ça, voilà, on était tous un peu excités par ce truc. Et qui a défoncé direct. Ça faisait peur quand même de se dire on se lance dans un truc, un média qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'était une chaîne qui n'existait pas. Le Facebook, ils avaient personne. Ils avaient 5000 personnes, je crois, au départ. Ils m'ont demandé de faire la. Comme quoi, pas tant de personnes veulent voir des meufs à poil au final. Hein, comme quoi, ouais. Ça, c'était un test, c'était des mecs qui se branlent. Non, mais c'était le but, c'était de montrer que voilà. Mais ça a marché du coup d'office. Et tu voulais le traduire en anglais très vite. Et en effet, il a été sous-titré le lendemain, sur le lendemain, je sais quoi. Et les gars. En fait, il a même marché un peu avant, je crois qu'il a même marché un peu avant à l'étranger parce que. En Asie, je crois, il y a eu des pays beaucoup, asiatiques. Ouais. Oui, il y en a qui ont pigé. Et en fait, c'est parce que la promesse est dite en anglais. Oui, c'est ça. Et du coup, après, il y en a qui écrivaient I didn't understand anything, but it was funny, tu vois. Parce qu'ils avaient un président américain. Ils avaient un président américain qui disait la promesse, la masturbation devient illégale parce qu'on tue des gens en espace urbain. Et du coup, le reste, il y avait que. Tellement d'office. Il y avait des vannes un peu muettes, il y avait des vannes imagées. Et du coup, les gens avaient déduit, enfin, et ils se regardaient en fait quand même. Donc après, on l'a quand même traduit, sous-titré. Mais ça durait max 4 jours peut-être. C'est ça qui a fait un petit peu son potentiel, un succès potentiel à l'international, c'est que ce qu'il fallait était dit en anglais. Après le reste, c'était compréhensible sans quoi. Et puis il y avait des gens qui criaient, qui se masturbaient à la fin, face à face. Ça fait toujours plaisir. C'est fou. Mais cette vidéo, elle reste, je pense, quasiment inégalée en termes d'engouement. Dans tout ce qu'on a fait avec Suricat, j'ai l'impression. La vie sexuelle a eu un petit, on y reviendra après, mais la vie sexuelle aussi. J'ai rien écrit pour celle-là. Pour le côté international, j'ai l'impression que c'est la plus folle. Il y a eu une version coréenne, je crois, version caca. Vietnamienne. Version caca. Tu te souviens pas? Sur le PQ. Ils l'ont refait. Ici, il n'y avait plus de toilettes. Ils ont fait les mêmes plans. Le PQ, je m'en souviens aussi. Ils ont fait les mêmes plans et tout, à l'autre bout du monde, avec la même promesse. La promesse, tu sais pas. Je pense que tu peux encore la retrouver. Ils avaient fait le même qu'élan, The Day the Earth Stop Shitting, ou un truc comme ça. Un truc comme ça, c'était assez fou de voir, mais il y a des mecs qui ont pris leur caméra, qui ont fait quasiment les mêmes répliques mais en changeant un tout petit peu le pitch et qui se sont marrés, enfin c'était ouf quoi. Et les versions sous-titrées en portugais, en combien de langues, c'était pas un Suricat, c'était ton sketch. Mais il avait pas encore les Fiji Suricat et c'était pas encore créé Suricat. Suricat s'est créé sur ce tournage, sur cette session de tournage où il y avait déjà la réflexion de est-ce qu'on se réunirait pas nous tous les quatre les gars, parce que en fait Golel Moustache n'est pas ce truc où il y aura les auteurs super identifiés de qui c'est qui fait quoi, parce qu'il y a déjà des sous-groupes, il y avait déjà des programmes qui tenaient à eux-mêmes, et autour de nous on n'écrivait pas, l'histoire racontait pas les chaussettes, la Michoré à l'époque, d'ailleurs qui était plus ou moins la vraie première vidéo officielle. C'est vrai. Mais un teaser presque. Vu qu'ils étaient un groupe à eux-mêmes, on se disait, tiens, nous, est-ce qu'on va être du coup Golel Moustache, est-ce qu'on va être les auteurs de Golel Moustache, ou est-ce que Golel Moustache est un diffuseur type une chaîne, et est-ce qu'il faut pas qu'on crée notre propre programme notre dedans propre identité, parce que par exemple il y avait les Franchements, c'était encore en question, mais c'était des Franchements qui allaient potentiellement être des Franchements, etc. On savait pas encore. J'avais donné des sous-titres parce que je m'étais dit si on a plein d'autres petites vignettes, on saura ce que c'est, mais en me disant je crois que j'en ai fait 5. Mais on était assez perdus sur genre qu'est-ce que ça va devenir et comment est-ce qu'on a notre petite chambre à nous. Et c'était une chambre pour se protéger des autres en soi dans un sens, mais aussi pour les protéger eux, de genre si nous on fait de la merde, on veut pas que les gens se disent mais Golel Moustache c'est de la merde à cause de ces quatre connards, on n'était pas DA, du coup on savait pas du tout, et du coup on réfléchissait à un groupe de team, sous-team, etc. Surtout qu'à l'époque il y avait l'histoire racontée par les chaussettes avec Yacine Adedo qui ne se montrait plus au début des épisodes, donc moi je me souviens qu'on me dit super l'histoire racontée par les chaussettes, et moi ça me gênait de dire non, c'est vrai, mais ça me prêtait à confusion parce qu'on était les visages, vu que nous on faisait des sketchs avec nos visages, ensuite il y avait des sketchs avec des chaussettes où tu ne vois pas les visages des gens qui font les voix, qui écrit les mêmes, c'était les mêmes, tu vois. Donc c'était ça me gênait pour eux que C'est moi qui écris. Les gens déjà mélangé Moustache et Bagel, donc de toute façon c'était de base un bordel et Golden Show parce que les gens mélangeaient, étaient malins. C'est ça, mais du coup genre donc on cherchait un petit peu ce est-ce qu'on pourrait pas se regrouper, en plus ça connectait bien tous les quatre et tout, et du coup on cherchait des noms, cherchait des machins, et je crois que c'est dans la part de Vanessa que vous deux, j'ai un souvenir où je vous vois arriver, toi, Julien et Flo, où Julien, tu venais de pitcher la vidéo de lancement à Flo, et tu dis, parce qu'on hésitait avec plein de noms. Le nom était plutôt fixé dans un pub. Mais après, et le nom Suricat a été mentionné, et du coup, je me rappelais, Et je me rappelais vous deux arriver en disant on sait, on a peut-être trouvé le nom parce qu'on a peut-être trouvé la vidéo. Le teaser, ouais, qui était le truc. Juste avant de parler du teaser, il y avait eu une chier de nom pour le groupe Suri 4. Je veux qu'on prenne, qu'on essaie de se souvenir. Non, j'en ai quelques-uns. Ninja. Il y a eu Ninja. Ce qui est très drôle, c'est que Ninja est devenu le nom de la boîte de prod de Poulpe et Vanessa Bria, qui est devenu Ninja et associé. C'est quand même un peu rigolo. On avait des réunions Ninja, ouais. Réunion Ninja. Les réunions Ninja qu'on avait appelé quand on jouait avec après, Adrien Méniel et toi. Oui, c'est vrai. Avec Méniel, on était une espèce de, pas des hommes, on fondait notre famille. Mais ils sont pas du tout inventifs même pour on avait un groupe qui s'appelait Ninja. J'avais oublié. Il y avait Chantal. Qui est devenu le nom à un moment des Dissociés, le nom de code du film des Dissociés. C'est vrai qu'on a utilisé quasiment tous les noms qu'on voulait utiliser. Il y en a qu'un, je pense qu'on n'a pas utilisé, c'est Internet. Internet, à un moment, on voulait s'appeler Internet. Il y avait Tabouret et... Pas toi, n'importe quoi. Tabouret. Virginie. Et Véronique. Ouais, Véronique. Il y a eu plein de prénoms féminins. Ouais, je sais plus quoi. Mais on s'était dit Internet, que ça faisait trop Brigitte. Et surtout, et Internet, on s'est dit pour le référencement Google, pas dingue. Il y avait Magnétoscope, si je me trompe pas. Magnétoscope. J'ai retrouvé le petit carnet où il y a écrit dedans Suri 4 qui est souligné deux fois en se disant ah, il peut passer. C'est le mieux. Je me souviens du moment, parce qu'on était en effet dans un pub quand on a brainstormé toute la soirée, des noms rigolos, etc. Et tout. Et je me souviens un peu du ah, quand on est parti sur un animal mignon, genre un Suri 4, on a fait ah, un peu débile, un petit engouement où on est passé quand même sur un autre truc après, genre Ninja, ah, sachant que l'argument pour Suri 4 que toi t'avais, Julien, c'était mais tu sais, Suri 4 c'est bien parce que c'est un peu l'animal que tout le monde considère comme son animal. Genre, mais Suri 4 ça c'est trop mon animal. Comme ça, ce serait trop cool si on s'appelle comme ça parce que les gens diraient c'est trop mon truc ça. Mais c'est vrai que l'idée du teaser arrivait très vite. Ouais. À savoir la chute du teaser où il y a un bruit et du coup on se retourne en mode Suri 4 quoi, comme animal. Ouais. Donc le lancement de Suri 4, ce petit teaser, le 15 janvier 2013. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai essayé de me souvenir exactement. C'est le début de la vidéo. Avec le fameux panneau qui sort de l'ombre qui a été repris dans plein mal de vidéos sur Internet. À ce moment-là, est-ce qu'on avait déjà des sketchs de prévus ou de tournées? Je me souviens plus du tout. J'ai l'impression que ça a suivi assez vite quand même. À l'époque, on n'avait pas du tout un truc de rendement de une vidéo par semaine et tout. Faut savoir qu'on en a. J'ai été surpris qu'il n'y ait pas tant de vidéos de Suri 4 que ça, par exemple. Et par exemple, en fait, je me suis rendu compte que entre le lancement Suri 4 et par contre la première vidéo, il y a 3 jours. Donc j'imagine qu'on les a tournés un peu coup sur coup. C'est les Jedi. C'est les Jedi. Ouais. Et il y a 3 jours d'écart entre le teaser, enfin la bande annonce, le lancement. Le teaser, on l'a fait nous-mêmes en mode pirate. Ouais, complètement. Puis, c'était pas une vraie session de tournage. Ouais. C'était chez un pote. Et du coup, voilà, on a fait ce lancement. Et en fait, très vite, il y a plein de. Enfin, les premières vidéos sont un peu sorties coup sur coup. Mais c'est possible qu'on ait tourné le teaser après la session. Il me semble que c'est après. J'ai l'impression. Ouais. Mais je voulais pas dire de bêtises, pour ça que je me tournais vers vous. Ouais. Et en fait, très vite sont sortis donc, les Témoins de la Force et Hey, le sketch que Vincent ça, avait. Ça, c'était une des mêmes sessions, je me rappelle. Une seule et même session. C'était chez Vanessa. C'était chez Vanessa Bria. Ouais. C'est pas sur ce tournage-là, du coup, qu'on a eu validé le nom Suri 4. On n'a pas commencé Hey et les Témoins de la Force sans savoir notre nom. Si, c'est possible. Parce que vous m'avez dit sur ce tournage, là, on valide Suri 4 parce qu'on a ce teaser. Est-ce que ça te va? Et j'ai fait le teaser, je le trouve cool. Du coup, et après, on a tourné ce teaser en attendant qu'ils étaient montés et soient montés. C'est sketch. On a tourné le teaser. Canapé de. On commençait un peu les sketchs sans trop savoir comment on allait s'appeler. Non, c'est pas ça. Parce que c'était les mêmes endroits, on tournait aux mêmes endroits. Oui, c'est pas ça. De toute façon, on tournait toujours un peu aux mêmes endroits. Par exemple, donc les Témoins de la Force. On va faire chier avec ça. Non, mais les Témoins de la Force, moi, c'est un sketch que j'ai écrit et réalisé. Où il y a du coup Julien et Vincent, mais Raph était là aussi parce que l'idée, de toute façon, on essayait d'être un peu tout le temps ensemble. Et on avait invité Yacine Dedo qui était du coup, on trouvait ça cool. Parce qu'on n'a jamais voulu faire sur les quatre en mode oh là là. Poussez-vous les autres, on veut pas être mélangés, pas du tout. Dans le jour où la Terre s'est branlée, il y a Poulpe et Davy. Dans les Témoins de la Force, il y a Yacine Dedo. Enfin, il y a jamais eu cette volonté de. Voilà, on aimait bien ces gens, hein, c'était pas du tout le souci. Et on avait cette équipe de gens qui venaient du Golden Show en termes de technique et qui nous ont suivis un peu tout le temps et qu'on continue à vous suivre même après quand je suis parti, à savoir Rémi Argot, Clément Morin, qui étaient donc respectivement le cadreur chef-op, parce que c'était un peu 12 métiers par personne, et preneur son mixeur qui était au Golden Show et qui ensuite... Conducteur de train. et qui ont fait jusqu'au Dissocié, on va dire. Ouais. Exact. Donc Témoin de la Force, ensuite Hey, et c'est, en fait, très vite, je me souviens, on s'est dit... Venez, on fait des trucs un peu différents parce qu'en fait, on s'est jamais dit venez, on est les nuls ou venez, on est les inconnus et venez. C'était au début, je parle, mais c'était tentant. Chacun quand même avait dire, un peu son univers. Quand on fait quoi et après on se dit on fait n'importe quoi et on se respecte dans le. Ouais. tu sors ton truc et si c'est un long métrage, on assume. C'est ça, on peut le dire, il y avait des vidéos plus Rav, des vidéos plus Vincent. Et ouais, on parlait d'un collectif quand on en parlait. C'est ça. C'était le terme qu'on employait. Exactement, on s'est jamais présenté comme un groupe. Si un mec qui fait du BMX, on va pas le lapider non plus. Mec, c'est pas de sa faute. J'ai une vidéo de BMX à vous préférer. Et alors, Hey, par exemple, Vincent, d'où ça sort? Mon gars, dans le stress le plus total, parce que j'essayais d'écrire... Fallait un sketch qui se tourne en 1h15, à peu près, parce que j'avais bouffé tout le temps des témoins de la force. J'ai commencé à capter qu'on ne pourrait pas faire, vraiment, malgré leur bonne volonté, vraiment, à Golden et tout, de se dire, on va faire des sketchs fat, il y aura des guests et tout. J'ai fait, ça sent la merde quand même, on va galérer à faire des gros trucs. Et je pensais que c'était la télé, que c'était M6 et qu'on allait avoir la thune comme Funny or Die et tout, et qu'on allait avoir Will Ferrell. Et je me suis dit, bon, allons je plus vite. Je te rappelle qu'on devait avoir Very Bad Trip 3, on y reviendra. Mais... C'est vrai, on a fait Zach Galifianakis. C'est vrai. Et on y reviendra. Après. J'avais pété un câble en mode, non, c'est pas vrai. Et c'était pas vrai. C'est fou, quoi. C'était, ah, je veux que j'avais, je me souviens plus. On racontera après, je te dirai tout. Ah ouais. Je te raconterai tout. Zachary. Non, mais voilà. Et vraiment, je fais ma cuisine dans un appart qu'on me prête, parce que pour l'instant, je vis à Gambetta chez un pote. Et en faisant la cuisine, je fais, il commence à être tard quand même, et demain, la réunion, elle est à 9h. Et je suis dans la merde. Et je cherchais que des petits trucs comme ça, des petits trucs un peu vignettes. Je kiffais les trucs très courts et tout. Et en plus, au moment où j'ai commencé à me dire « Ah, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est des trucs assez courts, des intersketchs, en fait, des vignettes très courtes. » Raf, tu m'as fait découvrir, ou Jules ou Raf, ou vous trois, je ne sais plus. Mais Raf, Big Train. Big Train, la série anglaise avec Simon Pegg. Il faut savoir qu'on avait 5 références sur les 4 sur lesquelles on revenait souvent. Il y a eu Key and Peele, il y a certains que je ne vais pas vous faire l'affront de présenter, mais vraiment, Big Train, on peut peut-être rappeler pour les gens parce que c'est vraiment bien. Je me suis dit, si eux le font, on peut faire ça et oser, et puis ça fera peut-être rire. C'était quoi Big Train du coup, Vincent? Tu peux dire vite fait, peut-être Très absurde, un sketch show de 20 minutes généralement. C'est sketch show, il y a eu plusieurs British, anglais. Avec Simon Pegg et puis des mecs connus, mais que des mecs que vous retrouvez dans les films d'Edgar Wright. Et voilà tout ça, des mecs très très forts. Il y en a un qui est dans le dernier bar, qui joue un des barman. Je te parlais comme ça, tu te souviens, toi, de quoi, ce camionneur? en tout cas, ça m'avait et des sketchs assez courts, mais très motivé, absurdes. C'est très dans ta veine. Je me suis dit, putain, mais c'est ça que j'aime faire, c'est mes idées, et en fait, mes idées que je trouve pourries, non, si je les assume dans ce sens-là, elles passent. Et sans copier leur style, forcément, parce que du coup, j'en ai pas maté non plus des plombes, parce que j'avais maté ici et là, mais tu m'avais montré un peu les bests et tout. Le oh no. Gros fou rire, le triptyque du oh no. Les gens peuvent faire pause et taper oh no, Big Train, et s'amuser et revenir vraiment sur ce podcast. Postman Revenge, le poster qui bute le chien dans la niche. Et quand il apprend à faire du vélo, au gamin, en tricycle. Regardez ça sur YouTube par pitié avant de crever. Vous êtes crevé demain. Non, mais ça, des fou rires comme ça avec des trucs avec Mr. Bean ou des trucs de ce genre, j'en avais pas eu depuis des années, quoi. Je me suis dit, ah bah c'est bien. Et du coup, bon, bref, j'ai juste réfléchi à. Enfin, je chantais à peu près en faisant ma vaisselle. Et je me suis dit, je faisais juste hey. Je me suis dit, ce serait drôle que ce soit en fait en contre-champ. J'aimais bien les vannes de contre-champ, quoi. De dire, il se passe un truc. Et dans le contre-champ, c'est quoi en fait l'origine de cette nullité? Et si elle est aussi absurde que ce qu'on vient de voir, ça me fait encore plus rire. Oh, bah, et avec le bras, c'était un autre mot de. Et Raph a proposé ce bras et tout. Après, il m'a dit, ouais, tu mets les mêmes sons et tout. J'ai fait, oui, non, mais ça me tue. Ok. Avec un truc infaisable humainement. Et le montage n'a pas duré longtemps. Ah si, j'ai pris des choix de prise. J'ai fait des choix de prise qui étaient compliqués parce que je t'en ai fait faire plusieurs. Mais oui, mais surtout moi, j'étais pas. Enfin, à l'époque, je croyais que je pouvais, mais j'étais pas du tout acteur. Si. Et c'était. Non, mais je pense en tout cas, Visiteur du futur 4. Et c'était très dur. Oui. Mais c'était très dur et c'était très. En même temps très drôle, moi c'est ce que c'est ça qui était trop bien moi dans Suricage, c'est que je pouvais faire ce que je voulais, mais j'étais aussi fan de l'univers de chacun, quoi. Et moi je te remercie d'avoir Vincent de m'avoir fait jouer dans autant de trucs absurdes que ce soit le contrat. ou tous ces trucs là, parce que c'est en fait moi j'étais ce dont j'étais fier, c'est que je me disais, ah c'est cool, parce qu'en fait quand les gens viennent nous voir viennent voir ce qu'on fait sur internet, il y a un peu de tout, quoi. Et ça c'était un peu un truc dont j'étais très content, parce que j'étais genre, ah c'est cool, tu peux pas jamais, on pouvait pas décevoir non plus, quoi. Ouais, et les gens étaient pas déçus, ils faisaient juste ok d'accord, on verra le prochain. Ils faisaient pas genre bah c'est de la merde, ou si, mais c'est de la merde, mais on en a hâte du prochain, parce que c'est autre chose. La première année c'était après, ou justement après, et c'est aussi pour ça peut-être que je suis parti, mais on s'est posé plein de questions sur 1000 trucs, mais au tout début c'était juste genre il y avait une demande, quoi. C'est genre voilà, faisons des trucs, on s'en fout. Après il y a une demande de ouf, quoi. C'était bah c'est ça, on était l'offre. C'est pas comme ça que ça marche en école de commerce. Vos caisses te diraient que c'est pas ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas faux. Petite blague politique actuelle. Parce que moi, j'ai des potes qui étaient à l'EM Lyon et j'ai vu un peu leur truc et j'ai fait waouh, vous avez bien fait de vous barrer. Pardon. Non, mais je me faisais la réflexion. C'est vrai qu'en fait, nous, on s'est pas trop posé la question de ce qu'allait être sur iCat. Sur iCat, pour nous, c'était juste la réunion de nous quatre, en fait. C'est-à-dire, on se met tous les quatre parce qu'on s'entend bien et on va mettre un label, c'est sur iCat parce qu'on se fait rire mutuellement, tu vois. Mais on s'est pas posé la question de quelles sont les idées de sur iCat, qu'est-ce qu'on veut raconter, etc. et tout. C'est quel est le ton de sur iCat et tout. Et c'est les gens qui l'ont défini. Oh. C'est les gens qui, en voyant la saison 1, se sont dit, ah, en fait, c'est ça sur iCat. Et ce qui fait qu'en fin de saison, tu te dis, mais c'est quoi sur iCat en fait? Et nous-mêmes, on ne savait pas, on se posait la question, tu vois. Bah, c'est intéressant de voir à quel point, juste nous, on fait caca et les gens, ils font ce caca, il est comme ça en fait. Apparemment, d'accord. Ouais. Nous, c'était vraiment. Non, c'était très. Si vous écoutez d'autres interviews que j'ai pu faire et tout, je me répète souvent, mais c'était un labo vraiment, quoi. C'était vraiment un truc de. On testait des trucs et ce qui nous faisait rire et après même des trucs qui ne faisaient pas forcément rire. Je vais juste m'arrêter viteuf sur alors il y a eu les métiers invisibles qui était un petit peu le premier écrit à quatre quoi, parce qu'on a un peu mélangé les idées en fait, deux idées de Julien et Vincent. C'était du coup en gros le Shazam, se dire qui est derrière Shazam et qui est derrière toi, c'était mec la banque qui... toi Vincent, tu t'avais je voulais faire Shazam aussi mais j'avais une autre vision je voyais ça je sais plus en quoi. Peut-être toi en mode caravane. Ou moi, je le voyais dans un mode caravane, en mode old school, avec des vieux téléphones. Et moi, des laboratoires de ouf, avec un immeuble total. Mais Raph a dit, vous êtes fou. peut-être. Un bureau, c'est bien. Ouais, c'est pas con, ouais. Et Raph a dit, bah si, ça peut être ça et tout. Et moi, je me souviens, par contre, c'était mes premières écritures vraiment comme ça, où je me suis dit, ah putain, j'ai pas l'habitude, en fait, de faire fonctionner le cerveau comme ça. Je suis resté derrière une feuille blanche à me dire, j'ai mes quatre vannes, je suis dans la merde. Et Raph, il a fait le mix et il s'est dit, mais faisons ça en mode, c'est pas une bande-annonce, mais c'est épuisons ce qui pourrait se passer à peu près le plus vite possible de plein d'univers. On s'est dit, ah, c'est peut-être qui était une très bonne idée parce qu'en fait, moi, j'aurais jamais osé, série, par exemple. Pareil, tu vois, c'est un truc vraiment juste quotidien. Genre, voici quelques blagues et avec un mini-fil. Il y avait vraiment les vannes qui étaient très posées, etc. Moi, ce que je me rappelle juste le mini-travail que j'avais fait, c'était comment on les enchaîne sans faire pendant ce temps-là au Nicaragua et se dire, genre, bah, est-ce que ça peut être le trajet justement d'un gars? Et ce que j'avais le plus aimé, c'était de se dire, tiens, c'est le trajet d'un gars qui va au boulot où il fait partie de ses métiers. Bah oui, bien sûr. Et du coup, je dis, ah tiens, une fois que ça s'est connecté, part, quoi. Une fois que ça s'est connecté, je me dis, bah ouais, bah en fait, il peut traverser tous les trucs possibles. Qu'est-ce qu'on a sur le trajet d'un gars? Et du coup, il y avait ça qui était. C'était en attente. C'est comme ça qu'on a trouvé après le distributeur de canettes et le gars dans le métro. En effet, je trouve que ce type de sketch-là est assez symbolique de ce qu'on a découvert, je trouve à Gueule et Moustache. On en a reparlé récemment aussi à Friends tous les deux, mais c'était. En tout cas, pour moi, la première fois que je réfléchissais à l'humour, je réfléchissais à une histoire, en fait, tu vois, c'est que, comme tu disais, la première V1 qu'on m'avait écrite, déjà, j'ai découvert que c'était une V1. Moi, pour moi, on écrivait et on tournait, tu vois. Non, mais c'est vrai, moi, on tournait, et même le Zapping Amazing, je pense pas qu'on ait réécrit, tu vois. On était vraiment dans un Norman, j'ai écrit ça sur scène, tu dois dire ça. Il disait d'accord, tu vois. Et on faisait une scénette et il partait et on l'a répété une fois chez lui avec la télécommande à la place du micro. Et le lendemain, on l'a fait devant le Grand Rex, tu vois. C'était absurde. J'ai cette vidéo d'ailleurs de Norman avec, c'est incroyable. J'ai un scénario de Hey. Ce qui me flingue. Il existe. C'est mis intérieur, jour, machin, nanana, machin, ce bras, fin, générique. Parce qu'il fallait être réglo, le mec. Julien nous dit, c'est quoi ton texte? Il faut, donne-le-moi. En tant que de le pitcher, mais il faut le voir, quoi. En tant que comédien, j'ai fait plus de prises dans Hey, où j'ai une réplique qui est OK, nickel, que dans Les Témoins de la Force, où j'ai chié deux pages entières à jouer. Eh ben, bienvenue. Chez le Kubrick de l'humour, 57 prises. C'est, en plus, c'est des conneries, mais c'est par maniaquerie, par peur de mal faire, parce qu'on se dit, mais non, mais merde, l'audience commence à monter. On est toujours personne, mais c'est se dire, les gens, ils se disent, OK, t'es qui, toi? Vas-y, fais-moi rire avec une vidéo. Je vais. Et puis, comment tu veux valider sur l'autre, sur un petit truc? Le jour où The Day After Marty Meeting était la vidéo de Raph. Et on arrivait un peu avec Raph, et il y avait quand même une mini pression de il a fait Iron Man 3. Il a fait Iron Man 3. Et t'arrives avec une saison. Toi, tu fais OK. Moi, j'avais jamais fait de sketch de ma vie, vraiment. Et t'es là, genre, allez, et ben on est juste après. Allez, ben, c'est parti. Donc, la première partie, c'est Guns N' Roses. Et les mecs derrière, c'est. Faut m'aider, j'ai rien. Les musclés. Ouais, les musclés. Non, mais pour revenir à ce que je disais, ouais, moi, j'ai vraiment découvert qu'on pouvait réfléchir à tout ça, en fait. Tu vois, c'est que j'ai toujours fait ça de manière très spontanée, amateur. Et quand, en fait, j'ai été devant enfin des gens qui étaient autres que mes potes qui venaient par sympathie pour moi, tu vois. Et allez, on va l'aider. En fait, il nous a aidé à déménager le canapé. Non, ouais, c'est ça. Jouer dans sa vidéo. Genre, non, mais qui était très investi et très gentil, mais qui restait des potes, tu vois. Et même si finalement, il y en a plein après qui sont revenus. Stéphane, dire, Charlie et tout. Sachant que qui... toi, t'as imposé la moitié et... de la Bretagne dans l'internet français actuel. Non, non, et finalement, en fait, on a tous eu cette envie après coup, tu vois. Ils ont construit un canal, ils sont venus. Pardon, coupe-moi ça. Ça me fait rire toute cette bande de Bretons, c'est vrai. Il y en a tellement. Oui, il y en a beaucoup. Mais je ne sais pas tous amener. Il y en a plein qui de moi. Ils sont restés au pays. Non, et le fait d'être en face de gens qui avaient sûrement fait chier leurs potes eux aussi, tu vois, on était tous réunis dans la même pièce, tu vois, et de, en fait, de réfléchir aux idées, aux blagues, sans que ça soit chiant, juste parce qu'en fait, on voulait trouver une blague plus drôle encore que la première. Ça m'a fasciné en fait. Je me suis dit, ah, mais en fait, ce que je pensais être chiant, de genre, oh, pourquoi on réfléchit aux blagues? Les blagues, c'est juste pour on s'amuse, on tourne un truc et on s'amuse entre nous et fini. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant et fascinant. En fait, on peut partir vraiment d'un truc sympatoche et en faire un truc qui est vraiment cool, en faire un sketch qui est chouette. Et pour moi, les métiers invisibles, ça représente un peu ça. De genre, on avait tous vite fait des embryons d'idées qui nous dataient. Moi, ce truc de Shazam, je me le traînais depuis un an ou deux en mode, je sais pas ce que j'en ferais. J'aimerais bien faire un sketch là-dessus. Et c'était qu'un embryon d'idées, en fait, que du coup, toi, Raph, t'as repris tous ensemble, on a discuté. Et on s'est dit, ah, en fait, toi, l'idée de Vincent, la mienne, tout ça, ça peut se fusionner et ça peut créer un plus gros truc. En fait. Mais vraiment, je vous dis moi, ma vision du truc, parce que c'est vrai que j'ai pas exactement la même, mais en même temps, si, c'est. J'étais plus vieux, j'avais quand même à l'époque 35. Non, j'avais 27 ans, 26, 7, je sais plus. Et du coup, je m'étais dit, ils sont jeunes, vraiment, quand tu disais tout à l'heure 21, 20, je sais plus, t'avais 12, bravo. Je m'en souviens vraiment. Ah, non, mais sérieusement, je pensais que 19. J'avais l'âge de Raph, moi. Vous aviez 20 ans. On a 8 ans d'écart. Le vieux clone qui vieillit plus vite. il devient vert. Non, mais vous étiez jeunes et je m'étais dit. Putain, il carbure. Et en fait, moi, j'avais... T'es large d'épaule, surtout. Oh, putain. Ah, si, c'est génial. Si, j'aime bien. On the road. Mais mon imitation est nulle. Il n'y a même pas d'effort. Bon, bref. Je m'étais dit... On the road. Allez, bonne journée. Non, mais je m'étais dit, ils sont jeunes. Et bah, en fait, moi, j'avais l'impression d'être à une deuxième étape de... Oh, on s'en bat les couilles maintenant d'essayer d'écrire des trucs. Il faut le faire. Et vous arrivez, vous faites, ah, il faut qu'on cogite, c'est rigolo en fait. Je fais, putain, ils vont me faire chier. Je voulais me lâcher, bordel. Et en fait, j'ai trop appris, vraiment, je vous le dis, avec vous. Alors je me suis dit, ils sont jeunes les mecs, et vous aviez des idées de dingue. Et je fais, merde, ils carburent un peu là quand même. Et en fait, j'avais l'impression d'être déjà sur le retour, comme si j'étais un vieil auteur. Tu m'entends? Ouais, voilà, ça m'avait boosté en tout cas de me dire, putain, ouais, non, on va éviter en effet de faire des trucs qu'on a déjà vu mille fois, des trucs ringards, là où moi j'aurais pu plonger quand même direct. C'est pour ça qu'on me dit parfois, eh, franchement, bravo, puis c'était malin, c'était nouveau. Je fais, ouais, je vais pas me la péter non plus, c'est pas de moi. S'il y avait eu que moi, j'aurais fait ça comme ça, comme ça, comme ça. J'aurais mal fait, j'aurais fait différemment. Non, mais c'est chacun, je pense. Il y a eu un côté émulsion qui était chouette. Nous, Vlad, les autres auteurs qui traînaient, les conseils, les trucs, les gens qu'on rencontre, on leur a dit, ah, fais ça. Ça, ça a déjà été vu avec machin. On s'est surcultivé du monde. Tous les pôles, en plus, étaient excités et poussés vers ça aussi. Et ça, c'était super. Ouais, moi, ça m'a reforcé à réécrire là où j'aurais pu me faire, ah, j'en ai marre. J'ai fait, non, putain, j'avoue, j'ai envie que ça défonce aussi. Et ça m'a remotivé à. C'est vrai que je pense que ta force quand t'écris tout seul, c'est que t'es spontané et très sincère et tu fais des choses très intimes. Ta force quand t'es plusieurs, c'est que t'es exigeant parce que tu veux faire. Si on est quatre, s'il y en a que deux qui se marrent, ça va quand même m'emmerder. Si Flaubert se marre pas, je fais ah, Flaubert, il s'est pas marré. Ouais. On va trouver un truc pour que Flaubert se marre aussi. Ouais, tu vois. Tu veux plaire aux copains, bien sûr. On va plaire à tous les copains et on va faire un truc. Et puis après, il y en a pas que Flaubert qui regarde. Ils sont 25 000, les mecs, au début. Bah oui, ça. Ah, ça non, et puis Flaubert, vu que c'est une encyclopédie sur pattes de comédie, il va me dire non, il y a tel sketch qui existe déjà. Flaubert, c'est. Attention, sauce par ta gueule, Flaubert. Attention, les Simpsons, enfin vraiment, ta gueule. Attention, l'un dans l'autre, les gars. Non, putain, ouais. Dommage, putain, si 5, ça avait été 4 ans avant, il nous a pas vu. Mais c'est vrai, et là où si on avait été tous tout seuls dans notre coin, on aurait fait ce sketch-là, et tu serais venu après coup nous faire, bah ça existait déjà, mon gars. Genre. Et on avait besoin de tout le monde pour avoir cette exigence-là, j'espère. Et surtout, moi, j'étais en effet relativement jeune, j'avais 12 ans, donc j'étais assez jeune. Où du coup, je me rendais pas compte du caractère spécial de ce qu'on avait, du fait que on avait une vraie. Enfin, moi, je savais que je débarquais en réunion quand je venais vous voir. Avec une vraie envie de vous faire rire. Y avait zéro. Tu vois, il y avait un vrai truc de. Si je fais un vieux comparatif avec le sexe, par exemple, il y avait une vraie envie de vous offrir des orgasmes, tu vois, sans retour, tu vois. C'est genre en mode. C'est le fait qu'ils rigolent est déjà un retour, et déjà, putain, c'est trop cool. Donc il y avait un vrai truc de trouver le truc pour se faire marrer en réunion. et pas, il y avait pas de calcul ou de genre qu'est-ce qui fera marrer la ménagère. On avait un truc un peu ado presque de l'inverse. On veut se faire marrer nous. Et ouais, c'est voilà, pas essayer de faire du. On avait des demandes. Ouais. Parfois on avait des demandes. Essayez de rebondir sur ça et ça qui s'est passé. On s'en fout. Mais justement, ça me permet de faire une petite transition. Parce que je vais passer à la vie sexuelle des jeux vidéo, qui pour le coup, enfin moi je m'en souviens comme ça. Je sais pas si on a tous la même version. Non, parce que pour moi c'est une espèce de réaction un peu ado vénère qui du coup a fait que c'est la vidéo la plus vue en tout cas de la première année. Qui est en gros Vlad vient nous voir en nous disant Vladimir Odionov toujours hein, vient nous voir en disant ah ce serait bien que vous fassiez un truc autour des jeux vidéo un truc un peu sur les trucs de geek et tout connais pas et le sexe non plus du coup je vais vous lâcher avec ça non mais voilà il fait les témoins de la force il y avait un petit truc un peu geek et tout qui a plu ce serait bien d'aller toujours dans ce truc là et je crois je sais plus si c'est toi Raph ou je sais plus exactement qui a dit ou bah du coup on fait quoi alors on fait genre les jeux vidéo qui baissent quitte à être autant racoleur et chercher le machin clic faisons les jeux alors Mario il fait ça et puis alors Tomb Raider elle fait ça et puis ouais GTA il pourrait faire ça c'est parti vraiment comme ça Et c'est pour ça que je me rappelle que ça partait de cette intention là tout à fait de genre ah putain merde maintenant on est obligé de faire de la commande donc qu'est-ce qui est trending en ce moment il faut en faire c'est relou et après du coup qu'on a adouci vu qu'on a par van rajouté le côté sexe tiens bah vas-y allons-y avec le sexe etc machin bah on a adouci en disant non parlons de la vie sexuelle et de la vie intime et pas genre how video games fuck tu vois pas ce truc là mais plus genre qu'est-ce qui se passe dans la bedroom de eux tu vois genre dans leur vie dans leur intimité et d'un autre côté un truc on va plutôt être dans la promesse va plutôt être leur intimité c'est quoi plutôt que genre de la grosse du porn tu vois toi, peut-être, moi j'ai fait des trucs vraiment j'ai honte mais je continue à avoir honte des worms dans la chatte d'Eléonore qui explose enfin c'est vraiment ça permet de réentendre le bruit des worms donc moi c'est bien c'est donc ça permet de le réentendre donc, mais quand tu niques en portal oui portal en portal ah c'est mon cul oui c'est ça c'est du génie je m'étais dit ils sont fous ces gars parce que moi vraiment je joue dedans mais j'ai rien écrit je crois vraiment dessus et je m'étais dit moi j'y crois pas la vidéo avait défoncé et on m'avait dit ah oh ouais mais vraiment bravo je fais non alors par contre je suis d'office obligé de pas oublier que j'ai dit que j'y croyais pas je m'en rappelle toi t'as la meilleure réplique enfin ma réplique préférée qui est le cool que j'aime beaucoup que j'avais énormément tiré à Community non mais pas vraiment mais je pour studio. Préciser aussi l'idée bref. Venait pas mal aussi de Seth MacFarlane on s'était inspiré de Cavalcade of Cartoon Comedy bien qui sûr. Est ah putain oui un one shot en gros de 45 minutes si je me souviens bien d'animé où il fait plein de vannes différentes qu'il avait pas eu le droit soi-disant de mettre à la télé qui savait pas où les foutre ouais, c'était genre foot, une grenouille qui fait ça voilà c'est plein de trucs très courts et il y avait une espèce de running gag où c'était have sex with je sais plus quoi un transformer un truc comme ça ils avaient des petites un peu comme ça, on s'était dit, oh, on pourrait faire cette version-là en live avec un best-of un peu des plus gros jeux vidéo. Donc c'était quand même une grosse inspiration. mais c'était une variante. Ouais. Non, et puis il y avait aussi le côté sketch à carton, c'était un peu smosh aussi, je crois qu'ils étaient déjà beaucoup ça, smosh à l'époque, qui était pas encore genre c'était full smosh. Smosh, c'est à cette époque-là, en même temps que nous, c'était un peu le. Il y avait les vrais qui savaient, qui connaissaient Smosh, tu vois, c'était pas encore le truc très. Traduit en France, dans toutes les langues. Ouais. Et en France, c'était pas encore méga connu, et du coup, il y avait ce truc de genre, ah oui, eux, c'est pas mal ce qu'ils font comme ça, on pourrait s'en inspirer et tout. Ouais. Pour le format. Mais du coup, est-ce que je précise aussi un truc, c'est qu'il n'y avait pas de monteur. C'était vous qui montiez, enfin, surtout beaucoup. Selon les sketchs. Montage, et c'est, on montait c'est Julien qui avait fait l'anime. Les affiches, les panneaux. Et on avait gardé la musique de fin de Souris 4, celle de Bilou, le skanker fou. Oui. Le tagatari. Et on s'est dit, bon, ça va rester. Ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Non, mais ouais, mais du coup, j'étais en train de repenser à ça, me dire, tiens, les affiches, c'était qui? J'ai dit, ouais, c'est Julien. Mais je me souviens qu'on avait galéré. C'était fat. Toi, tu avais. Moi, on avait galéré parce qu'on cherchait la forme, on savait pas. En fait, on avait tourné sans avoir la forme. Exactement. Ouais. Il y avait un truc de porte à peu près, mais on s'est dit. Justement, les portes, on les a trouvées après coup. Oh, on s'est dit, ah, c'est ça le truc, en fait. Parce que on s'était dit, on fera des cartons à la Smosh, on mettra juste le titre. Ouais, à Smosh, c'était juste le logo. Hein. Oui, juste le noir logo. Et je me souviens qu'on avait essayé et tout. On se dit, ça marche pas. C'était très Smosh en plus. On voulait pas faire un copycat de Smosh. Ouais. Et en cherchant et tout, on s'est dit, ah, avec une porte, avec sur la porte, qui est dedans et en fait, tout, c'est un peu plus joli. Compile Vine, maintenant que tu y repenses. Oui, c'est vrai. C'était vraiment très court. T'avais dit, on va au speed, on va au plus vite possible. Oui, c'est le rythme qui est important. Intro, un peu tac, conclusion. Oui, parce que l'écriture, c'était pas non plus. Il y a des blagues très faciles. Hein, il y a des trucs qui sont très faciles. Celle-là, je la sauve un peu. j'aimerais la sauver un peu parce qu'elle marche avec Nintendogs. En fait, elle marche en duo. Oui, c'est vrai. C'est pas dingue, mais. Je juge pas, mais elle marche très bien sur une demi-seconde. Ah oui, c'est ça. En fait, tu peux pas te permettre de la mettre deux secondes. Je pense que tu lis le scénario de la vie sexuelle des jeux vidéo, c'est honteux. Il y a vraiment des blagues où tu. Et puis, il y a des blagues ultra faciles. Enfin, tu vois, c'était pas du tout du haut niveau, mais il y avait un côté un peu thérapeutique aussi de allez, on les met, Moi, je me souviens d'une nuit entière avec Raph au téléphone de alors, on fait comment les costumes, les trucs, les machins. C'était un peu une tanasse. C'est pas là où on a rencontré Bubu pour Tetris ou pas encore juste après. Non, c'était pas Priscilla. C'était pas Bubu Tetris. Oui, bah, Priscilla, ouais, Priscilla dans les costumes. Ouais. Et je me souviens pareil d'une réunion où on est allé dans son atelier. C'était la première fois qu'on travaillait avec elle, je crois. Ouais. Et on est allé voir les costumes et tout de tous ces personnages. Et on est tout rentré en une journée, je me souviens. C'était une foule journée. Et c'est David Tebourier à la lumière. C'est vrai qu'on a redécouvert plus tard sur plein d'autres trucs. Bah, qui est un chef-op qui bosse sur plein de sketchs Golden actuellement. Qui a fait les mecs qu'on écoute pas dans les films complètement l'infestation tout ça et qui est chef op de Ma pire angoisse enfin qui est voilà est-ce que tu fournis ce podcast avec un lexique des noms à retenir mais ouais, ouais, c'est non mais j'essaye de pour les gens qui aiment bien leur fiche qui est ton public Flaubert on débarque c'est des rappeurs c'est ça je flashback un petit peu je rewind un petit peu ou quelques je me rappelle de quelques temps avant peut-être cette session de tournage où dans les bureaux de Golden Moustache on a enregistré avec un petit zoom tous les surcates tous les machins et on s'est tous passé le micro pour n'en laisser et on a, pour n'en garder que genre ouais non on les changeait à chaque fois au bout d'un moment on les a changés à chaque fois après non on a lâché l'affaire mais on en avait 10 fois plus on a testé des criés de loin des ah viens fais en rappant il y avait des trucs où on cherchait notre jingle de fin il y en a où tu rappes toi où tu fais suricate enfin il y a des trucs où avec d'autres mots aussi non mais tous on a fait des trucs c'était n'importe quoi c'était ouais on a fait ça a duré une heure ouais mais plus aigu plus grave ah ouais on a qu'à faire ça on faisait suricate ah oui on a fait des 4 voix et tout c'était là et on s'est dit ouais ça milliard. Sera utile quand même vaut mieux qu'on le fasse maintenant ça c'est fait non bah la flemme d'écouter une piste audio d'une heure de suricate et du coup celui qui est le plus souvent je sais même pas qui c'est quoi je sais pas du tout je peux pas dire si c'est Raph ou Julien le suricate qui revient assez souvent celui qui est le plus régulièrement pris je crois que c'est Julien je ne peux pas je crois pas moi je me souviens du suricate très long qui a un chant, je crois sur que c'est à la fin. j'essaie d'imiter un truc corse un peu. C'est Raph qui chante ça. C'était moi. Si, après, tu faisais. Ah oui, c'est vrai. Et c'était laissé dans un bêtisier. Oui, c'est pour le bêtisier. Ouais, quand on a monté le bêtisier avec Julien. D'accord. Et on se chialait dessus. C'était plus drôle avec Tava. C'était drôle quand Julien. J'arrive plus à le faire. On avait enregistré un surimi. On l'a mis ou pas? Je crois qu'on l'a jamais mis. On l'a jamais mis. Surimi. Ça nous faisait mourir de rire. On a dû en faire 6 quoi. On a fait surimi. Putain, mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est génial. On a changé le mot. On est des génies. On s'est auto-parodié alors que nous ne sommes pas connus. Je vais passer un peu vite sur les autres sketchs d'après parce qu'il y en a en plus que j'assume pas. Genre le gendre idéal ou se loger à Paris. Le gendre idéal, au moins, on a pu s'apercevoir ce que ça faisait de tourner avec un chien. T'as pu découvrir. Ah, un chien vient avec son dresseur. Un chien qui bande, rappelons-le. Un chien peu bandé. Érection, et surtout, le dresseur. Alors, je suis désolé s'il m'écoute. Moi, j'avais jamais travaillé avec un dresseur qui m'a sorti la meilleure phrase. Je fais, le chien, il peut regarder à droite. Et donc, le chien ne le fait pas. Je fais, ah, bah, pourquoi il regarde pas à droite? Et là, le dresseur, payé pour venir avec son chien dressé, me dit, bah, c'est un chien. Ok, mec. Mais le mec, c'est son travail. Donc, c'était possesseur de chien. Je possède un et en fait je me souviens il fallait faire des sketchs des fois très très courts qui devaient se coller à un sketch un peu long et par exemple le genre idéal était le sauvetage du mineur du cinéma qui lui pour le coup voilà on a tourné dans une maison qui a été utilisée sur 42 sketchs Golden Moustache derrière cette ville là c'était c'est une grosse maison qui a servi d'ailleurs au syndrome post-rupture qui a servi au sketch de Thomas VDB de nos pornos c'était trop joli du cinéma les proprios adorable il adorait avoir des tournées des retraités on foutait le bordel dans la baraque et ils étaient trop contents ils étaient genre revenez quand vous voulez donc meilleur du cinéma moi j'étais très content c'est mon sketch où je suis trop déçu je fais genre il a pas eu le succès escompté il était bien celui-là tu vois moi je vais plus jouer à ce moment-là j'ai dit je vais plus y arriver parce que même quand j'ai 3 mots je n'y arrive pas au revoir la caméra je te déteste et vraiment ce passage on a tous eu des phases un peu comme ça c'est se loger à Paris c'est une très mauvaise expérience en plus on commençait un peu à moins être sur la même longueur d'onde et vraiment j'étais genre Ok, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Ouais. Mineur, je devais kiffer. Là, vraiment, je ne sais pas si ça a compris mon message. Ouais, non, Mineur, c'est trop bien. En tout cas, je me suis dit, je joue plus. Mais c'était stylé de voir un truc de genre. On était tous dedans. Ouais, c'était assez rigolo. Il y avait du sang, putain. T'étais chef op et cadreur dessus, Raph. Pareil, moi, j'ai très honte de mon travail de chef op, d'un travelling qui tremble de ouf, qui est la pire chose. J'ai pas entendu ça. À Golden, on en a beaucoup des travelling un peu ratés. On a fait au slide. Et je suis arrivé une heure en retard sur ce tournage. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'écrive. Enfin, j'ai écrit SOS retard sur dans le RER. Ah, je savais pas. J'avais une heure de retard. Je bossais avec un pote qui était mon électro, qui s'appelait Etienne Sens. Et du coup, j'ai dû lui envoyer par texto tout genre installe ça, j'arrive. Et c'était la pire heure de retard de ma vie, ou d'arriver en retard sur un tournage où je me disais, mais on va m'attendre pour vous, c'est horrible. Et du coup, sur le trajet, j'avais déjà un peu, serait cool d'avoir un robot qui soit là à ma place, etc. Attends. J'avais un peu toute la trame de SOS retard. SOS retard, du coup, aussi, c'était aussi comme si c'était la suite de moi, ce que je voulais faire, mais j'ai oublié. C'était un truc où on s'était dit, tu m'as dit SOS retard, du coup c'est comme si c'était soit l'origine. Oui, c'est vrai. C'est un prequel à mon idée. Mais attends, deux secondes. Ah ouais, j'aurais pu. Tu peux couper tout ce que. Oui, non, t'inquiète. C'était un truc où je m'étais dit, attends, tu te réveilles en retard, t'as un clone, ok. Non, oui, donc à la fin, ils sont tous virés. Ouais. Et on pourrait partir du projet qu'ils avaient une. Putain, elle était vraiment si nulle, c'était. Ils pourraient créer une appli. Réveil, c'est pas ça, la brigade du réveil. La brigade du réveil. C'est ça? Ouais. C'est toi, bon. T'avais la brigade du réveil. Ouais, vous avez jamais vu ce sketch, en effet, peut-être pas été top. C'était juste des manières de se réveiller plus ou moins. Ça devait pas être terrible parce que j'avais plus une seule idée de Val. Si, il y avait c'était de remplacer. Ouais, à un moment, ça, je me souviens. Tu te fais embrasser par une belle fille ou par un beau mec, puis à un moment, tu fais désolé, il est pas là aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Et le mec lui roule quand même une pelle. C'était. Tu te réveilles en amoureux ou tu te réveilles. En cuillère, en service. Des services différents. Mais du coup, si vous voulez le faire, faites-le parce que c'est la merde. Oui, on s'est dit qu'on allait connecter SOS. Ce retard, mais du coup, par le dit, fait ah ouais, que genre, non, mais ok, SOS retard, ça pourrait le faire plus tard. Ouais, je viens d'avoir ça en me disant, c'est pas possible, il y a un préquel quelque part. Mais du coup, Mineur du cinéma, en tout cas, moi, j'ai pas aimé mon travail en tant que chef-op. Je me disais, mais je suis mauvais, je n'arrive pas à tenir la caméra. Il faut qu'il y ait des gens qui savent vraiment leur métier et il faut qu'ils le fassent. Il y en a eu des messages de plainte. C'est dégueulasse. Le poker, Vincent. Je sais même pas quoi dire. Non, mais voilà, il y a plein de choses. Et donc, le 16 avril 2013, moi, je trouve qu'il y a un moment un peu marquant, en tout cas, qui, moi, en plus, m'a changé un peu dans ma façon de voir un peu le délire. Raph, tu proposes les nouveaux Princes Charmants, qui est une vidéo un peu particulière, parce que c'est la première de Suricat qui n'essaye pas spécialement d'être rigolo. Ouais, il y a quand même des petites blagues, mais qui n'essaye pas spécialement. Tu peux nous en dire deux mots? Ouais, c'est une vidéo qui venait d'un projet avec ma sœur Emmanuelle Descraques. À l'époque, elle c'est un coca. À l'époque, on lui proposait de faire la com d'un potentiel site de psychologie masculine, sur la psychologie, mais pour les hommes, par les hommes, etc. Et du coup, elle me disait, il y a ce site qui va se lancer, c'est des potes machin. Est-ce que t'as l'air de faire des vidéos en ce moment? Est-ce que tu peux m'aider sur une vidéo, etc.? Est-ce qu'il y a un truc à faire? Et du coup, je lui propose plusieurs trucs et je lui dis notamment, il y avait plusieurs idées. Il y avait l'idée interview de plein de mecs et de plein de bonhommes qui font un peu les bonhommes, et en sous-titre un peu hashtag Eleanor Cost, en sous-titre ce qu'ils voulaient un peu dire en dessous, genre je pleure quand je pense à ma mère, etc. Ouais. Tu vois, alors qu'ils disent ouais elle est trop casse-couille quand elle rentre et que je peux pas mater mon match, et en dessous il y a marqué j'arrive pas à me confier machin. Et aussi dans les autres idées, il y avait, et si on mettait des princes charmants, l'archétype, mais qui disaient un peu leur vrai life, et comme quoi c'est pas des fois facile d'être, enfin ils ont d'autres problèmes, quoi. Donc je garde ça un peu dans les entre guillemets cartons, et arriver à ce truc où, même si ça fait pas beaucoup de vidéos, là tu vois on les a retranscrits relativement assez vite, le petit parcours. Dans notre vie, c'était des gros événements, vu qu'on s'investissait quand même beaucoup. Donc, c'est comme si à chaque vidéo, on vivait 10 ans de vie. On n'était pas du tout dans le flux, en fait. On était dans un truc de chaque vidéo était un peu importante pour nous. Même le genre idéal ou tout ça. C'est quand même genre, on sort un sketch, on n'en a jamais fait de notre vie. C'est incroyable. Donc, exact. Et du coup, il y a cette envie, et par de ce qu'on faisait, parce que faisait le reste de Golden et parce que faisait le reste de l'Internet à ce moment-là. Il y avait des bagels, il y avait plein d'autres trucs qui étaient sur Internet où comédie, Et il y avait cette mini envie de genre on peut tester autre chose. Ce texte-là, je l'ai sous la main. Enfin, ce texte, ça va être le scénario le moins agréable aussi à lire, parce que tous les personnages avaient les mêmes phrases. C'était un recueil de phrases. C'était que des punchlines de c'est quoi les phrases les plus étrangement marrantes parce qu'elles sont tristes et parce qu'elles sont genre quotidiennes et genre et elles révèlent trop, tu vois, elles sont très vulnérables, etc. Et donc c'était juste des tirés de phrases et par exemple les comédiens qui sont dans la vidéo, donc il y avait Slim Florent et Mathieu issus de French Nerd, ils ont tous dit à peu près les mêmes phrases, enfin on a tous, et après, les personnages se sont choisis au montage. Et du coup il y avait un peu cette envie punk, genre un peu ado, de genre, on va aller contre le courant et on va essayer de faire un truc pas marrant, mais avec une petite peur au ventre de genre, voilà, recevoir des cailloux, etc. Et genre, ça peut ne pas plaire du tout. Ouais. Et étrangement, c'était une au montage qui était un peu compliquée parce que... Vlad m'a beaucoup aidé pour resserrer le truc. J'avais envie, il y avait une version peut-être de 7 minutes, très très longue, beaucoup trop longue, et il m'a un peu forcé à prendre le meilleur du meilleur, etc. Et il y avait, j'avais un peu cette petite peur au ventre, et à la fois un petit m'en fous, tu vois, au pire quoi, et machin. Bref, mais en plus, je faisais aussi déjà des épisodes un peu comme ça, donc on était un peu en mode genre, est-ce que c'est possible sur Internet ? Accès à la mignonnerie. Et se rendre un petit peu plus vulnérable et aussi pas être sur la dictature de l'humour pour l'humour, vouloir faire rire par vraie envie et pas par genre dans ce monde-là faut mieux que se faire rire, tu vois, et du coup d'agrémenter avec d'autres choses. Donc moi j'avais envie de faire que des conneries, mais quand vous m'aviez posé la question, parce que le truc était déjà un peu validé et tout, mais vous m'avez dit, t'en avais parlé à tout le monde, quoi, à dire les gars, on va sortir ça sous le nom sur iCat, est-ce que ça vous va? Moi j'avais fait oui, je me souviens grave, de ça, parce que de toute façon moi, je l'aurais pas fait comme ça, ou j'aurais pas fait ça, mais je veux le voir. Parce que j'ai envie que ce soit plein d'autres trucs, quoi. Et s'il y en a qui ont envie de sortir un quart d'heure d'un faux documentaire bizarre sur autre chose, j'avais envie que ça existe. Ouais. Et pareil, quand je l'ai vu, je vais, c'est de la balle, mais je l'aurais pas en DA ou prod, j'aurais pas osé le faire. Ouais, puis on a assez, il y a même pas eu vraiment de questionnement, alors que tu vois, il y a que du French Nerd dans le cast, et Julien, t'as une petite réplique à la fin, mais sinon, c'est que toi et du French Nerd, mais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au final, quand on a vu le truc, on était tous en mode nous on est super fiers de le sortir sur ce nom-là parce que on est d'accord, on n'a pas fait grand-chose dessus, voire rien du tout. Mais j'ai fait des dessins. Je me rappelle qu'en brainstorm, j'étais arrivé avec la pré-idée, etc., mais qu'on en avait quand même pas mal discuté. Mais en tout cas, on soutenait l'idée, quoi. On était dans un truc genre à fond, complètement, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il était un peu ovni. Moi, je me souviens, la réunion m'a dit tiens, là, c'est quand même particulier. Et je me souviens que j'avais été convaincu par la punchline de fin. Dont je me souviens pas très bien. Qui dit finir sur une blague. Finir sur une blague, sinon c'est juste triste. Je me dis, c'est marrant, on parle quand même de ce qu'on fait. Ouais. C'était démontrer une envie de faire autre chose tout en le disant. Je trouvais ça cool. Et je me dis, ça c'est intéressant. On l'explicite sans le dire vraiment. C'était bien. On l'a pas sorti en mode ça et après rien du tout pendant 11 mois. Parce qu'en fait, la vidéo juste après, c'est Movie versus Life. Qui est sorti genre 10 jours après. Je comprends rien aux dates. J'ai l'impression quand même, des fois, on comprend rien. 4 sketchs en 2 semaines, puis des pauses de 2 mois, puis des pauses de 2 ans entre chaque saison. Ils étaient en flip, Vlad et tout. Je m'en souviens qu'ils disaient, là, les gars, va falloir que ça turbine quand même parce que. Il voulait que ce soit quand même plutôt hebdomadaire. En fait, il était prouvé, commercialement parlant, qu'une certaine régularité apportait à un certain public et que nous, on n'était pas du tout bons à ça. Mais eux non plus. Enfin, en prod, on n'avait pas du tout. Des gens très doués en prod, mais qui n'étaient pas du tout possibles. Enfin, il y avait tellement peu d'argent. Ouais. Et il y avait une exigence aussi. On n'était pas les derniers à jeter des sketchs. Vlad n'était pas le dernier non plus à nous refuser ou à nous dire ça, c'est pas encore mieux. Entre nous, on se les mettait. On devenait très exigeant, même de plus en plus, j'ai l'impression. Puis on avait des demandes d'autres trucs à côté aussi. Ouais. On a déjà à ce moment-là, il y a déjà Mission 404 aussi qui nous est proposé. On commence à écrire, on développe parfois des textes qui se font jamais, même de pub ou d'articles. Vincent, tu bossais à fond sur Golden. J'avais un double taf. C'est ça. TCM, auteur Golden plus auteur sur iCat. Et j'avais l'impression que c'était vraiment différent. Je faisais deux trucs différents. T'avais des vrais horaires de bureau presque. Je faisais des journées tout le matin. Le fameux Zapping Amazing était un tout petit peu avant ça parce que je me souviens avoir vu une version de quoi ? Que je t'ai pété le nez. c'est ça, je m'en souviens. C'était après les métiers invisibles et je me souviens, nous étions en prépa de la vie sexuelle des jeux vidéo avec Raph. Parce que Vincent a ripé et m'a fait un sujet cocard. Et moi j'étais dégoûté, je faisais mec, je pars en tournée dans toute la France. J'ai le Grand Rex dans une semaine et c'est diffusé à 20h50 sur WP9. Ah non, pardon, c'était ça. Et Vincent a malencontreusement ripé et a foutu un petit cocard. J'ai pas mis toutes les chances de mon côté pour éviter ça. Et je me dis, quelques années plus tard, tournée du Manoir, le film avec écrit par Kemar et avec toute la clique, Jérôme et tout, j'ai pété les côtes de Jérôme Niel. Mais n'hésitez pas. S'il vous reste des os encore solides. Vincent pète aux os du tumeur. Je concasse. Donc, pardon, du coup. Non, mais c'est ça. On avait un truc à côté, on faisait pas que sur ICA, bizarrement. Ouais, et puis surtout, on n'était pas. Enfin, on n'était pas. Enfin, c'était. On gagnait pas du tout notre vie. Pas un avec sur ICA, c'était pas du tout un métier. Moi, on m'avait fixé un salaire, du coup, pour. Vraiment. Ton talent, peut-être. Ouais, exactement. Non, mais voilà, moi, je montais. Ça s'achète. Non, mais on m'avait dit, vu que tu vas bosser là tout le temps, on te prend, on te fixe un fixe. Et j'ai dit, il me faut un fixe pour avoir un appart. Et comme ça, j'avais eu un appart. Et avec ça, je me disais, tiens, je peux me poser, plus tard m'acheter un smartphone. Parce que quand j'étais CM Twitter sans smartphone. Je vous défie de le faire. Donc j'envoyais des textos, je disais, ça c'est pas mal comme tweet. Et on les écrivait et les balançait. C'est quand même génial. Je les écrivais en avance, en fait. Ouais. Et après, j'écrivais ça de Clichy de l'appart où je squattais. Je les écrivais la nuit, je me levais, j'avais un ordinateur, je me disais, yes, là, c'est bien. J'avais un fixe, mon Mac à moi, perso. Ouais. Mais après, plus tard, pour avoir un ordi et tout. Et donc ils m'ont fixé un fixe pour dire, bon, par contre, là, tu bosses tout le temps, donc j'avoue. Au moins, comme ça, je comptais pas du tout mes heures ni rien. J'étais passionné, j'arrivais. Ouais. Je partais à 23h minuit. Non, sur les 4, on n'était pas du tout payé à la réunion, quoi que ce soit. Toi, tu dormais chez M6. Moi, je dormais à M6. Et on avait, on a fait 16 vidéos et on était à 4. Donc, en fait, ça fait peu d'argent. Tu divises par le nombre d'auteurs et de machin et tout. Eux, ils gagnaient pas avec ça, j'avoue. Et eux non plus. Hein, ouais. Non. Alors là, on n'a pas du tout été exploités. Tu vois, c'était juste, il n'y avait pas d'argent à ce moment-là. Mais du coup, arrive Movie vs Life, qui est un peu notre plus gros projet à ce moment-là. Je précise encore, par contre, je suis obligé, parce que sinon j'ai honte, je n'ai rien écrit sur celui-là. j'ai écrit des vignettes qu'on n'a pas mis dedans. Et j'ai fait ça. J'ai tourné des vignettes qu'on n'a pas mis dedans. Oui, c'est vrai. Je me souviens, j'avais tourné le taxi. Par contre, j'étais beaucoup dedans et on me disait, putain, bravo pour Movies. Je disais, ouais, je suis beaucoup dedans, j'aime bien, j'ai bien rigolé de m'habiller n'importe comment, mais j'ai rien écrit. C'est vrai que la saison 1 sur 4, c'était aussi beaucoup la foire au déguisement. Hein. En fait, on a fait des super-héros, des jeux vidéo, des princes. On était vraiment très loin des. On avait envie de faire ça. Il y avait un peu. Enfin, moi, je rigole souvent de la mode des sketchs open space où j'ai l'impression qu'on en a fait beaucoup à une époque. Et à l'époque, putain, pour le coup, pas du tout, quoi. C'était vraiment, il y avait très peu de sketchs à t-shirt, quoi. C'était très vite n'importe quoi. Et donc, Movie vs Life, qui est aussi un sketch un peu écrit. Alors, tu te dis que t'as rien écrit, mais t'as participé. Oui, j'étais là à booster aussi. À dire, ah tiens, j'aime bien ça. Ah, non, blablabla. Mais qui est une idée de Julien. J'ai pas eu de vignette. Qui a été aussi écrit un peu tous les quatre. On a tous un peu proposé des vignettes et on les a testées. Et pareil, dans ce truc de test, il y en a qu'on a gardé. On les écourtait. En fait, j'ai juste plus bossé là-dessus, à dire, en effet, venez, on fait la version la plus courte de la vanne et machin, etc. Et j'ai aidé à ça. Mais. Voilà, et pour le coup, c'était un peu plus longtemps, parce qu'il y avait plusieurs jours, ce qui était très rare. Je pense que c'est un des premiers gros tournages qu'on ait fait, qui m'a foutu une pression gigantesque, parce que moi, c'est le premier que je réalisais. Je faisais, d'accord, donc on a fait un milliard de trucs avant, et moi, j'arrive avec le premier, on a un truc fat. C'est mon premier retard sur un tournage, et j'ai eu la chiasse de ma vie. J'ai fait, oh là là, c'est pas possible, je suis en retard. Pour le coup, sur les quatre, on a été très fort en retard, même de réécriture, de trucs, de. Désolé, Vlad. Vlad, il se dit, ils sont complètement. Vladimir, vraiment, il se lève jamais. Était vraiment un tonton de. Bah les gars, quand même, t'es gentil, quoi. Genre, voilà, si vous voulez être là à l'heure, ce serait bien, quand même. Il est 6h15, je suis désolé. Faut se lever. Enfin, Vlad, t'es chaud, là. Viens, on fait les réus à 11h du soir, ouais, c'est mieux. Moi, ce sera midi, ok. Moi, ce sera 13h, ce que je vais bouffer. Ok, 15h. Voilà, c'est toujours un peu un bordel. Ouais. Et Movie vs Life, du coup, ouais, un petit peu plus gros, un petit peu plus... Oui, parce qu'en fait, on va passer rapidement sur l'OP, mais c'était notre premier OP, un petit peu, parce qu'on savait que c'était un sketch qui nécessitait pas mal de costumes, on voulait qu'on y croit, que ça fasse un look un peu cinoche un minimum. Ouais. Donc ça nécessitait plus d'argent que ce qu'on avait d'habitude. Et donc il y avait une marque que j'ai même pas besoin de citer parce que je crois qu'elle ne devait même plus être affiliée. Elle n'avait plus, c'était une galère. La vidéo a failli disparaître parce que la marque donc, qui était affiliée. Je pense que c'est même plus safe que je ne la cite pas, qui pourtant est un grand diffuseur de cinéma et producteur de cinéma, donc c'est dommage, mais qui avait donné à l'époque l'argent en mode d'accord, nous ce format, on veut bien qu'il y ait une pub pour notre contre truc derrière. Un ou deux trucs, mais qui n'était pas si relou, quoi. C'est ça, des trucs très simples, on avait fait trop bien. Et donc ils avaient corrigé 0% du texte, on avait fait trop bien. Et en effet, après, plus tard, on a galéré pour réussir à demander à quelqu'un de chez YouTube de couper la fin de la vidéo pour que du coup cette marque ne soit plus associée à la vidéo, parce qu'elle ne voulait plus, je sais pas pourquoi, elle ne voulait pas être associée à une vidéo qui a fait 10 millions de vues. C'est un mec qui quelle t'a dit est l'absurdité quoi de cette chose, genre on t'a laissé un mur, on veut notre affiche dessus. Après, ils font, on veut plus l'affiche, donc on va péter le mur. Tu fais, non, mais le mur, il est quand même à nous. Non, mais on veut retirer l'affiche. Mais on va pas péter le mur, les mecs, il y a une baraque, il y a des gens qui vivent à l'intérieur. Je veux plus la pub. Bah, on va retirer l'affiche, gentiment. Donc, on a demandé à YouTube qu'il y avait du décollant d'affiche. Mais ils ont été sympas, parce que j'avoue, ils ont dit, les mecs, on le fait rarement quand même. On le fait très rarement. C'était vraiment une exception de dingue de YouTube de faire ça, parce que sinon, c'était le réupload, on perdait les millions. Bon, c'était pas si grave, mais c'était quand même. Ça faisait chier, le geste. la vidéo, tu vois, la date là aurait pas été bonne quand t'aurais rechecké, etc. Tous les liens, quoi, tous les liens qui étaient sur les blogs. Les liens, et tout. Ouais, ouais. Et puis c'était, enfin, et surtout, enfin, ce qui était aberrant, ouais, c'était la situation de genre, mais en fait, elle a plu la vidéo, genre, ouais. Les gens ils l'aiment bien et il y a votre marque à la fin, donc c'est plutôt positif, vous faites du cinéma, il y a un lien avec Movies vs ouais. Life, genre, non, on ne veut pas, genre, enfin, ouais. Oh là là. Enfin, c'est, après, je crois que ça nous dépasse aussi, il y a eu des conflits oui, juridiques sûr, gigantesques, sûr, ouais. Voilà, bref. Mais voilà, donc elle a quand même été sauvée, cette vidéo finalement. Mais donc oui, on avait eu un peu plus de budget grâce à ça, on a tourné 2 jours là où d'habitude on tournait une journée max, ouais. Même et, des fois et une demi-journée. Il fallait un petit sketch avec, c'est ça. Que ça passe tranquille. Exactement. Quoi. Et là on avait 2 jours pour uniquement Movies vs Life, si je me souviens bien. Ouais. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses en pour même les temps. Pour les francophones, les films. Les films versus la vraie vie, c'est comme ça que je l'ai écrit au début les dans le blog. Contre la vraie vie. Contre la vraie vie. Contre la vraie vie. En conflit avec la réalité vécue par n'importe quel individu. Qui était une idée que je voulais pour le Zapping Amazing aussi à l'époque, et finalement on l'a pas fait, et donc ça a retombé là-dedans. Enfin, c'est un vieux truc que je me traînais. En fait, c'est la blague des fesses qui est la fin de la vidéo, ouais, mais oui, que je me traînais depuis des années. Ouais, je fais, ouais, comment ouais. On fait cette vanne? Comment je veux qu'un mec se retourne et qu'il soit cul nu, donc merci j'étais, Vincent. Ouais, j'étais trop content de et la faire. Autour, ouais. Après, on a trouvé un concept. Comment on fait pour avoir le cul de Vincent? Il nous faut un truc, un resto. Mais je n'osais pas vraiment, j'avais peur, je me disais, oh là là, mon cul dedans. Et en fait, quand on m'a dit il va être ensanglanté, j'ai dit c'est génial. Mais le maquillage du cul. Oui, ça va, t'as de la chance. Moi, on voit mon cul dans la vie sexuelle des jeux vidéo, c'est moins stylé. Hein, parce que je bouge, j'ai pas ta corpulence. Donc, c'est genre ça, piscine pas à vagues. C'est un délire. Moi, toi, ça va. On a un joli petit cul dans un pantalon. C'est pas un joli petit cul, c'est qu'il est, comme il était lustré par le sang, pareil, dégueulasse, mais. Lustré par le sang, qui est le nom de ton album, je crois. Lustré par le sang, il faut que tout le monde soit prêt. Ok. Non, mais du coup, ça donnait un petit côté chardy, tu vois. Tu te dis, hey, ça, il est rebondi. Non, il y a du fake. Mais quand on m'a maquillé le cul et quand on m'a tamponné les couilles, j'ai bigard quand on me donne un micro, moi. On m'a tamponné les couilles. On m'a tamponné les couilles d'une camionnette. Moi, non, c'était dans le bureau, on m'a tamponné. Après, elle m'a dit, bon, voilà, elle a fait le raccord. J'ai dit, c'est bon, là, ça va. C'est pas agréable si quelqu'un te le fait. T'avais pas envie. Tu la connais pas, cette fille. Et ouais, et après, l'arrière d'un kangou, on s'est baladé. Et j'avais le cul à l'air. Parce que tu vois, t'avais pas l'air de mettre ton pantalon. Mais c'était coup, horrible. Et ça me faisait rire, me fou rire, quoi. De me dire, qu'est-ce qu'on fait? Après, on m'a dit, allez, go, on se change, Vincent, faut se déguiser en Bruce Willis. J'ai fait, mais je suis pas très sec du cul. Bah, on s'en fout. Et j'avais du sang aggloméré, du faux sang. C'était dégueulasse. Et on m'a dit, bon, allez, vas-y, on se motive. Il faisait froid, j'étais en débardeur. J'aime bien ce métier. Et après, on te fait. Par contre, fais gaffe, la bagnole, on la voit à peine sur un plan, mais on l'a louée, c'est la moitié du budget. Oui. C'est une BMW, tu peux pas la rayer, alors que j'avais un flingue. Et tu l'as rayé à la première prise. Vraiment? On avait fait, non, mais ça se retire, ça. Non, mais les gars, rayé. Avec la vieille salive, genre, non, mais là, ça part pas du tout. Ben, ça part absolument à quel pas. Moment, quand même, tu te dis, il va faire une glissade sur le capot, sur une belle bagnole, mais on va pas la rayer. Bah, c'est chaud, quoi. Enfin, genre, c'était obligatoire. Mais le legging. Mais je me souviens qu'on planchait, enfin, on misait sur le fait qu'on le ferait one shot. Ouais. On s'était dit genre, non, mais tu le maîtrises, tu m'avais dit, je l'ai déjà fait. Par contre, pas d'exemple, je l'ai déjà fait et j'ai pété un pare-brise. C'était avec mon ami Jambon, je l'ai fait sur une AX. Je l'ai fait, on a pété un pare-brise, on est allé direct chez Carglass. J'avais pas cette info. Deux fois que je fais la bise. Tu l'as dit, on l'a déjà fait. Deux fois qu'on mentionne Carglass dans le podcast. Parce qu'il me donne de la thune, mon gars. J'ai jamais fait de placement, c'est mon premier. Et non, j'avais pété avec le coude, ouais. Et je m'étais fait très mal au coude aussi. Mais du coup, je me suis dit, non, mais là, elle est pas en mouvement, la voiture, parce que je l'ai fait sur une voiture à 30 km/h. Et du coup, ouais. Ça se tentait, franchement, c'était très drôle à l'époque. Bah, t'étais à Yamakasi à l'époque, on peut le rappeler. J'aime le parcours requin K. Mon parcours est compliqué. Non, je me suis dit en one shot, mais en fait, bah, quand tu l'as fait une fois, deux fois, quand t'es pas cascadeur et que t'as rien dans les guibolles, bah, t'as pas la patate de retraverser 1m40 de voiture, quoi. Donc ça devait être c'est vrai que compliqué. Je me souviens, je sais pas, on a dû faire 3-4 prises et vu que j'étais censé être le réalisateur, le mec qui disait c'est bon là, tu vois, vraiment je sentais à chaque fois que je disais on va en refaire une, genre je sentais vraiment le Vanessa, mec Vanessa, genre, ouais, une petite perle de sueur les comme gens ça. Qui suent de, bon, tu veux vraiment qu'on explose une BM parce que ouais c'était lèche comme cascade, mais c'est faut être sportif quoi. Non, puis c'était un sketch un peu ça cher, mais pas, c'était quand même un sketch pas. De l'économie. Enfin, on avait oui. les trois quarts sont tournés à M6 dans les open space. Ouais. On a tourné aussi tout dans une maison. Grande maison. Ouais. Ouais. On a fait Je rote en parlant, c'est dégueulasse. On a fait du coup Truth Boy, on a fait la clé USB. Le petit parc Game of Thrones. Le petit parc qui était à côté à Montreuil, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ce qui est ouf d'ailleurs, dans un parc, on a trouvé un axe où on voit pas les buildings. Quoi. Alors c'est vraiment un square, quoi. C'est vraiment un square. Un square. Un square. Et pareil, et puis des scènes coupées aussi, on en avait tourné plus que de raison. Oui, bah parce que les comédiens jouent pas toujours très bien, je parle pas de toi, hein, Flaubert, non, je parle vraiment de la personne qui travaille avec toi à ce moment-là. Oui, oui, écoute, tu le sais, taxi la vie. Et la voiture. Non, mais voilà, il y avait plein de choses. D'un coup, sur I4 devenait un vaudeville, finalement. Avec un vieux monsieur, pardon. Ah, ouais, non, c'est pas grave. C'est, voilà, mais non, mais pour la petite anecdote, j'espère qu'il écoute pas ce podcast, parce ce qui est terrible, c'est qu'il arrive sur le plateau et je fais... Putain, j'ai fait un court-métrage étudiant avec lui, c'était l'enfer sur Terre, et en plus, je l'ai jamais payé. J'ai fait un court-métrage étudiant, et en fait, ce mec m'a harcelé parce qu'il voulait que je le paye. Il n'était pas compris, et au bout d'un moment, en fait, je disais ouais. Et en fait, après, j'ai fait bon, bah, il m'oubliera, je suis un étudiant de merde et tout. Et Christophe Rocancourt. Et je le recroise au moment où je commence à avoir un salaire dans ma vie sur le Movie vs Life, et je fais à Julien, tu vas pas être ravi du jeu. tu vas pas te régaler. Et je lui dois 50 balles. Et en plus, je dois lui défrayer un Bussy Saint-Georges Paris. Donc c'est vraiment très compliqué. Oh merde. Et mais vous Movie vs Life, pareil, c'était cool parce qu'il a eu son petit succès. Il y en a eu, j'allais dire deux autres un peu. Hein. Bah, presque. Une mini saga. Donc se loger à Paris sur lequel je passe très très vite. Ça c'est le moment où il faut des sketchs et où moi je dis ouais je peux le faire. Non. Tourner en même temps que le contrat. Le contrat dans un appart lugubre, on peut le dire, ce qui n'a pas vraiment aidé. Moi, je dormais sur le tournage en réfléchissant à des fins alternatives. Et Vlad m'a dit, tu les as ? J'ai fait, oui. Non. Mais j'étais pas sûr de mon coup. Et du coup, j'ai mixé avec celle de Raph et tout, et c'était très bien. Et je dis, oh, il y en aura que trois. Non, il est bien le contrat. Le contrat, pour le coup, quand j'étais encore dans Suricat, et même l'année d'après, on a beaucoup parlé. Le running du là. On commençait à être dans un truc où il commençait à y avoir une demande. Une attente, en tout cas. Les gens commençaient à dire, mais c'est de la merde, ça. Et je faisais, ouais, c'est de la merde pour plein. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'avais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, ça commençait à grimper un peu les vues, les trucs, les attentes et le rendez-vous. Oui, parce que moi, genre, en plus, je fais Cosette sur Se loger à Paris, mais les gens l'ont kiffé. Hein. Enfin, tu vois, il y a Cosette. Non, mais tu vois, je fais. Non, mais ouais. Les gens étaient cool, hein, de toute façon. Mais je pensais à ça. Mais en tout cas, journée très, très chelou dans cet appart à tourner des sketchs dans tous les sens. Et puis, ça, pour le coup, c'était les premiers. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour Se loger à Paris. C'est mon plus vieux souvenir de sketch où il faut faire un sketch. Et on est tous dans un mood où celui-là était pas. Ouais, alors que c'est une passion, que c'est un kiff, et tu fais celui-là, je suis en train de me forcer. Et moi, c'est terrible parce que je suis le mec qui l'a écrit et je le réalise, mais au fond de moi, j'essaie de faire genre trop bien. Mais je sais que le sketch est pas ouf et c'est très dur et tout le monde le sent un peu et on est tous un peu genre. Et c'est mon premier souvenir de un taf. Là, c'est on est dans un travail où il a fallu faire ce sketch pour en rentrer d'autres et. C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à le revoir. En plus, c'est terrible en termes de surjeu. On est là, c'est une grande cascade. Bah, revois le poker dans ce cas-là quand tu flippes. N'hésite pas à regarder les miens. Non, je l'aime bien quand même. Mais je les regarde en faisant waouh. Je me rends peut-être même pas encore compte que c'est nul. Vraiment, j'ai cet esprit-là où je fais oh, je suis content. Non, vraiment, c'est pas bon. Et après, alors. Attends, pardon, est-ce qu'il y a un moment où on va parler de tous les sketchs qui se sont jamais faits? Alors, oui. Bah, oui. Ça, il faut. Il y en a plusieurs, mais oui, je voulais juste finir au moins vite fait sur ça. SOS Retard, très cool aussi. Et après, il y a le binôme de fin qui sont les deux derniers sketchs qu'on a fait en saison 1, et donc les deux derniers sketchs, moi, au sein de Suricat, à savoir Super-Héros Hangover et Syndrome Post-Rupture, donc deux délires très différents, qu'on a fait coup sur coup. Ce que je rappelle quand même, parce que c'est un peu du coup. Putain, oui, c'est vrai. Ouais, ils ont été faits, et en plus, on a fait Super-Héros Hangover avant, qui était vraiment un peu le season fin. On avait acquis que c'était le sketch de fin de saison parce qu'on avait invité 1000 guests. C'était un peu un gros truc. C'était ça, pareil. On l'a fait en une journée. Et encore bravo d'avoir fait ça en une journée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Et encore merci à tous les gens d'ailleurs, les cosplayers qui étaient venus parce qu'ils ont des gens qu'on a recroisés après d'ailleurs. Mais oui, putain, il y avait Clara Doxal. Ouais, il y a Clara Doxal, il y avait Ophélie qui a maquillé après sur des sketchs Golden, enfin il y avait plein de gens. Et derrière le Syndrome Post-Rupture, Super Hangover qui est un sketch de 4 minutes 40. Et je le dis parce qu'en fait, sur I4, les sketchs étaient assez courts en vérité. Le mineur du cinéma dure 1:51. 1:37, la musique de jeux vidéo 2:20, les médias invisibles 1:50, sachant qu'à chaque fois il y a 20 secondes de donc en fait on faisait des sketchs assez courts et pour le coup Super Hangover qui est un peu la grosse vidéo que vous avez réalisé tous les deux, Raph et Julien, c'était un peu votre première choréale en fait, première comment, et unique comme... je crois aussi. Première quoi? Première et unique choréale en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment c'est venu tout ça? Moi, j'ai un souvenir d'un sketch Palmachot On était allé sur un tournage du Palma Show et on a commencé à parler de cette idée. Ouais. Et après, vous êtes partis tous les deux sur un truc beaucoup plus la soirée sur les jeux vidéo, sur les super-héros qui sont bourrés. En effet, on était en tournage pour le Palma Show. On était ravis de tous les quatre tourner pour le Palma Show. On faisait deux sketchs. Quand on se bagarre, quand on sépare une bagarre. Ouais. Quand on va à un Technival. Sachant que le sketch, quand on sépare une bagarre, est peut-être un des seuls sketchs avec lancement sur quatre. On est tous les quatre dans un plan. Ouais. C'est quasiment jamais arrivé. Donc, oui, c'est vrai. C'est assez rigolo. Ouais, merci, le Palma. Ouais. Merci. Et en effet, pendant qu'on tournait, quand on sépare une bagarre, on était ravis. Et il y a une des vignettes où Grégoire Ludig est en Wonder Woman, je crois. Et David, je me souviens plus. Mais en tout cas, ils étaient déguisés en super-héros. Ouais, Superman et Wonder Woman. Et ils sont bourrés. Je sais plus quelle est la blague, mais ils sont bourrés. Et du coup, il nous faut beaucoup rire. Ils font des blagues entre les prises, etc. Et tout. Et on est mort de rire de les voir faire une Wonder Woman ivre. Mort, tu vois, genre, et on commence à se dire, mais c'est marrant quand même, les super-héros bourrés. Ils doivent se mettre la race. Ouais, c'est ça. Et il y avait un barbecue à côté, je me souviens, et on en a parlé pas mal. Le Palma Show aime la bouffe, et leur tournage. C'est pour ça que j'ai dit merci. Ouais. C'est moi qui étais là, genre, il y a un barbecue, les gars. Il y a un barbecue. Vous tournez pas dans l'appart de la prod. Les frères ludiques t'accueillent vraiment comme si t'étais un chevalier. On a deux sangliers en train de rôtir Vincent, est-ce que t'en veux une patte. Moi, c'est ma rencontre avec Aude et Pestel aussi. Enfin, c'est un peu un tournage clé, moi, je trouve. Pestel, c'est là que j'ai rencontré, ouais. Dans sa bagnole, je me souviens, amené là-bas. Pardon, excuse-moi. Non, mais voilà. Et donc, du coup, l'idée est vraiment née de là, de genre, c'est des super-héros qui sont censés quand même être les personnes qui ont le plus de responsabilités et qu'on voit en général, à part dans Hancock, être très responsables. Ouais. C'est quand même drôle de les voir ivre-mort parce que vraiment, Greg, il jouait un truc, mais genre, c'était vraiment le vomi quasiment, quoi. C'était genre. Et donc, il a une tâche horrible, hein, d'ailleurs, dans tout le sketch, il y a une tâche de gerbe. C'est possible, ouais. Et vraiment, donc, on a tous commencé à discuter un petit peu entre les prises de mais en fait, il y a peut-être un truc à faire. Me semble que c'était l'année plus ou moins où Projet X était sorti ou l'année d'après, c'était dans l'esprit quoi. Dans l'esprit, c'était peu de temps après Projet X, on s'est dit mais Projet X plus des super-héros, globalement ça crée un truc intéressant quoi. Et il y avait aussi The Hangover évidemment, qui était au deuxième épisode j'imagine déjà. C'est l'ambition du truc quoi, de se dire c'est les super-héros machin, ça va tout défoncer, tu dis on va pas pouvoir le faire, va falloir se calmer. On s'était dit bon, on va faire les vannes, mais faut retirer tous les effets de ils pourraient détruire 11 voitures. Non. Bref. Et non, oui, et du coup une des idées qui est ressortie tout simplement, c'est aussi dit on fait The Hangover quoi, Very Bad Trip version super-héros quoi. Ouais, c'est ça. Après on avait tous ensemble toutes les vannes. Bah tous ensemble, en vrai c'est surtout vous. Moi j'étais déjà un peu moins sur le truc. Enfin sur le Palma, j'ai proposé des trucs, mais après vous l'êtes accaparé. Moi j'écris très peu de vannes sur super-héros, je me souviens. Et ensuite, vous avez un peu pris le truc. Et du coup, c'est parti en tournage avec plein de guests. J'avais que des idées de blagues, mais je ne savais pas du tout quoi en faire. Et je me suis dit, bordel, ça devient complexe, ces sketchs qui sont de plus en plus alambiqués. Ouais. Je ne vais pas savoir trouver un format à cette chose. Ouais. Bon, courage à vous. Mais je me suis dit, c'est drôle. Les vannes sortaient toutes seules, mais je me suis dit, on peut faire. Ça peut être une série presque. Pas une série, plus un film, mais un projet X, quoi, de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a sélectionné, on a viré des personnages qu'on voulait faire, etc. et tout. Mais c'est drôle comment, avec du recul, ce sketch, je l'adore, il est génial. Enfin, c'est un de ceux dont je suis le plus fier parce que chaque fois que je le regarde, en effet, je me dis, mais comment c'est rentré en une journée? Comment on a réussi à faire ça? Mais quand je le regarde maintenant, je me dis un peu, avec tous les Marvel qu'il y a eu depuis, parce qu'à l'époque, il y en avait eu très peu, quelques Iron Man, peut-être deux Iron Man, un truc comme ça. Maintenant, quand je le revois, je fais, c'est devenu une évidence, ce sketch. Maintenant, c'est à l'époque, c'était un peu un truc de nerd encore de, on va mettre Deadpool. Mais je me rappelle m'être battu pour les séries. Oui, c'est ça, c'est je fou, me suis quoi. Battu. Faites-moi confiance, même moi, je connais pas trop moi-même. Ouais. Mais les fans, ils vont kiffer. Mais faites-moi confiance que sur internet, je traînais de ouf sur une 9 gag à l'époque. Oui. Faites-moi confiance, on aura, ils auront cette vanne. Et au pire, ceux qui l'ont pas, c'est pas grave. Et vraiment, je me suis battu. Et après, des années plus tard, c'est bon. Tu vois, c'est ça, elle est même presque plus drôle quand tu la vois la vanne. Tu fais Deadpool, il casse le quatrième mur, qu'est-ce qui change? Mais on s'est rendu compte plus tard qu'il y avait déjà un sketch du SNL avec. Bellucci, où il y avait Superman, Bill Murray, merci. Et on s'était rendu compte après l'avoir sorti. Bien après. En se disant, en fait, dans les premières saisons du SNL, soit 30 ans plus tôt, les mecs avaient déjà fait ça, mais sur une longueur folle, ça dure 11 minutes. Puis surtout, sûrement dans des comics, ça a dû être fait des fois, des super-héros qui se bourrent la gueule, mais il y avait un côté, surtout, même moi qui ai un tout petit rôle dedans, une grande récré quand même, enfin, pas le magasin, mais il y avait un côté, un peu kiff, quoi. On est déguisé. On savait que, par exemple, on voulait, alors pour le coup, Deadpool est peut-être le plus foiré, mais les costumes, on voulait faire des beaux costumes. C'est ça qu'on avait appelé des cosplayers. On voulait y croire plus que les fois où on s'était dit, bon, allez, on s'en fout. Les jeux vidéo, par exemple, on s'était dit, ouais, c'est pas mal, c'est bien, mais ça fait juste le taf et tout. Ouais, c'est une moustache, on le sait, on s'en fout, quoi. C'est pas grave. On voulait pas que ça fasse farce et attrape, on voulait se dire, on y croit un peu pour ça, au maximum. Et j'avoue, les Batman et tout, on s'était dit, bon, bah, c'est cool, ça peut pas être mieux, quoi. Ouais. Non, mais on l'a conçu dans l'économie réduite qu'on avait, comme un season final, quand même, en se disant, on l'appelait comme ça, hein. D'ailleurs, on l'a même teasé comme ça. Je me souviens, on avait mis la photo du gobelet rouge avec marqué season final sur Rick 4 saison 1. Et ça a pété, putain. Et c'était quand même pas. Pardon. Ah, oui. Non, mais on s'était dit. En fait, on s'auto-la péter pour se dire. Non, mais t'as envie de créer. C'est se la péter, mais c'est se la péter parce qu'on avait cette. Comment dire cette, ce bagage de. Cette culture. De, ouais, de trucs ricains et de. C'est cool. L'envie. C'est un gros final et c'est chouette. Ouais. Et voilà, c'était plus se la péter comme des nerds, justement. Ouais, tu joues à faire du cinéma, donc tu joues à faire du SNL. Ah, bien sûr. C'est ça qui me. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. C'est qu'il me fascine par genre. Ouais, avec quand même peu. On a fait croire un season final quand même, quoi. C'est que on a réussi à avoir la musique de Taylor Riddum grâce à PV Nova qui nous a mis en contact avec eux. On a fait, mais leur musique elle est géniale, on dirait vraiment une musique qui est dingue, qui pourrait vraiment être de l'électro fat que tout le monde écoute. Pourquoi personne n'écoute ça? Et genre, du coup, on a fait, ouais, mais une séquence avec eux, c'est génial. On a réussi à faire des bidouilles avec Stéphane Carlo, on a fait des FX et on a repoussé les limites de ce qu'on montage, pouvait passé faire, des tu nuits vois. Entières sur le montage. Montage, on a passé vous avez fini de le monter, je crois, 4 heures avant de le mettre en ligne. C'était des effets spéciaux qu'on a fait, des effets spéciaux avec Stéphane Carlo pour faire la beat et tout, etc. Hulk, Hulk d'ailleurs, où vraiment on vole l'image de Hulk. Il y a une vraie, y a la vraie tête. Il est gervé votre Hulk, c'est le vrai. Les mecs, c'est le vrai. On a détouré un Blu-ray. Ouais. Exactement, mais totalement. C'est une photo de. Je viens de penser à un truc, mais je sais pas pourquoi j'en parle, mais je me dis, ça avait été tellement loin, en tout cas, en petit succès web et tout, de dire putain, machin, le sketch sur Rika, tout, blablabla. Ça avait quand même carburé et tout. Il y avait eu un article dans les Arocs. Ah, désolé pour ça vous kick dessus parce que c'est horrible, mais le mec avait dit bah la réal franchement pas top, faut un peu se calmer et tout. Mais je me suis dit, pour qu'il y ait un mec qui dise ça va, faut peut-être se calmer, c'est qu'il y avait eu d'autres du coup des bravos à côté, quoi. Et je me suis dit, le mec en train de, j'avais envie de dire, mais c'est qu'un sketch, mon gars, détends-toi. On n'a pas sorti justement les Avengers, c'était un sketch au maximum avec la thune qu'il y a. Non, il allait, je te défie de le faire en un jour, mais du coup je me suis dit, une aussi grosse critique, ça fait plaisir, ça veut dire que le mec s'est attardé dessus, s'est dit bon, moi je vais calmer le jeu. Et bon, ça veut dire qu'il y a eu du jeu. Merci. Oui, c'est ça. Et puis il a les qualités et les défauts d'un kiff. Enfin, tu vois, il est un peu gras, il est un peu beau. Ouais. Voilà, mais c'est aussi ce sketch de mec qui, c'était leur première, leurs 6 premiers mois de sketch sur Internet. Et je trouve qu'il transpire un peu ce truc-là de, on a voulu tout mettre, quoi. Et un peu déjà, je me souviens pas si Mission 404 c'était avant ou pas, mais dans cette dynamique un peu, c'était un peu avant, c'est ça. C'était dans la dynamique de pourquoi on fait pas un gros sketch avec plein de copains, là où souvent on avait des sketchs à 2-3 personnages, déjà on n'arrivait même pas tous à se faire jouer dans les sketchs de la saison 1 à chaque fois. Donc du coup on se dit, ah merde, donc déjà là on joue tous dedans, et alors, en plus on invite les copains et les copines et on fait un gros truc, on essaie d'inviter tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a Poulpe, Davy, il y avait le Palma Show, il y avait Daniel, tous les gens qu'on aimait et avec qui on avait eu la chance de rentrer en contact, voilà. Et puis c'était une évidence du coup d'inviter le Palma Show quand on avait eu l'idée sur leur tournage. On se dit évidemment qu'ils vont venir dans ce sketch là s'ils veulent bien, quoi. Donc c'était, et ils jouent très bien les mecs bourrés, et en plus c'est leur spécialité. Mais et surtout, pour la petite anecdote qui quand même est intéressante, je trouve, c'est que personne ne voulait jouer Superman. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on en parlait, on avait tous débat de genre et qui fait quoi et tout. Il restait, je crois, en fait, tout le monde avait décidé plus ou moins. Et pour moi, il restait soit Batman, soit Superman. Il y avait un truc comme ça. Et je disais, genre, moi, Superman, je le sens pas. Genre, c'était vraiment quand, dans l'écriture. On disait que personne n'y ressemble. On se disait, bon, faut être grand, faut avoir les cheveux en arrière. Ouais, les gens avaient vu mon cul dans la vie sexuelle des jeux vidéo. C'était pas possible. Déjà, j'ai très peu j'ai si peu le corps de vraiment de Clark Kent, quoi. Mais surtout, en fait, il y avait ce truc de, dans l'écriture du sketch, le Superman n'était pas drôle, en fait. Il était vraiment le gars qui, fallait qu'il ait qui amène l'histoire, qui explique les trucs un peu persona, et tout. Un truc drôle. Et du coup, on a été un peu méchant avec Greg Ludwig, mais en même temps, on avait en a fait un truc marrant. Enfin, c'est ça, on s'est dit, mais si Greg fait ça, c'est tellement un putain de comédien qu'il va en faire un truc cool. Et quand tu regardes le sketch, je fais, mais super drôle, Superman. Mais c'est le héros. Enfin, pour moi, c'est le héros du sketch. C'est le héros du sketch, mais il en a fait un truc trop bien parce qu'il l'interprète très bien. Là où, quand tu le lis, tu fais, pas top. Il a une de mes répliques préférées qui est quand Davy regarde en soi, il fait, mais là, tu ne verras rien du tout. Voilà. Ça, tu vas que c'est pas Oui, non, mais c'est une impro qui rendait les trucs marrants, quoi. Et c'est vrai que j'en souviens de ça, ça faisait plaisir de voir que, entre guillemets, on s'était pas trompé. C'était pas très sympa pour lui de lui filer le rôle que nous on aimait pas. On lui a pas dit, on lui a pas vendu comme ça. Mais on était. Ça aurait été bête de ça aurait été bête. Mais c'était fascinant de se dire, ah ouais, le bâtard, il a réussi à en faire un truc comme ça. Donc voilà, non, je sais pas, personne. Non, content de trouver des blagues là-dessus, j'aurais envie de refaire sur d'autres. Il y en aurait un, deux avec d'autres super-héros, ce serait faisable. Ce serait déjà. Mais ce serait presque les. Enfin, je dis pas qu'on a. Non, non, mais... J'allais dire un truc où ça fait genre, on l'avait prédit, mais c'est un peu le ton des Marvel, de toute façon, je pense. Enfin, ouais. Moi, tu me dis dans l'Avengers 3, il y a une scène où ils sont tous bourrés et ils font n'importe quoi, j'y crois à donf, quoi. Ouais, c'est complètement le ton du truc. Ils le font pas d'ailleurs, ils se pètent un peu la gueule. Je sais pas, ils bouffent un kebab. J'essaie de retirer le Marvel. Tu disais un truc grave. Bah oui, non, le syndrome post-rupture à cette époque-là, c'était. Ouais, c'était un peu le sketch. C'était sur de la douceur, ouais. Ouais, de la douceur, et qui d'ailleurs, c'est vraiment fait parce que t'avais fait les nouveaux personnages. Je me disais, ok, les gens ont l'air d'accepter ce genre de truc, et moi, j'avais très mal vécu la rupture, donc j'ai dit bon vas-y je le mets là, sachant qu'en vrai il y a beaucoup aussi du sketch qui vient de Julien, parce que le côté nouveau mec ça vient de Julien. Moi je voulais surtout parler du fantôme de Lex. Moi je voulais surtout parler du fantôme de Lex parce qu'en fait je savais pas du tout si ma nana avait un nouveau gars, et quand Julien m'a dit ouais, et puis il y a toujours ce nouveau gars, tu te dis ah lui il est avec elle et pas moi, et là j'ai fait oh oui bravo Julien, tu as enfoncé ton pouce dans mon cerveau. Un traumatisme des photos Facebook, c'est ça. ça fait mal, non, tu trouves pas? Et donc, mets-le. Et du coup on était parti sur ce truc là même si c'était un sketch un peu où on n'était pas tous raccord, je sais que Raph, toi t'étais pas vraiment en affinité avec ce truc là et puis c'est vrai que c'était le moment où on n'était plus vraiment sur la même longueur d'onde dans sur les 4, on n'avait plus les mêmes envies, et en fait surtout vous étiez beaucoup rapprochés vous tous les trois, et moi j'étais un peu en dehors du truc, et donc du coup c'était un peu le sketch du au revoir, c'était le sketch du moi j'étais mais je me sentais CM, j'étais CM Twitter et j'ai commencé à avoir un smartphone. Mais ce qui est chouette mine de rien je trouve, c'est que ça aurait pu être on aurait pu gâcher ce sketch, tu vois, avec mais on était adultes et c'est pour ça qu'on a arrêté entre guillemets avant tout ça, c'est ce qu'on met dans le message, genre on arrête avant que ça parte en vrille, mais c'est genre on était en questionnement, en fait on n'était pas en mode tout le monde se faisait la tronche etc. Ça pointait du doigt mais c'était pas encore l'enfer, c'est ça, je sais pas, enfin je suis fasciné par le fait que justement le sketch n'ait pas pâti trop de ce truc là quand je le revois maintenant, je me dis ah c'est un sketch qui est cool, qui est chouette et qui marche, qui a vraiment plein de qualités, qui a marqué beaucoup de gens et tout. Et je suis fasciné par justement le fait qu'il n'ait pas pâti plus que ça de l'ambiance qu'il peut y avoir où on commençait ça commençait à être mou, quoi, en gros, tu vois, on sortait tous, quoi. Il y avait un truc un peu pas ouf. Et donc c'est trop bien. Bah, je remercie beaucoup. Il restait encore, je pense, suffisamment, êtes, tu vois. Vous êtes donné sur le tournage. Ouais, il y avait un truc. Je profite de ce podcast audio. Pour te remercier. Je profite de ce podcast audio. Daniel Laudieu FM. Des gros mots pendant plus d'une heure. Préparez-vous, nique sa mère la pute, c'est Daniel Laudieu. Je reviens. On va niquer des mères au début du clip. J'adore la vulgarité, j'adore ça. Tu couperas ou pas? Non, je pense pas. Et pas du tout. Non. Surtout et pas. J'adore la vulgaire. Non, mais je te remercie de m'avoir fait jouer dans ce truc. Non, fait mais que oui, c'est... Oui, dans fait ce truc. Fais-le, s'il te plaît. Non, mais tu vois, je veux dire, un sketch fiction, je viens d'avaler un poil, il vient de nulle part. Un cheveu. Tant pis, je finis cette phrase avec un poil dans la bouche. Parce que c'est la première fois que j'avais pu faire de l'impro ou de dire putain, pourquoi je suis rentré chez Golden, bordel? Ce que je voulais faire, en fait, j'en avais jamais. Toujours pas fait parce qu'on était super cadré, on flippait, donc on écrivait nos répliques, nos trucs en disant non, c'est drôle si on fait ça. Et là, c'était le premier où je m'étais dit oh là, je flippe, je sais pas où il va. Et en fait, tu m'avais dit bah moi non plus, en fait, connard. Et moi, c'est comme ça que j'ai tombé amoureux aussi de l'impro des comédiens et la direction de comédien, en fait. Et bah, tu m'as fait flipper parce que pas, vu qu'on était tous un peu. Tu m'as dit fais ça, mais fais ça dans cette ligne et tout. Tu veux dire que ce monocorde régulièrement, je la baisse, c'était pas écrit? Je crois que non. Non, il y avait une guitare, on a fait oh ouais, vas-y. Il y avait plus que des cordes. Pas plus que ça. Tu vois, j'étais encore vulgaire. Mais ça m'a plu, en effet, parce que je me suis dit putain, je me suis amusé sur ce truc. J'ai roulé des pelles à une meuf que je connaissais pas. Non mais c'est vrai. C'est quoi ce métier? Non mais moi c'est une des premières fois où j'ai l'impression de réaliser un truc quand j'étais gosse, et je me suis dit ah j'ai pu jouer, j'ai pu respecter un texte, plus le réel me disait vas-y fais autre chose. Ouais. Et je me disais bon ça bah arrête toi tu deviens fou là Vincent, là tu deviens fou. Et non mais ça m'avait fait plaisir, j'étais reparti en me disant je sais pas ce que ça va donner mais l'expérience était cool. Non mais c'est pour ça que moi ça a été et très dur et super ce tournage, parce que effectivement je sentais que entre guillemets je vous perdais un peu, mais il y avait ce truc où ah c'est cool parce qu'en fait du coup je fais renaissance des trucs, je me sens un peu tout seul et du coup en fait je suis un peu capable sur certains trucs, et en fait ça m'a fait plaisir de vous rassurer sur certains trucs. Moi je sais que des fois je voulais aller un peu loin avec Julien sur le côté allez on fait de l'émotion, et t'es genre ah t'es sûr c'est un peu parce que là on en fait pas trop et tout machin, et du coup j'avais peur du mélo moi. Ouais c'est ça, et du coup on a réussi à trouver, j'ai l'impression, un équilibre, et ça c'était cool. On a quand même réussi à mettre de la comédie. Et même si après, effectivement, moi, je suis parti et j'ai arrêté sur E4, Vlad était beaucoup là, m'a beaucoup soutenu, et le public a suivi, en fait. Et ça, c'était cool parce que, franchement, je pense que le syndrome post-rupture se serait planté. Je pense que j'aurais arrêté, mais vraiment, quoi. Je me disais, bon, allez, j'ai plus de potes pour faire les conneries, et en plus, le public n'aime pas. dans un j'arrête français. Voilà c'est ça non mais vraiment non, mais je, et je me dis en fait ce qui est cool c'est que le public a kiffé et du coup je me suis dit ok cool je peux continuer parce que le public est là et ça m'a beaucoup aidé et effectivement donc nous on a arrêté de travailler ensemble c'est Navo qui a quand même beaucoup aidé en fait il était devenu DA de la saison 2 merci Bruno de Golden Moustache en règle générale et c'est vrai que quand vous m'aviez dit bon voilà on aimerait continuer sur les 400 toi il y avait un côté où moi j'étais là genre ouais mais du coup c'est pas vraiment sur les 4 et on s'était tous dit oui c'est vrai c'est plus vraiment ouais. sur les 4 on change de nom machin et tout on tournait un peu autour on du voulait, truc on voulait pas continuer sur les 4 sans toi parce que je me souviens qu'il a été question de reprendre sur les 4 c'est ça en fait la nuance pour moi en tout cas ouais. c'est que justement on s'était tous dit je voulais mourir parce que je ne savais pas quoi faire non, c'était c'est très dur nous en plus c'était on était tout frais dans ce truc là et effectivement ça fonctionnait plus ouais, mais c'est des trucs très difficiles à c'est comme larguer une meuf mais en même temps c'est pas que tu l'aimes plus c'est juste qu'il y a plus le truc en plus le ce qui était compliqué c'est qu'on s'était vraiment dit je me souviens tous rendez-vous dans 10 ans merde non, ah, mais j'ai quand même aimé mais on s'était dit sans se le dire vraiment enfin après nous on avait reparlé on s'était revus on s'est dit ah, est-ce qu'on fait pas des trucs ensemble et tout mais on s'était vraiment dit sur Ricard c'est fini tu vois ouais. parce que sur Ricard c'était tous les 4 tu vois ouais, bien sûr. Et ensuite nous on commence à se revoir avec Raph avec Vincent on se dit qu'est-ce qu'on fait et tout on commence à rigoler sur le fait de chercher un autre nom on se retape un brainstorm de malade on se dit est-ce qu'on prend pas un cousin est-ce qu'on prend pas un autre animal facochère enfin à une époque ça devait être facochère on se dit est-ce qu'on fait mangouste la genre c'est un cousin mais la pire idée j'avais oublié ce facochère. Truc facochère il y a vraiment en fait, un parallèle de la ville un monde parallèle qui est nul mais oui c'est comme si les inconnus c'était séparé de Legitimus ils s'appellent les pas très connus non mais c'est ça ouais c'est vrai non mais en fait ce qui nous a rire les semi-notoriétés moi ce qui nous a rire c'était de reprendre quasiment tout et d'à la place vraiment mettre facochère genre c'est bon genre ah, les gars vous abusez triste, ouais. non, mais ça aurait été triste mais on était parti donc... sur sur on fait plus rien je sais plus non mais oui en tout cas on s'était dit fin de Suricat et c'est vraiment au bout de plusieurs mois de discussion plusieurs semaines plusieurs mois bah, l'été dit, bah, en fait ouais les vacances ouais c'est tout ça tout l'été ouais. et tout et on s'est dit merde en fait c'est quand même con on a passé tellement de temps on a viré Ninja on a viré Internet on a viré Magnétoscope pour trouver Suricat et les on gens bien ce nom. Et on a viré on a et viré le batteur de Korn et du coup on s'est dit est-ce qu'on s'appelle encore Korn on a viré le batteur on se fait bah ouais, on met un mec à la flûte traversière non on va jouer sur batterie mais non mais ouais c'est ça et donc du coup c'est pour ça que pour moi il était plus question de relancer Suricat c'est plus ça la fameuse discussion qu'on a eue avec ouais. vraiment Bruno en médiateur de ce truc parce qu'on avait tous du mal à communiquer parce qu'on était trop jeunes et on savait pas c'est, et puis c'est gênant et on savait pas faire ça c'est super gênant ouais. c'est genre alors donc on ne veut plus vraiment travailler ensemble qu'est-ce qu'on fait ouais, tu, vois, ouais, ouais. Tu sais pas t'as pas les mots en fait c'est très dur pareil en tant que plus vieux je me suis dit que vous étiez quand même mature pour et à la fois immature j'ai envie de vous tuer mais, non mais un peu des deux mais je me suis dit que t'étais mature en tout cas pour se dire bon bah hey, on va faire ça machin on s'organise comme ça et tout je ouais. me suis dit bon bah ok continuons puis moi j'étais un peu couard ah non mais puis on moi peut caler ce mot oui on peut ouais. caler couard non mais puis moi au début je voulais pas spécialement lâcher hein. moi j'étais là genre bah non moi je suis d'accord sur les 4 sans moi c'est plus vraiment sur les 4 et ouais, tout ouais. et c'est Navo qui a réussi à mettre les mots en disant en me donnant confiance en moi ce qui était déjà un truc en fait c'était un problème de confiance en moi de me dire et surtout vous j'y arriverai pas tout seul en fait c'est, vous les appelez bref ouais. ça l'a un peu saoulé pardon et, non non mais tu vois il m'a donné confiance en moi en disant mais mec tout seul tu arriveras aussi et c'est pas grave et vaut mieux ça que voilà et du coup effectivement j'ai arrêté de vous avez repris sur les 4 et moi j'ai fait mon truc dans mon coin et au final c'est ça qui est cool c'est qu'on personne il y a pas eu de comment dire il y a pas eu de victime quoi il y a pas eu de voilà, non mais c'est vrai que c'était sur le moment c'était dur mais c'était une période dure mais et en fait ce qui est, je pense qui nous a fait du bien à tous c'est tout bête mais c'est quand t'as fait le bureau des plaintes en fait quoi le bureau des rêves ah, le mec était tellement taquet non mais pareil le bureau des rêves mec, ça c'est ah bah je te déteste alors pardon ah non moi c'est le bureau des plaintes que j'adore non mais je me casse pardon excuse-moi pardon le bureau des rêves où je pense un peu tous on s'est dit ah yes enfin déjà c'est con mais parce qu'on c'est tout ce qu'on voulait pas c'est te faire lâcher justement que tu partes pas enfin, mais non mais la question c'est pas t'es nul Flaubert ça n'a rien à voir c'est surtout pas ça c'est l'inverse c'est juste c'est trop différent tu vois et c'était du coup trop bien de voir le bureau derrière et faire mais yes genre et qu'en plus tout le monde dise ouais Flaubert trop bien et faire voilà en fait ça marche trop bien comme ça en fait quoi et ça m'a vraiment rassuré je pense que toi aussi oui, et, bien sûr, bien sûr. Et, mais c'est vrai qu'il y a eu ce creux je sais pas de combien de mois avant le bureau des rêves je sais pas mais... après en fait il y avait aussi un autre truc après, où j'ai un peu changé mon fusil d'épaule où je me suis dit bon bah vas-y c'est vrai que sur Ricard on était très dans le côté on fait des sketchs un peu artisanaux on a des vraies volontés on lève un peu le point en mode on est internet il y a un côté une petite revendication dont on fait des trucs et tout bah, non t'es produit par la télé qui était non mais je veux dire on avait ce truc un petit peu et du coup moi je suis allé presque dans l'extrême inverse en disant bah vas-y je veux réaliser pour d'autres. Donc j'ai réalisé des trucs pour Adrien Méniel. Oui, c'est j'ai vrai. Réalisé voilà, je me suis dit vas-y, bah je veux, est-ce que je peux faire du sketch tout seul? J'ai fait l'école du porno dans lequel tu joues, Vincent, t'es venu j'adorais venu gentiment faire ce sketch. Bientôt le matin, j'ai pas dormi, je le précise. J'étais rincé. Non mais voilà, donc en fait, je suis parti sur d'autres trucs, j'ai écrit pour d'autres gens et machin, et du coup ça m'a aussi appris l'humilité en fait, dit-il après un podcast à la gloire de non mais pendant deux heures, on revient dessus, on va pas parler de oui, oui, non, c'est sûr. Bon alors mais... l'histoire d'Adrien Méniel. On s'en branle. Qui est ce mec? Il est où ce punchliner? Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça m'a pris un peu genre bon un peu ouvrier de la blague quoi, genre on écrit pour d'autres gens et puis ouais, c'est pas forcément ta gueule. Moi j'ai arrêté apprendre complètement de jouer, j'ai par contre j'allais rebondir là-dessus, te dire c'est que par contre la coupure, on t'a moins vu et ça dommage quand même. Ouais, mais après en fait je me suis rendu compte que j'aimais pas jouer en fait, et c'est pas un problème que oui, je que ça joue te, mal c'est que j'aime pas stress. Ça non non ça me non je sais avec ça je trouve ça long, c'est oui, relou, je préfère faire jouer des gens meilleurs que moi. Écoutez bien le Kassovitz, un T4, il va revenir avec un sparring et faire ouais, je joue dans sparring et dans le bureau des légendes, le bureau des plaintes de Lucien, on y revient. Le bureau des légendes, c'est Lucien. Non, mais c'est, en fait, je pense qu'on était tous pas maîtres de ce qu'on avait lancé aussi. Parce qu'en fait, on s'est créé sur iCat sans savoir ce qu'on créait. Sans savoir ce qu'on foutait. On s'est juste réunis par sécurité. Pas par affinité. Plus par sécurité que par affinité. Quoi. Nous sommes quatre. On s'entend, ouais, on est bien, mais on s'est pas dit, les gars, ce serait pas mortel qu'on fasse des sketchs ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'on a toujours dit collectif et pas groupe d'humoristes. Il y avait un truc un peu. Je connaissais même pas ce que vous faisiez sur le net. J'étais tellement un noob. J'ai vraiment, Raph, je dis trois fois, toi ton prénom. Putain, Raph, merde, il faut que je retienne, putain de merde, il y a tellement peu de prénoms à retenir. Et après, je m'étais dit, ok, je fouine et je m'étais tapé le visiteur du futur et tout. J'ai fait, c'est de la balle ça. Ouais. J'ai fait, c'est bon, j'ai enregistré le mec avec les cheveux. Lol. Non, mais excuse-moi. Non, mais j'ai retenu et tout, mais c'est vrai. Et après, t'es devenu toi le mec avec la barbe, donc t'as appris que. J'ai connu les gens, je veux dire, dans l'individualité, avant même de savoir ce qu'ils foutaient vraiment sur le net. Je le fous, j'avais déjà vu des podcasts, mais peu par rapport à tout ce qui était déjà posté. Il y en a peut-être pas, il y en a peut-être 8, je sais pas, mais plus en plus, ouais, plus ouais. Ouais, en tout cas j'avais bah, revu après, je m'étais dit bon, ce mec que j'ai rencontré, avec qui on s'entend bien, on a bouffé, on a trippé parce qu'on aime bien les mêmes souris, ouais, je sais rien, se dire t'aimes bien le Rangina, ouais moi aussi, c'est pas une pub, ok. Mais en tout cas se dire des trucs comme ça, et ben se dire après ouais, mais en fait il fait quoi aussi et tout machin, j'avoue que ça s'est créé en même temps quoi. Ouais, affinité perso plus staff, ouais. Et on a découvert, et vraiment vous êtes, enfin moi c'est vraiment plus que quand tu me dis je m'appelle Flaubert, j'ai déjà eu de ma gueule. je le connais l'auteur. Non, mais je veux dire, c'est pas vous êtes pas genre ligué pour me jarter, c'est que vous êtes vraiment rapprochés aussi, c'est ça aussi le truc. Vous en fait c'est ça, c'est que le sur iCat le collectif est devenu sur iCat le groupe, ouais, un peu quoi, tu vois, ouais. Et que en soi sur iCat saison 1 c'est Gold et Moustache, enfin tu vois, oui, c'est ça, c'est, non, bien fait, sûr, c'est ça quoi, avec quand même une affinité d'écriture, et on s'est tous auto-entraînés, on s'est auto-coachés. Ah, bien sûr, c'est beaucoup apporté, c'est ça ce qui fait que c'était pas non plus Gold et Moustache, mais c'était quand même un collectif. Et ensuite après ça a changé, c'est pour ça que je pense aussi que la saison 2 différente de la une, complètement, totalement, sur ce point de vue là, j'ai pas de recul. Et nous tout, on a pris cette décision là aussi de se dire qu'est-ce qu'on change dans saison 2, et on s'est dit ah, on va expérimenter d'écrire à trois vraiment quasiment systématiquement, enfin même systématiquement, oui, avec oui, différents degrés dire, d'investissement, ouais, sur chaque sketch, mais chaque sketch était coécrit, là où dans la saison 1 c'était une collection en fait, c'est tu ça, vois, d'individualité qui se faisait rire mutuellement mais qui avait pas forcément les mêmes univers, etc. Ouais. On jouait et pas forcément dans les sketchs des autres, comme je voilà, disais exactement, dans les nouveaux charmants, Raph a appelé, ouais, des, ouais, quatre, ouais, French nerds, moi j'ai appelé voilà. Et c'est vrai que, mais je peux, enfin c'est vrai que c'était un moment particulier parce que c'est une espèce de divorce avec quelqu'un, avec des gens à qui tu t'es pas vraiment marié, mais et avec et qui tu t'es pas vraiment pris la tête non plus. Non, en fait, il y a oui, des c'est ça, un peu nul, avec qui tu t'es pas vraiment pris la tête, ces gens à qui tu t'entends bien, et qui fait ah, on était très lâche, enfin t'oses pas aborder la enfin tu ouais, vois, ouais, c'est bien vraiment sûr, larguer quelqu'un avec qui t'as plus ouais, trop d'affinité, mais qui est pas méchant quoi. Il y a du perso à mettre, j'avoue, ça c'est mes premières expériences de ma vie, malgré ma vieillesse à l'époque, puisque j'avais 43 ans, je le répète. Non, mais c'est vrai que j'avais déjà coécrit avec des gars machin, etc., mais c'était très court ce que je faisais. J'avais jamais eu de groupe de rock. Ouais. J'avais jamais eu de groupe d'écriture. Ou de non, mais c'est en fait, moi vraiment, quand j'y repense avec du recul, c'est vraiment ça. C'est groupe que rock, la transition collective, la transition collective qui peut-être potentiellement envisage de devenir un groupe, ouais, fait que la dynamique change totalement, en fait, tu vois. Bien sûr. Et c'est justement, en fait, ça, quand j'avais repensé quelques, je pense, pendant la Suricat saison 2, on reparlait beaucoup de ça, parce que forcément, tu mets du temps à faire la transition sur ce truc-là. Bien sûr. Et en fait, moi, j'étais tiraillé sur le syndrome post-structure. J'ai appris à l'apprécier avec du temps, tu vois. Et pareil. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, au début, il me plaisait pas parce qu'en fait c'était un suricate et je me disais ah mais du coup c'est... on n'a pas eu le temps de bien coécrire tous ensemble pour avoir le truc qui nous allait à vous tous, étiez tu tellement vois. Dans Super Hangover voilà, et moi pas du tout pour le coup que bah, coup, moi j'ai fait ce truc là dans mon ouais, coin voilà c'est ça et moi j'avais l'impression que le divorce c'était un temps dingue non mais tu vois la séparation c'était déjà un peu là naturellement en fait bah bien sûr et moi j'avais un peu cette frustration de me dire ah on aurait pu prendre plus de temps plus discuter pour faire plus le vrai truc suricate qui nous regroupait tous tu vois et ce sketch là on aurait dit ah ok là on l'étiquette suricate etc et du coup j'avais avec du recul quand je fais mais en fait c'est un Flaubert tu vois c'est ça en fait c'est un Flaubert oui, et c'est sûr. Pas un suricate et maintenant je l'apprécie parce que je fais ah mais oui c'est un Flaubert et du coup et je me détache de ça je me dis pas c'est pas mon sketch en fait c'est ouais. le tien tu vois et il est bien et il marre et quand je le vois je fais mais d'accord c'est ouais. il est nickel en fait tu vois ça c'est juste schizo, que on, ouais. ouais mais c'est ça ça rend fou mais la dynamique est tellement inverse en fait entre si parce qu'en plus on a rebossé énormément ensemble ah, bah oui bien sûr et en fait justement c'est dans ces moments là aussi je me pose la question mais je dis mais je m'entends tellement bien avec Flaubert comment enfin et en fait la dynamique elle est juste que pour l'instant, on n'a jamais refait de trucs qu'on a signé d'un nom d'un groupe non, qui dit tous les deux, tu vois. Complètement. Et ce qui n'empêche pas qu'on fasse des trucs dont je suis trop fier tous les deux en bien tant sûr. Que co-auteur, tu vois. Et enfin, c'est fou comment un nom regroupe et change la dynamique, je trouve, en fait. Quoi. Non, mais c'était le début d'un taf, on n'a pas les mêmes âges. Puis c'est monté un peu vite et tout. Moi, ouais, ouais, j'avais mes bulletins de paye, les premiers où c'était écrit comédien, et je faisais ta mère, c'est trop bien, c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais gosse, mais j'ai abandonné, j'ai pas honte de dire ça, j'ai abandonné ce rêve vers 25 piges où j'ai fait j'arriverai jamais, go, terminé. Et après, j'ai eu le bol d'avoir été repêché comme ça, puis après, on me dit oh, t'es comédien, je ouais, ouais. Mais du coup, ouais, c'était aussi ce nouveau taf, ce truc, ça nous prenait, on était dans les bureaux. Tu sais plus c'est que des trucs fous. À gérer, c'est des t'as trucs à nom, gérer, c'est des trucs d'ego, de micro célébrité, de web célébrité, de célébrité qui n'en est pas vraiment, c'est plein de trucs que t'as comme pas ça. Envie de vivre ou pas, oui, c'est chacun son truc. Le pire en fait, non, se faire c'est qu'à un moment tu te dis à l'échelle du monde, tout le monde s'en prend. Mais oui, tellement. C'est ça. Ouais, mais toi ça te stresse parce que tu sais pas ce que qu'est-ce que tu feras après demain. Moi je pensais vraiment que c'était terminé, que après j'arrêterais plus jamais de boulot et tout. Pareil, moi je me disais j'aurais fait 4 mois chez enfin 3 ans, 2 ans chez M6 et je me suis dit ah tiens, j'aurais fait ça puis après je vais faire peut-être de la radio un truc machin, j'en sais rien. Bon, c'est bon, c'est juste pour répondre 87 questions de et pourquoi t'es parti sur 4 voilà donc vous avez la réponse de cancer non mais voilà et du pardon, coup ça vous dit que et surtout c'est des choses compliquées à gérer et ouais. Si vous faites des groupes de potes qui font des sketchs peut-être que vous aurez à le mais vivre je suis, aussi je suis ouais. content qu'on ait eu la maturité quand même de communiquer de façon light sur les coulisses en fait tu vois à l'époque parce que nous-mêmes on n'avait pas assez de recul tu vois là maintenant ça aurait été horrible. À l'époque, si on avait été, enfin, je pense que Raph et moi, déjà, on se serait insulté sur Twitter, on se serait vomi dessus, assez vénère. Non, non, c'était bien de laisser passer un peu le truc. Bah oui, c'est ça, il faut le temps de même nous comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on vit, comment on vit. Et d'être aidé, vraiment, je leur dis, mais Nargo, moi, François aussi, enfin, François des Cracks, enfin, il y a plein de gens qui m'ont beaucoup aidé à. Et le public, ça fait vraiment Miss France, mais le public aussi a eu sa part. Ils l'ont compris très vite, en fait. Ouais. Enfin, moi, c'est vrai que c'est le rire, tout le monde avait oublié que j'en faisais partie. Et dès que j'ai fait dès que j'ai fait l'école du porno ou le bureau des rêves, personne m'a dit, mais pourquoi il n'y a pas les suricates dedans? Enfin, les gens s'en foutent, ils sont passés très vite à autre chose. Même vraiment... moi qui étais sur suricates après, on me disait, tu les connais? Je fais, putain, merde. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, je profite du micro parce que ça enregistre là ou pas? Ça, non, tout à l'heure, en fait. Pardon, c'est non. J'ai une voix enregistrée pour un sketch. J'ai ri parce que je savais que ça faisait rire, mais je ris pas de ma blague, je la trouve nulle. Non, et anyways, ça c'est putain, c'est nul, pardon. OK, je reprends. Ouais, non, moi je m'en veux quand même à l'époque où j'en ai fait pareil, j'étais pas supporté, où j'aurais pu te dire bah les festivals ça, j'ai juste fait courage. Et je me suis dit mec, t'es le plus vieux de la réfléchir un peu, qu'est-ce que t'aimerais entendre et tout. Et plus tard après, enfin sur 2 mois quoi, je me suis dit ah ouais, c'est vrai, c'est pas ça. Faut le motiver à faire son truc. Oui, mais regarde, t'es venu faire l'école du porno. Ouais, mais toi tu m'as motivé aussi, tu m'as dit à ta place, je me poserai pas la question, vas-y, continue machin etc. Ouais. Je fais ouais, c'est bien. OK, faisons comme ça, on s'organise, on y va à la cool. Voilà. Et j'ai bien fait, je regrette pas. Bah non. Mais je me suis dit putain, le courage du gars, parce que on n'est pas connu, on n'est pas à la télé ou au Cinoche, je sais pas quoi, c'est on est connu par des jeunes. Mes parents ou des. On était personne. Des amis, ouais. Et puis voilà, on dépassait. Mais ça foutait un stress de se dire, en tout cas, merde, j'ai un nom, même si tout le monde s'en branle. Ouais, mais les gens s'intéressaient. Il y avait un côté un peu fusée qui décolle, oui, c'est ce que j'ai dit dans le DVD associé. Mais et franchement, il n'y a pas de regret. Non, mais voilà. C'est le principal. Mais je suis désolé, j'avance un peu. Non, parce vas-y. Qu'en fait, je veux reculer là. 2009. Vous avez fait plein de trucs après, c'est surtout ça, en fait. Saison 2 de Suricate. Vous prenez le temps pour la bosser, quand même, celle-ci. Là, du coup, je me mets en lambeau et je deviens un petit peu intervieweur. Non, mais je veux dire, le premier sketch arrive en janvier de l'année 2014. Toutes les bonnes rentrées. Je peux fumer une chicha? Pardon, j'ai coupé cette vanne. T'as dit quoi? Ah non, c'était pas une bonne blague du tout. Bon, on fait là quand même. Non, t'as dit quoi? Non, mais voilà, donc vous arrivez en janvier avec un sketch encore plus long que le Super Hangover et qui, en plus, n'est pas que rigolo. qui est un sketch plutôt de toi, Raph, j'ai l'impression que l'idée venait de toi, mais du coup, c'est... Le premier, c'est Faites le rire. Faites le rire. Ah ouais, c'était le premier. Ouais, et vous arrivez du coup avec ce truc un peu d'écrire tous les trois. Du coup, c'est ce que tu disais, Julien. Ouais, on avait fait une session d'écriture chez Jambon. Ouais. Et on s'était isolés combien de temps? Peut-être une ou deux semaines. Son appart ne l'était pas. Excusez-moi de préciser, mais c'est il est extrêmement humide. On était calés contre le radiateur. Non, ouais. On s'était isolés, on s'était dit, ouais, on vient tous les jours chez lui, il nous avait filé l'appart. C'était une semaine, deux semaines. Pour pondre déjà, pour pondre quasiment toute la saison, en fait. Ouais. On voulait tout écrire. Quel pitch faisons-nous? Tout écrire d'un coup, pour tout tourner d'un coup. Sachant qu'il y avait quelques restes de la saison 1 inexploités. Déjà. Voire même des trucs tournés. Voire même des trucs tournés. Le rire 2.0, c'est vrai. Là. Et la première blague du Cosmos, ça a une petite tête aujourd'hui. Oui, c'était tourné en saison 1. C'est pas possible. Imitation. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'envie de cette saison 2, ça avait été de. Qu'est-ce qui nous a déplu dans la saison 1? C'était le flux tendu. A posteriori, maintenant, je me disais, j'y vois beaucoup avec beaucoup de nostalgie. Genre, c'est stylé le flux tendu, tu vois. Je voudrais dans l'action, tu vois. Mais à l'époque, on en sortait crevé de ça. Ouais. Et on disait, écrivons. Apparemment, les autres, ils peuvent faire ça. Donc, enfin, je sais pas, les Américains ou je sais pas quoi. Mm. Faisons tout des blocs. Le Palma Show faisait ça. A posteriori, je me dis aussi, peut-être qu'on était nuls. Parce que c'est vrai, genre, le Palma, il te sortait 700 sketchs, il faisait ça rentre, les mecs. Et nous, 10. Et du coup, on avait envie de faire full écriture, puis full tournage, puis full montage. En gros, c'était peut-être pour pouvoir partir en vacances, je sais pas. C'est pour pouvoir dire, dès que le montage est fait, on peut partir et tout, mais de plus sectoriser pour apprendre à bosser d'une manière différente. On voulait faire un bloc, et puis en refaire un plus tard. Parfait, ouais. Mais... Donc, je sais pas si la liste de diffusion était fixée, mais on avait... Mmh. Écrit donc dans une seule et même session, Movies 2, Faites le rire, Cosmos. Ouais. Il manquait juste. Tout sauf le fantôme de merde. Ultimatum et Fantôme. Ouais. Enfin, fantôme de merde, il s'est fait dans la foulée, quoi. Ah, il s'est fait le dernier jour de l'écriture, cette écriture. Ouais, ouais. Ah oui, c'est... oui, mais c'était une pitch, commande. C'était oui, pas le pitch est sorti, mais pas l'écriture. Oui, mais Raph est revenu avec 29 pages. Je préfère quand même le préciser. Mais... On a fait un pitch et le lendemain, Raph, 29 pages. Et moi, j'ai dit. À la base, ça partait de 5 vannes. Mais vous avez un peu regardé ce truc d'entrecouper gros sketch et petit sketch, quoi. Ouais. Il y avait pour un Faites le rire, un Movie vs Life ou un Cosmos, il y avait le rire 2.0, Siri ou l'Ultimatum. Ouais, ouais. Il y a un sketch qu'on a killé juste avant de le tourner. Oui, c'est ce qui était écrit. Et on en parle ou c'est une idée qui est dans des tiroirs utilisables? Pendant longtemps, j'ai été frustré qu'on l'ait pas fait. Je me dis, on pourrait le refaire, mais on s'en fout, on le pitch et on le fait quand même un jour. Il s'appelait Message aux aliens. Ah non, c'est pas, non, je pensais pas à ça. Tu pensais pas à ça? Non, parce que moi, j'ai fait peur. Ah oui, je vois lequel. Je crois que je t'ai fait peur, genre, que? La femme. Non, non, oui. Mais le message aux aliens, c'est un qui a été vraiment tué dernier moment. Parce qu'il y avait cette petite question avant de se lancer dans la grosse session de tournage, etc. Sait faire du Palma, c'est genre, est-ce qu'on sait faire du Palma? C'est un sketch qui est genre très fast cam, la cam bouge pas et il y aura des gens qu'il va falloir qu'ils jouent. Il y a beaucoup de place à l'impro. Et est-ce qu'on n'y croirait pas que à moitié à celui-là, tu vois? Est-ce que genre justement, il serait pas là pour remplir dans un truc de remplissage? On avait dealer ou je sais pas quoi, dit hey, on vous écrit, je sais pas, 10 sketchs. 10 sketchs, il y en a eu 8, il y avait celui-là qui était genre un peu middle, tu vois, un peu machin. Ouais. Et il y a eu ce choix, ce long débat, est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on l'enlève pas, et on a beaucoup hésité. C'est on quoi l'a le pitch, si on peut, ça et vous dérange pas pitch, de... C'était le pitch, c'était à la NASA. C'est ça, c'est le mec de la NASA un peu branlos. Ouais, exactement, les mecs de la NASA, et il y a un mec qui vient avec une clé USB, le fameux patron qui était dans tous les sketchs de l'époque M6, parce qu'il y avait des patrons qui passaient, on disait c'est quand même chiant quand il y a des patrons qui passent. Et donc, il passait avec une clé USB en disant on a détecté une forme alien, etc. Ceci, c'est le message à transmettre aux aliens. Et genre, c'était un message trop stylé. Je sais pas si on le montrait, je me souviens plus. Non, mais c'était un message trop stylé. Peut-être on entendait la voix, je me souviens plus. En mode, nous sommes les humains. Enfin, un truc hyper bien calé, genre qui a été fait pendant des mois, etc. Et tout. Et évidemment, eux, ils effaçaient, je sais plus comment, avec un objet. Ouais, les branlots, ils formatent la clé USB. Ils formatent la clé USB. Donc, ils doivent réécrire, représenter la Terre, refaire un message pour les aliens pour l'envoyer. Quoi. En une nuit. C'est limite les gardiens de nuit ou c'est limite la, enfin c'est la team de nuit, tu vois, c'est les stagiaires. Ils embauchaient après. Et un ils embauchaient l'entretien. Moi, je et le mec de l'entretien aussi aidait. Ouais, ouais, aussi aider à raconter, bah du coup l'humanité, on est ça. Ça devait s'appeler comme branlos versus alien. Non, le pitch en gros, c'est en effet comment en une nuit pour réparer ta connerie, tu pitches ce que c'est que l'humanité. Comment tu décris l'humanité avec tes mots. L'idée de base est bonne, mais c'est vrai que c'était rare. Non, c'est drôle, c'était peu écrit, et c'était en effet, on mettra la caméra. Vu qu'en fait, c'était un setup de deux gars dans un open space NASA, et après, genre, leur face cam, leur webcam, leur ordi, c'était genre, ok, quand on rentrait dans le cœur du sketch, c'était genre, alors, tout a commencé, machin, et mais c'était très peu écrit et il y avait limite des petites notes dans le texte de genre penser à la religion machin, ouais. Van sur la machin, comme ouais. Il présente ça en disant ça. L'école. Mais au bout d'un moment, c'était beaucoup de jeux et beaucoup de machin. Et ouais. Donc on s'est dit, étrangement, on est plutôt allé vers un truc, un chouïa plus fiction écrite qu'en effet plus télévisuel. Ouais. En effet, on avait peut-être un peu peur de nos acting impro skills. Ouais. Tu vois, on faisait jamais, un peu plus pas le machin. Jamais, Parce que ouais, on n'était pas très entraînés sur ça, quoi. Ouais. Et c'était un sketch qui était énormément basé sur ça. Fallait suivre le fil conducteur, mais fallait aussi suivre les vannes qui devenaient sur le moment. Surtout des sessions aussi fat où vous entrecoupiez tous les sketchs, c'est un peu compliqué en plus de. Ouais, ouais, de c'est faire ça. Des trucs là un peu lents. Voilà, maintenant on improvise, on oublie le stress. Ouais, c'est compliqué. Exact, ouais, ouais. Mais il y en a eu beaucoup, ouais, des sketchs, peut-être on peut le faire maintenant, cette petite session un peu sketch. Donc il y avait Geek Dealer. Ah, donc, ça, ouais, c'était. Celui-là, il peut être encore drôle. Il peut évoluer. Meilleur fin. Celui-ci, pour moi, non. Celui-ci, il est dead. Contre Hitler dans le. Non, il est pas dead parce qu'il y a des. Il a acheté la chute comme ça, contre Hitler. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que la chute était. On évolue sur. Il y a des nouveaux objectifs. Les gens comprennent pas. Attends, je suis désolé. Je refais mon animateur très un peu. Excuse-moi, je suis très rapide. Julien, peut-être. Moi. Pardon. Le Geek Dealer, le parti pris est tout simple. C'est imagine si il y a un dealer qui a accès à tous les objets geeks de tes rêves. Voilà. Quoi. Donc l'overboard de. Exactement. Tu peux tout tester. Mais n'en gardez qu'un. Exactement, c'était laser. Un peu ça, c'était imagine tu t'as accès à tous les objets geeks de la planète mais t'as le droit d'en garder qu'un seul, t'as le droit de tester. Donc c'est le marteau dans Old Boy. Truc nul à chier. C'est pas mal pour les clous. Ce serait une bonne scène coupée de Ready Player One, c'était pas... qu'il l'a mis dans le film. Oui, c'est vraiment ça rejoint ça un peu. Ouais. C'est un peu ça. Mais en gros, c'était un peu dans cette mouvance de dans la vraie vie. C'est pour ça que je pense qu'on fera plus jamais ce sketch là, si on a commencé à avoir vu ce genre de truc, mais c'était un peu tous les objets de la pop culture dans une seule vidéo, celle même vidéo dans la vraie vie. Un peu, quoi, tu vois, genre, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Il y avait quelques blagues sur le fait que certains objets ne sont pas du tout intéressants, genre l'anneau, vraiment, tu le mets, ça fait ça hurle et tu fais je ne veux jamais remettre cette chose. C'est une crise d'angoisse. Elle est genre immonde, genre, c'est de la cocaïne. C'est une mauvaise descente au médicament. Remis dans la boîte immédiatement. Donc, il y avait le Geek Dealer. Mais oui, non, c'était quoi la chute alors, du coup? Alors, il y avait un truc de genre, je crois que le perso il prenait toute la mallette avec tous les objets. Il y avait un peu un en fait, comme au bout d'un ça, moment, ça devenait fictionné. C'est ça qui était intéressant. Je pense que avec tout. Et non. Il y avait ça. Et genre, il prenait pas la DeLorean. Il y avait la clé de la DeLorean. La DeLorean débarquée. Tu pouvais avoir la DeLorean ou les clés de voiture de la DeLorean. Un truc comme ça, il y a pas un truc comme ça. Ah, je me souviens. Mais bon, il était question de mettre Hitler dans le coffre de la DeLorean et d'arriver en haut dans le présent et qu'il y ait quelque chose dans le coffre de la DeLorean. C'est con parce que pour le. Et qu'il y ait Hitler qui sort de la. Oui, mais ça, c'était l'idée qu'on avait fait. Paf, on va pas la faire. C'est quoi? Ouais, ça, c'était l'idée où on s'était dit finalement, on fait pas ça. C'est con parce que je vais être obligé. Enfin, je vais l'appeler pour. Ne serait-ce que pour les clics, hein. Sur iCat, ce podcast, j'aurais adoré l'appeler Hitler dans le coffre de la DeLorean. Je trouve un très bon titre de podcast. Trop de mots. Mais c'était une des idées. On s'était dit, justement, on l'avait pitché à Vlad. En fait, le truc qui me faisait rire, c'était genre Vincent qui imitait l'accent allemand. De voir avec les imitations qu'on faisait de Hitler qui essayait de s'enfuir dans le présent et qui comprenait rien au présent et que les gars voulaient juste tuer Hitler en retournant dans le passé. Je pense que ça, Hitler sur un hoverboard. La vignette est énorme, ça me suffit déjà. Je clique. Dans le doute, je clique. Ouais. Est-ce que déjà il est goofy ou il est régulier? Ou est-ce qu'il est régulier? Ouais. Je ne sais pas qui est ce mec. À part être complètement dingue. A-t-il un baggy ou non, il y avait dans les autres sketchs que je me souviens. Moi, je me souviens beaucoup de sketchs de Raph aussi, où t'avais des sketchs un peu métaphoriques. Je me souviens de deux en tout cas. Ouais. Il y en avait un où c'était un mec qui était pote avec une version personnalisée de son téléphone. Exactement. Putain, mon iPod. Ouais, c'était ça. Ah oui. Mais ça s'est fait plus tard. Et j'avais Antoine Daniel en tête à l'époque, qui était tout début de What the Cut. J'avais Antoine Daniel en tête. Florent Dorin me faisait oui, à peine découvrir. C'est Florent Dorin qui nous a fait découvrir What the Cut. Et j'étais en mode, il a l'air pas mal ce gars-là. Il a l'air, je le vois bien en mode blasé comme ça et tout machin à côté. Et c'était en effet un iPhone. C'est venu. Les applis individualisées. C'était juste genre personnifier un iPhone. Personnifier un gars. Et du coup, genre, c'est le gars qui le réveille. Il le réveille le matin. Et donc, le propriétaire dit, tu peux envoyer à Cassandra, on se voit ce soir toujours ou pas. Et le gars sortait de la pièce, prenait le métro, allait parler parlait à Cassandra, elle disait machin demain. C'est vrai qu'il y a eu ça, les réseaux sociaux dans la vie, machin. Il y avait un truc de la dépendance à l'iPhone et la relation qu'il crée avec, le côté il casse son iPhone, il change d'iPod, etc. Ouais. Mais c'était une sorte de mini magie concept personnifié des choses de la vraie vie qui est vachement issu de Bref. Bref l'a très bien fait. Ouais. Déjà, ils ont personnifié je remets tout à jamais, je remets tout à demain, tout ça. Et il y a aussi Romain Lancry, par exemple, il joue Ma Liberté. Ouais, c'est ça, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et du coup, il y avait un peu cette mouvance-là et c'était un peu pas. Il y avait cette envie-là, surtout qu'avec une ère, avec la technologie, on découvre des nouveaux trucs, t'as envie de leur donner une humanité, etc. C'est vrai, j'avais oublié celui-là. Il est encore sur dans mon Mac. Dans le Drive, parce qu'en fait, on travaillait sur Google Drive beaucoup. Ouais. Et il y a encore des sketchs qu'on est partagés à tous. Il y avait les faux sketchs qui devaient être les teasers de Mission 404, vu que Mission 404, c'était en gros le bordel sur Internet. Ouais. Et on avait fait des faux débuts de sketchs. Ah oui, c'est vrai. Où à la fin, c'était genre, d'un coup, il y a Maxime Musca, ou je sais pas, Bengui, ou machin, dans un de nos sketchs. On fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Et en fait, vous aurez la réponse lundi sur la chaîne YouTube d'Orangina. Je suis tombé sur un faux début de la vie sexuelle des livres où il y avait juste la vignette d'Harry Potter qui finissait en mode en fait il y a Internet à bugger et les crossovers mou. Moi je me souviens surtout, bon après je peux pas en parler trop parce que finalement ça va se faire, c'est mais Black the Movie. Il a bugué, il a fait quoi, genre Black the Movie qui est le premier sketch. Ça ne se fera jamais. Oui, c'est vrai. Tu peux le pitcher, Julien. Ça m'a fait plaisir que tu marches à fond. J'ai fait l'enfoiré, il l'a vendu. Il l'a vendu. Il y avait le teaser, aussi qui était un truc comme ça. The teaser. Teaser, c'était un truc existant. La bande annonce. On avait la bande annonce. Merde. Je sais plus. Mais tu peux peut-être pitcher Black the Movie. Black the Movie, c'est devenu une blague du coup entre nous parce que c'était vraiment l'idée assez moyenne. Qui, au bout de quelques mois, facilement, tu fais c'était nul comme idée. On a quand même bossé des jours entiers dessus, tous les deux, pas mal avec Raph. Et c'était un peu la première fois qu'on écrivait tous les deux, qu'on se mettait sur le même doc, quoi. C'était pas près sur Suricat, Black the Movie, si c'était un ancien. Quasiment, je pense. Et c'était un peu l'arrivée aussi de la voix badass anglaise, hein. Moi, je me souviens, and the Pope. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Il y avait déjà un peu la voix anglaise. C'était vraiment juste. Et si on. C'était des gags de bananes, etc. En fait, ça venait. La vanne, je crois, venait du film avec Rihanna, Chip. On s'était dit, tous les jeux de société, machin. Donc, moi, je m'étais imaginé Spirographe, Atelier Magique, en mode. Avec des grosses rosaces et tout. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on en a reparlé pas si longtemps. Oui, mais ça pourrait encore se faire. Ça me ferait. J'arrive pas à faire le deuil. Mais en gros, on était dans. C'est encore drôle. Tout partait de ce truc de genre Hollywood fait tout et n'importe quoi en adaptation cinéma et du coup on s'était dit carrément Black the Movie, genre les mecs ils font une espèce d'Avengers avec tous les personnages des blagues de tonton que tout le monde connaît. Donc il y avait genre Toto, il y avait le belge et tout le monde qui était dans un avion, la blonde. Là, il y avait la blonde aussi, je me souviens, il y avait pas une question de la blonde, enfin tu sais les blagues sur les blondes, tu vois, nul à chier quoi. Et en gros on remettait en scène les blagues cultes un peu connues de l'allemand, le belge, machin, et le pape dans un avion, machin, etc., qui saute avec le sac à dos. Oui putain, mais ça me revient. Ces trucs-là, et on refaisait les blagues connues un peu cultes que tout le monde a déjà entendu, Toto qui est parti aux toilettes, etc. Et tout, et on les faisait un peu en badass, Toto, et genre comme si t'avais un Avenger, des blagues. Genre, c'est pas une bonne idée, c'est drôle d'en parler, mais c'est pas. Tu vas pas sur un tournage en froid pour faire ça, quoi. En fait, aussi, je crois qu'on voulait aussi voir à quoi ressemble Toto. On s'était dit, genre, mettant Toto dans les 11 commandements avec c'est Patrick Timsit qui joue Toto. Ils en ont fait un écolier comme ça. Moi, je vois plutôt Toto comme ça. Enfin, tu sais, parce que Toto, il a pas de look. Toto, c'est Toto, tu vois. Je sais pas à quoi il ressemble, Toto. Je me suis retenu, mon gars. En fait, j'ai regardé Flo, j'ai fait, me retiens. J'ai failli faire, oh, Toto Et tu le fais. Et tu le fais maintenant. Non, mais du coup, je m'imitais en train de m'imiter. Dramatique. C'est nul. Attends, j'ai oublié Black the Movie. Et il y avait pas, du coup, on avait pas un truc aussi jeu de société, The Movie. Ah, ouais, jeu de société. Après, du coup, c'était Spirographe et en fait, tout. C'est ce que je disais. Et moi, j'ai écrit un 11 pages, hein, moi, quand même, là-dessus. Ouais. Qui s'est jamais fait, mais c'était un. Avec Bourrico. Ouais, il y avait Bourrico. Il y avait Ray Papapa. En gros, c'était toujours le mec de la SWAT qui fait. Ok, c'est quoi la mission aujourd'hui? C'est papa. Il s'agirait de pas le réveiller. Ok, on amène les gars. Enfin, c'était un peu des. En fait, c'était les enfants un peu de vie sexuelle des jeux vidéo. Oui, c'est ça. Genre très à vignette. Et à Chabat qui a fait une des vannes dans le Santa Claus. Dans le Monopoly, je fais un 6 et je sors de prison. Je fais un double et je sors de prison. Et j'ai pensé. Et en fait, on l'a fait en deux fois. Il y avait le sketch à carton, et après je l'avais écrit en court métrage de 11 minutes où ils avaient kidnappé le mec de Monopoly qui voulait faire péter les tours de Jenga. Enfin, y avait... Et en fait, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps et tu fais oui, bah, c'est une liste de jeux de société avec des petites blagues, mais c'est pas dingue. C'est quoi. Non, c'était dans la mouvance un peu de rendre tout badass parce que Hollywood prenait tout. En touchant un peu à la nostalgie aussi. Oui, bien sûr. Aussi, moi, je sais que on était un peu, je me souviens, on se toisait un peu genre, hey papa, vous l'avez eu, vous, machin, Pic Pirate, vous connaissiez Pic Pirate. Enfin, il y avait un truc de gros débat. Non mais c'est vrai que Rihanna dans toucher couler le film tu fais bon bah ils ont tout fait, il y a plus c'est pour ça moi je rêvais des spirographes et j'ai fini cette phrase. Il y avait aussi un truc sur les je crois que c'était un sketch de toi Raph sur les pardon, on nique toutes les idées si vous me dites dans mon montage on peut couper, mais il y avait les trucs du corps humain, je me souviens que tu voulais personnifier les c'était un Expandables, donc vraiment c'était pareil genre, et s'il y avait un Expandables du fémur, sauf que genre dans la même lignée j'avais oublié la même lignée que bref avec personnifier ma liberté extérieure, là c'était personnifier son corps. Donc il y avait son cerveau, il y avait un gars qui traînait avec 11 personnes, hommes et femmes confondus, dans son appart, son petit appart, et du coup il y avait ses muscles, son machin, et du coup en effet c'était le principal était essentiellement le cœur où on voyait toutes ces ruptures et des nanas qui tabassaient un gars, donc le cœur était joué par quelqu'un, disait lui c'est mon cœur, et du coup il y avait des nanas qui faisaient je suis désolé faut vraiment qu'on et qui tabassait quelqu'un. Est-ce que c'était un bon moment dans ta vie personnelle à ce moment-là très moyen. Pendant l'écriture des sketchs on a tous eu des moments vraiment du mais après il y avait le truc là où c'était à l'Expandable, c'est que le gars du coup il bouffait mal, donc son estomac c'était un gars qui arrêtait pas de bouffer, etc. Il bouffait très mal, il fumait, ses poumons étaient dans un sale état, etc. Et genre et donc le gars il lâchait complètement prise sur lui-même, et là où c'était un Expandable c'était pour pouvoir refaire la scène de genre je vais réunir mon corps, tu vois. Et donc il allait chercher tout le monde qui sortait d'une voiture et qui faisait quoi, qu'est-ce qu'il y a, etc. Les gens qui avaient 60 secondes chrono, etc. Les gens qui ont changé de vie, etc., qui ont abandonné l'émission, et du coup il y avait son cœur qui avait fait des pompes et qui était genre maintenant tout le monde peut me taper dessus, et lui mettait juste une petite, je crois que la chute c'était un truc mignon où il lui mettait une petite couverture ou des petites protections en coussin pour genre on va continuer de se faire taper dessus mais on va vivre, tu vois. En gros le mec passait par un truc où il séparait toutes ses potes de son propre corps et tout. Et là tu parles d'Expandables, il y avait pas un truc avec des princesse Disney Expandables aussi qu'on voulait faire. Mais là t'as retrouvé un drive ou t'as une mémoire de film? Parce que j'ai l'impression que ça a été fait sur un internet américain. En tout cas même des photos nan-gag ou des trucs badass. On s'était dit après waouh la bonne idée. Les princesses en mode badass. Non, j'ai pas forcément c'est pas en mode rap. Bon, il y a eu ça, et puis là je crois même dans Wreck-It Ralph 2 ils font genre toutes les princesses Disney, elles sont ensemble, enfin du coup en fait c'est drôle, des idées de sketch, les studios le font eux-mêmes maintenant avec leurs idées à eux, avec les licences, les vraies licences et les vraies voix. Les Ghost Movies. C'est drôle? Non, ça défonce. Star Wars a toujours pas fait les blagues qu'on n'a pas mis dans, dans les Témoins de la Force. Où moi je voulais qu'ils aient des sabres laser ronds, qu'ils aient tout. Je sais pas ce truc. Mais c'est marrant pour essayer de les convaincre. Ils font non, mais on a aussi ça. Et on avait fait toute une plein liste de formes stylées, des shurikens, des sabres laser. Ils ont fait la croix de Kylo Ren. Et un truc qui vibre. Mais j'attends les premiers espèces de trucs, tu vois, un peu comme comment ça s'appelle dans Street Fighter. Un cerceau pour faire du hula hoop. Mais c'est vraiment. Voilà, un cerceau pour faire du hula hoop laser. Tu es coupé en deux très vite en fait. J'ai un super déhanché, mais il est très rare. Alors, j'avance un petit peu parce que 3 ans de podcast, je pense qu'on va faire les deux. T'hésiteras pas à me couper parce que, par exemple, celle-là, j'en suis pas très fier. Elle est bien. Fantôme de merde. Vas-y, clap, okay. T'inquiète. Non, mais coupe fantôme ça. Fantôme de merde, votre premier. Enfin, premier nom, mais en fait, un court-métrage, quand même, est-ce que c'est encore un court là? Parce que ça fait 20 minutes, le fantôme de merde. Facile, 25 ouais, même. 24. 24 minutes. Oui, c'est Que vous tournez à Montreux. Comment la genèse de ce truc là, c'est le season final de la saison 2 quoi, c'est vraiment sans le savoir. En gros on fait une première session de tournage, donc on fait Faites le rire Movies 2, le Cosmos, je n'ai pas d'autre en tête, Siri, et donc le rire 2.0 qui est issu de l'Ultimatum et l'Ultimatum et on est normalement censé repartir pour une autre session de tournage et d'écriture et de tournage de la même consistance entre guillemets. Et mais on a cette sorte de mini, pas OP, mais genre truc à Montreux, que le Palma Show y était passé, Golden Show. Il y avait Jérôme, Groom. Jérôme et Axel, ils ont fait Groom là-bas. Et du coup, on prend ça, c'est un honneur, et c'est genre, ah cool, les suricates à Montreux, qu'est-ce que ça rendrait et tout. On est très très peu, il y a très peu d'engouement sur le fait de genre les suricates à Montreux, justement. Très peu sur le non, mais ça a été fait. Ouais, ça a été fait. Et puis on n'était pas du genre à genre nous en off, c'est marrant, tu vois. Nous, nos vrais persos, mais de la vraie vie, mais pour de faux. On l'a jamais fait, enfin, même en saison 1 et en saison 2, vous l'avez pas fait. On n'a jamais trop joué à ça et tout. Et du coup, ça allait très bien. Et du coup, vu que ça avait été fait, on se disait, on n'avait rien d'autre à rajouter, etc. de plus. Et moi, genre, je pose aussi. Enfin, il y avait cette envie, vu que j'avais déjà vu les images des différents Palma Show. Il y avait Palma Show, Making Montreux, Lost in Montreux, etc. J'avais déjà... super d'ailleurs, Lost in Montreux, qui est génial. Trop bien. Très bien. Et en plus, que je connaissais Rémi Argot, donc chef opérateur sur le Golden Show, tous les sketchs, etc., qui était du coup, avec le Golden Show, déjà allé à Montreux. Je lui demande, genre, ça ressemble à quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on aurait là-bas, vu que ça va être... comment ça s'est passé, votre tournage? Et qu'est-ce qu'on a là-bas? Comment on peut faire, en gros? Il y a quoi comme jouer là-bas, tu vois? Il me parle beaucoup de l'hôtel. Il me dit, on est hébergé dans un hôtel qui a un certain look, années 70. Il a un côté bourge, il y a un côté kit, il y a un côté un peu badant, etc. Et je me dis, endroit parfait pour potentiellement, genre, en effet, un truc peut-être hanté, etc. Ou cet univers-là, peut-être. On avait le pitch du mec qui... apprend à faire un film d'horreur, c'est ça? Non, il apprend à faire peur. On avait c'était toute première réunion avec Vlad, c'était à longtemps ça. Il y avait le speech de l'expert de l'horreur, un gars qui débarque sur des tournages d'horreur pour dire les gars, si vous voulez, j'ai des jumelles là, elles ont 8 ans, elles parlent à l'envers, elles parlent en latin, tu vois. Un gars fournisseur de trucs qui font peur. Limite un faux documentaire, quoi, en se disant le mec débarque derrière la vitre, etc. Ouais, c'est ça, oui. Et il fait peur dans la vie, etc. Et il est très flippant, même c'est quoi sa vie à ce mec l'expert de l'horreur, il dit bonjour qu'en jumpscare, etc. et du coup, il y avait ça en effet un petit peu dans les tiroirs. Mais en fin de session d'écriture de cette première session, on a toujours ce truc, les gars, il faudra qu'on aille à Montreux, qu'est-ce qu'on pourra écrire là-bas, etc. Est-ce que c'est un truc qu'on écrit dans le train ou comment qu'on fait? Et on a nos manteaux, je me rappelle qu'on a nos manteaux. Ouais, on n'a pas du tout écrit la journée. On a passé la journée à jouer à GTA. on n'a vraiment pas écrit rien du tout. On est en manteau. Et c'est Vince là qui, je sais pas, au fur et à mesure, du thème hanté, etc. Ce que je sais faire de base, c'est de faire une intro avec deux blagues et de dire allez, salut. Il fait le visage de quelqu'un d'un fantôme qui est surpris d'être vu. Et je sais pas, tout est venu de là. Tu fais le visage de. Genre, un mec qui voit les fantômes et qui dit bonjour monsieur, et il fait le visage d'un fantôme qui ne peut pas du tout savoir qu'il peut être cette vue. On a presque pas exploité ce truc-là à fond, de genre le mec pourrait être à Walp, enfin genre il fait sa life quoi. Jamais personne le voit, mon gars. C'est genre, bon, il y a les autres fantômes, c'est chaud quoi. On avait ça et les vannes de genre il est dans le couloir, il joue tout seul, et il commence à être vu par des mecs normaux, à se dire ce mec parle à qui, et on s'est dit ah putain, toutes les vannes sont parce qu'il n'y a rien. Et on s'est dit, c'est cool, ça coûte pas cher, c'est ça, très rien. Très pas cher, ouais. Et donc ça vient assez vite, ça naît de là, ça naît de ce truc, genre c'est marrant des fantômes qui sont surpris d'être vus, tu vois, enfin ça vient vraiment juste de là. Puis après, découle une petite histoire, je sais pas trop comment. Il y a quelques petites réunions de lecture avec Vlad où en effet le texte fait au départ 30 pages, on fait une lecture en entière qui me fait vachement moi stresser du cul parce que c'est long. Et j'espère que ça raconte un truc, tu vois. J'espère que j'ai mis tous les endroits marrants, mais qu'à la fois, j'ai essayé de les... T'avais réussi à égrener les grosses vannes de début sur tout le long du truc. Ouais. Après, je me suis dit, ça, c'est bien, c'est un sketch qui est juste rallongé, mais qui n'est pas un sketch une histoire. Ouais, et le feedback des gars de Vlad me fait dire, c'est qu'il y a un truc à tester. Et le faisage de ce truc, je crois que c'est le tournage le plus roots qui était très, très roots dans le sens où on s'occupait de tout inégalé. Avec Clément Morin et Rémi Argot et Mathieu Marot qui s'occupait du festival de Montreux à l'époque, qui était notre en quelque sorte dire de prod, mais qui lui s'occupait de son festival. Il nous accueillait, il nous mettait bien, il disait voici vos chambres, etc. Faut que j'aille m'occuper du festival de Montreux. Il avait un vrai tas à côté, s'il vous plaît. On a eu Cédric Clapiche qui est arrivé pendant que les gars étaient en train de se sodomiser. Cédric Clapiche est arrivé pendant que Raph se faisait sodo. C'était en reprise, mais t'étais en caleçon. J'étais en caleçon et Clapiche passe avec un petit regard très bienveillant. Bon courage. Bon courage pour votre tournage, je sais pas ce que c'est, mais moi j'ai une interview dans cette salle, dans cette chambre, et derrière on nous a demandé de nous taire, machin. On s'est dit c'est pas lui qui a demandé ça, non, c'est eux qui devaient se dire bon, ça fait du bruit pour le micro, et nous on hurlait parce qu'on adore ça, tu connais le principe, bien sûr. Du coup on le tourne dans un hôtel pendant 5 jours, en effet on fait notre propre notre propre planning nous-mêmes sur des bouts de papier, etc. Ah, il y a machin qui est que dispo demain, donc on pourra tourner cette scène. Il y avait pas mal de copains, etc. Ouais, le casting est impressionnant hein, de ce court-métrage. François Civil, ouais. C'était la plus-value de Montreux, quoi. C'était que tout le monde pouvait passer rapidement. En plus, pour la plupart, ils logeaient à l'hôtel dans lequel on tournait, donc ils pouvaient. Pas galère, genre, faut prendre une voiture et tout. Exactement. Ouais. Genre, il peut se lever et 5 minutes après avoir pris sa douche, il est sur le tournage. Et ça, c'était pas trop galère à organiser je me rappelle que tous les soirs, vraiment tout, fin de tournage, etc., j'allais dans les toilettes de l'hôtel, pas de ma chambre, et que c'était le seul endroit où je pouvais faire. Et je sortais un papier où il y avait mon petit plan, etc., et j'anticipais la journée. En fait, je crois que c'est les deux premières journées qui étaient les plus hardcore parce qu'on a tout fait ce qui dépendait que de nous, ou sans guest. Donc, on a fait dans la première journée, limite, on a commencé par la scène de la fin, Julien sur le ponton. Coucher de soleil. Ensuite, on a fait une deuxième journée full le hall d'accueil avec Vince et Axel. Et Axel Malivernet. Donc, on faisait tout le sketch là. Et en fait, on avait trop. Du coup, c'était pour se débarrasser, entre guillemets, des scènes où on savait qu'il n'y avait que nous. Pour se dire après maintenant, on est que dans l'attente de guest, tu vois. Ouais. Donc si on doit attendre une demi-journée, c'est pas trop grave. Ouais. Dans l'attente de l'emploi du temps des autres, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. On était assis dans un couloir. Il y avait un mini guéguerre un petit peu de on ne pouvait pas, il y avait cette question qu'on pouvait pas forcément mettre des gens de bagel. Le bagel, ouais, et c'était un peu chiant. C'est un peu une galère politique en tout cas. Ouais, c'est tendu dessus, mais c'était au-dessus de nous, quoi. C'était pas du tout les gens concernés. Donc c'était un peu relou, c'était un peu genre ah non, surtout pas, mettre des copains et tout. Et du coup, on voulait se permettre de la place pour ça. Donc, on avait 3 jours un petit peu plus détente. Mais les 2 premiers jours, nous avaient déjà bien mis dedans. Pas de maquilleuse, pas de costumière. On avait des costumes préparés. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le blanc sur mon visage est très aléatoire. Je me rappelle d'un départ en train. Sa barbe est blanche. Non, mais ça part. C'est jamais vraiment réglé. Quoi. Départ en train de Gare de Lyon pour aller tous à Montreux, tu vois. Ouais. Je crois que t'arrives avec peut-être un 5 minutes de retard. Dangereux, tu vois. Oui, dangereux. Et où on avait du matos. Ah oui. Et genre, on a couru sur le quai avec des rails de travelling. Rails de travelling qui a servi pour un plan, Cimer. ultra lourd et tout. Ouais. Et Kemar nous a aidé. T'es en mode, je vous prends ça, les gars. Et tout. Oui, c'est vrai. Kemar nous a aidé avec notre matos parce qu'on était grave en retard pour tracer un wagon. Je me souviens avoir eu un regard un peu genre, ouais, ça lui prend le projo. C'est vrai que c'était dangereux. Pas de régie. Heureusement qu'il y avait Mathieu Marot ranger tout quoi. Mais je m'étais fait des rouflaquettes, alors bon, écoute, ça prend du temps. Rouflaquettes moustache. Devant le miroir le matin. Putain. Et du coup, une post-prod assez sympa aussi, avec un truc un peu de envie de bien faire et envie de que ça rentre bien, etc. De la gueule du monde. Et il y avait un truc un peu kiffant en plus, j'imagine kiffant, moi j'avais kiffé de mon petit côté, la première fois qu'il allait être vu était au cinéma. Exact, et c'est un truc qu'on faisait pas trop à l'époque. Non, ouais, c'est la première fois. C'était surtout justement le visiteur, il y avait souvent ça. Ouais. Mais les Sketch Golden, on n'a jamais rien diffusé. Bien sûr, surtout cinéma, et c'était cool, il y avait une vingtaine de minutes à montrer au ciné, entre guillemets en exclusivité ou pour la première fois. Ouais, on n'avait pas spécialement teasé le truc et tout. Ouais. Quoi. Ouais. Et il y avait un truc assez cadeau sympa, à la fin, assez flippant de mon côté, pour le côté un peu technique, pour le côté justement. Thomas Lander, je sais pas. Max Lander, ça faisait un peu peur. Mais à la fois aussi très gratifiant, genre très cool que ça soit consommé dans ces conditions-là, c'était très cool. Ouais. Donc non, c'était un très bon. Et du coup, à l'issue du Fantôme de Merde, se décide un peu que genre peut-être que c'est un beau wrapping de genre est-ce qu'on est chaud pour partir sur une autre demi-saison là maintenant, tu vois, est-ce qu'on fera mieux alors qu'on est on diffuse le Fantôme de Merde, je sais pas si t'as la date, mais ouais, bah c'est avril, c'est... mai, oui, un truc comme ça, avril, mars, le Fantôme de Merde, c'est avril, ouais. Avril. Et du coup, en gros, il était question de avant juillet. De faire quasiment l'équivalent de ce qu'on venait de faire depuis. De ce qu'on venait de diffuser, en tout cas, depuis janvier, tu vois. Le final, c'est quoi? C'est celui-là? Saison 2, on s'est arrêté sur ça. Ouais, d'accord. Mais c'était pas prévu, tu vois. C'était. Même notre passage à Montreux n'était pas prévu comme grand événement. Ça devait être le petit sketch qu'on faisait. On le décale. Maintenant qu'on sait qu'on a un long, on le décale à la fin. Ouais, sans faire exprès, on a fait un truc un peu plus gros. Et on s'est dit. Oui, on avait prévu de diffuser à la fin. Ouais. On s'était dit, on en fera d'autres avant, ce sera potentiellement le cinéma. Et du coup, il y avait cette deuxième session qui était un peu en suspens de on l'a fait, on l'a fait pas, elle nous a crevé quand même la première. Est-ce qu'on est chaud pour repartir sur de l'écriture de la même chose? Est-ce qu'on a des steps à monter en plus, tu vois? En fait, on prenait du temps aussi, il fallait monter les autres, faire les affixes et tout. Et en fait, on prenait trop de temps parce qu'on avait, on commençait déjà à. Moi, j'ai tout un peu. Oui. Je co-écrivais pour des trucs pour Bagel, des trucs comme ça. Ouais. Oui, t'étais déjà sur les tutos à ce moment-là ou pas encore? Non, ou pendant ce temps, les deux. Je sais plus. Ouais. Et du coup, Julien, je sais pas, il faisait des trucs aussi. Raph, on commençait aussi à faire d'autres trucs parce que c'est ce qui nous plaisait, quoi, d'écrire et jouer pour d'autres. Ouais. Oui, toi, tu sortais à peine la saison 4 ou c'était juste après? Non, c'était après la saison 4. Non, c'était un été. Du visiteur, ouais. Non, en après. Tournage, c'était l'été ouais. d'avant. Ah, c'était l'été d'avant, ouais, pardon. Je pense que ça sortait en même temps. Oui, c'est ça, ouais. Mais en tout cas, il y avait l'effet de. Bah, on se disait, bah non, on a le matos, on peut le faire, mais on se disait, putain, on prend du temps, en fait, il fallait monter, finir les autres projets. Ouais. On aimait bien tout faire, en plus, la petite promo, que ce soit on bossait les vignettes, les trucs, les conneries. Bien sûr, bah, c'était très artisanal. Donc, on avait envie que ce soit bien fait et on prenait du temps. On a fait une demi-saison finalement, mais bah ouais, égrenée sur le long. Et ouais. qui reste la plus longue, parce qu'avec la photo de merde qui fait 20 ouais. minutes, ça reste la plus longue des deux saisons, je ouais. pense. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, voilà, je pense qu'on a 20 minutes. En fait, on a l'équivalent, je pense, du photo de merde en saison 1. En fait, les sketchs sont, comme je le disais tout à l'heure, c'est très court, les sketchs de la saison 1. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, un sketch dédié à l'épaule droite de Rémi Argot et aux deux bras de Clément Morin. C'est vrai. Et donc, ensuite, petite pause pour Suri 4, en tout cas. Un an de tôle. D'un an de tôle, mais. Non, vraiment. Tu sais quoi, mec? Ouais, mais vrai, je suis content de voir tous les quatre notes. Le soufflement post-van m'avait ouais. manqué. Mais oui, mais les vannes, après, tu fais. La tôle revient souvent. Mais en même temps, ça marque. Pendant l'année, vous n'êtes pas inactif, parce que vous faites tous des trucs un peu de votre côté. Toi, Raph, il y a du French Ball. Du French Ball, la reine des enfants, puis en plus du French Ball. Bah, bien sûr. Blabla, t'avais quand même bossé dessus aussi. Blabla, voilà. Ouais. Enfin, il y a des courts-métrages qui se font à droite à gauche. Toi, Julien, à ce moment-là, tu fais quoi? T'es sur. On bossait les sketch shows aussi qui revenaient pour M6. Oui, ensemble. Il y a eu le sketch show. On a travaillé ensemble. Ça, il y a eu le sketch show de Golden Moustache qu'on avait fait avec Vincent, Adrien. Au début, moi, je bossais dessus, après j'ai la Jimmy. Et un petit sketch par-ci par-là. Il y a eu le Canular, il y a eu Death Park. Ouais, c'est vrai ça. Des noms sur E4. Jam, c'est lancé. La fameuse série sans fin, enfin qui s'arrête très vite à chaque fois. Mais j'avais dit pour déconner, je me rappelle. Ah oui, c'est vrai. Le programme maudit de Julien Josselin. Eh bien, c'est vrai. Je regrette. Dorénavant, c'est vrai. Je regrette vraiment parce que je voulais pas ça. Comme la foule, t'as dit, ah oui, Lady Di, la princesse qui va mourir. Ah mec, arrête Vincent, c'est terrible. Vous aimez Michael Jackson? Ta gueule! Johnny! Ah il nous ennuie. Et donc, Lady Soslar, comme l'appelle Stéphane Carlo, même Boutou, vous l'avez tous appelé Lady Soslar. Oui, c'est un moment. Comment ça vient cette idée de se dire, tiens, on a galéré sur 25 minutes, faisons-le sur 1h20. Comment c'est venu tout avec ça? Avec les mêmes moyens. Avec ma fille, bien sûr. Non, plus. Julien et Raph. Avant, même avant ça, moi je me rappelle que je venais bosser dans les locaux de Golden pour French Ball. Je venais faire. Alors le producteur de Golden était là genre, allez les sur les cases, vous revenez un jour quand même, parce que là ce serait pas mal. Vraiment pour le coup, il était très cool parce que justement il m'a toujours dit tu pourras vraiment prendre un coin de bureau si jamais il y a besoin. Et j'ai vraiment pris un coin de bureau. Du coup, pris 4, c'était un bureau total. C'était une table. Et du coup, parce que je voulais plus monter, bosser chez moi, etc. Et du coup, c'était à côté, pas très loin de chez moi. Et donc, je voulais voir les copains, etc. Donc, je me mettais à Golden et je montais autre chose. Coworking. Et du coup, ça me permettait de revoir un peu tout le monde, etc. Et entre autres, en effet. Mais on s'est lancé sur un projet aussi, tous les deux. Oui. On a bossé sur une série. On nous a commandé une série. Exact. Ah oui, ça, c'est avant les dissociés, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. On nous commande une série à Golden. On commence à développer la Bible, tout le concept de la série. Et donc on se réunit du coup à Golden, c'est là-bas que Julien et moi on se voit, et puis on finit une de nos réunions dans un bar, on finit dehors après ce bar, droit, debout, hein, pas par terre, et en effet on discute avec Julien, et il y avait aussi Stéphane Carlo avec nous, de l'envie de faire du cinéma et de la possibilité de faire du cinéma aussi, plus tout de suite, nous vient un petit peu la révélation... de genre ce serait possible tout de suite, enfin si juste on l'appelle nous après cinéma ou si on fait en tout cas on peut faire plus long, etc. Il y avait assez de temps qui était passé depuis le fantôme de merde pour que l'énergie, la douleur était partie. C'est toujours ce moment où longtemps après le projet quand t'en as chié et que t'as oublié jamais, que c'était une galère, t'as oublié que c'était une galère, tu fais mais en fait c'est juste trois fois ça, quatre fois ça, tu vois. C'est marrant, j'ai eu ça avec Vincent, on a fait un projet ensemble, un truc un peu sport, tu vois, 25 minutes en 3 jours et tout, où vraiment à la fin de la, je fais rincer, terminé, et je viens de lui montrer la V1, il s'est marré, je fais bah je suis chaud pour quand vous voulez. Directement, tu vois. En très peu de temps. Ça dure que 25 minutes. Non, non, c'est la douleur. Non mais c'est clair. Pareil pour la tôle, hein, d'ailleurs. Tu ressors avec des nouveaux skills. J'ai jamais aussi bien manié l'opinel que depuis que j'ai fait la tôle, la zonzon, comme disent les racailles. Non, tu ressors, tu dis plus jamais, puis bon, 6 mois après. Ça me manque un peu. Allez, je plante un môme. Allez, c'est parti. Tu dis un humeur, ça démarre très vite avec les fils. Au final, ce serait dommage de se priver d'une petite balade. Non, mais oui, donc t'oublies vite la douleur au bout de quelques mois et te reste plus que le kiff, en fait, quoi. Et donc, ouais, on s'est dit, ouais, ah, mais quand même, faire un long métrage, potentiellement, à peu près dans les conditions fantômes de merde, en mettant un tout petit peu plus d'argent sur là où c'était vraiment compliqué, ouais, ouais, à l'organisation notamment, etc. Et tout. T'y crois sur le coup, tu fais. T'y crois, ah, avec un peu plus de thunes, on va juste faire ça à plus, un peu c'est plus ça, cool. Tu dis, c'est 3, 4 fantômes de merde, quoi. Oui, 40 minutes, 80, oui, oui. 3 fantômes de merde. 3 et demi, ouais. Ouais, en tout cas, en tournage, on s'était dit ça. On s'était dit, ça va être 4, ça. Fois, 4 fois ça, quoi. Ouais. C'est ça, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. On a moins que ça. Ouais, ouais. Mais donc, finalement, tu commences à te dire, bah, c'est peut-être pas inimaginable. On se dit, est-ce que. On sentait que le producteur Gars des Moustaches avait envie de nous voir revenir, ouais, en effet. Il était chaud. Ouais. Il voulait plutôt lui une saison 3 et nous, on n'en voulait pas. On lui a dit, ça va coûter une saison 3. Et... non, mais et voilà, une vidéo. On commence, ouais, à se dire que potentiellement c'est gérable et, on se... et le lendemain, sobre, on trouve toujours que c'est une bonne idée. Je me souviens vraiment t'envoyer un message avec un mal de crâne et dire, pardon, hein, mais j'y repense et je trouve toujours pas ça stupide parce qu'on s'était dit, ouais, non, mais on est bourré et demain contre, on trouvera ça bête. Enfin, on est naïf, tu vois, parce qu'on est bourré, quoi. L'idée de nager dans la Seine, je la retire. C'était vraiment... oui, non, les deux idées. À l'origine, le braquage, je retire. Braquage, non. Par contre, le truc, le film. Non, et du coup, toi, tu me réponds du pareil, genre, bah, j'avoue, franchement, c'était peut-être pas si con, tu vois. Et donc, on s'est dit, voyons Vincent, quoi. Et donc, on t'a revu, on t'en a parlé. J'étais dans un temple, comme dans Aventura 2. Ils ont monté les marches. Je suis arrivé, je fais, qu'est-ce qu'il y a? De quoi avez-vous besoin? Non, bah, reste là. Ils ne veulent plus de moi. It's all beyond me, Daryl. Les dissociants, on va pas faire longtemps dessus, parce qu'on va surtout faire la publicité. Ça reste une vidéo. Si elle en a besoin. Non, mais pour le super documentaire... Document Marouzé, ouais, ouais. Projet Chantal qui revient justement sur tout qui est un peu votre making of du Seigneur des Anneaux des Dissociés. Il a géré le Marouzé. Bon, pareil, on parle des noms qui nous ont un peu accompagnés tout le long. Clément en fait partie et encore aujourd'hui. Et je suis très content parce que maintenant il monte pour McFly et Carlito. Il taffe beaucoup et c'est un gars avec qui on a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, j'en profite maintenant pour faire une espèce de petite liste de noms. Alors, j'en oublierai sûrement, mais effectivement, on a cité Vanessa, Vladimir. Il y a aussi Fanny Deleuze qui nous a beaucoup aidé. Marjolaine Vial au maquillage. Marine Baudouin aussi au maquillage. Marine Buridan au déco. Marine Buridan, pardon. Paola. Thomas Plancher en régisseur. C'est pas dans le documentaire, c'est triste parce que c'était le dernier membre de l'équipe qu'on n'a pas. Ouais, nommé, mais c'est par des hasards d'interviews, de trucs, de machin, etc. Thomas Plancher qui était régisseur déjà dans les premières saisons sur ICAT et tout, qui apparaît parfois dedans, il fait des doigts dans SOS Retard, il fait des fuck au loin en flou. Mais pareil, on a cité Clément Irémy, mais on a eu aussi Nadja, il y a eu Anaïs Vachez aussi qui était souvent assistante réa, Vincent Ducaudelaille, enfin voilà, j'en oublie sûrement plein. Mais en tout cas, tous ces gens-là sont des gens avec qui on a régulièrement travaillé et qui ont vraiment beaucoup aidé à faire la saison 1, mais aussi la 2 et la famille sur 4, quoi. C'est ça, exactement. C'est tous les gens qui nous ont. Ils sont déchirés à chaque fois à leur poste et à voir à côté, quoi. Dire, c'est pas mon boulot, ça, mais je vais le faire. Et aussi tous les comédiens que vous connaissez, mais voilà, les qui viennent de French Nerd ou d'ailleurs, qui sont venus et qui, en plus, voilà, il y en a beaucoup qui apparaissent dans les dissociés, que ce soit en guest ou en machin. C'était chouette d'appeler un peu tout le monde. Il y avait des machinos, les mecs qui font de l'étalo, des FX, machin, etc. Oui, Florian aussi, j'oublie. Stéphane Carlo, tous ces gens-là. Infini. Et voilà, la liste est infinie et désolé aux gens qu'on ne cite pas, mais voilà. Bon, on ne va pas faire les questions des auditeurs et je m'en excuse, mais en vrai, on a répondu à plein de questions que les gens avaient vu que dans ces 3 heures de podcast. Donc, je vais finir tranquillement en parlant des projets de chacun, des trucs qui vont sortir, un petit tour de table à la cool. Ça va être vite torché. Raph, alors toi, quand le podcast sortira, la vidéo sera sortie, mais tu as réalisé quelque chose pour Cyprien. J'ai réalisé un court-métrage pour la chaîne de Cyprien, oui, tout à fait. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Lunaire. Est-ce que c'est important de faire la promo de Cyprien dans un podcast à 10 000 écoutes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était un projet très intéressant. C'est Cyprien qui est venu vers moi pour me parler d'une idée qu'il disait, ça pourra peut-être te parler, et ça parle de créativité, ça parle d'une relation frère-frère, une fratrie, et c'était très cool de bosser avec lui. J'espère que ça vous plaira ou que ça vous a plu. Ouais. J'ai testé d'autres choses et c'était cool en effet d'avoir pour le coup de m'occuper, de voir ce que je pouvais faire ou m'essayer ou me risquer en mise en scène. Voilà. Ouais, et puis un peu dans l'univers de quelqu'un d'autre, qui est un truc que t'as moins fait. Ouais, ouais. Ça me faisait du coup, c'était une expérience un peu nouvelle pour moi de pas écrire, de pas réaliser ce que j'avais full écrit, ouais, et d'être un peu plus au service. Je voulais quand même qu'il soit content, tout en te l'appropriant, etc. Ouais, tout en me l'appropriant pour pouvoir que je raconte, pour que je puisse raconter un truc qui me ressemble et tout. Et alors, t'as d'autres projets, peut-être que t'as pas le droit d'aller dans de grosses précisions, mais des trucs, C'est pas que j'ai pas le droit, c'est que c'est plus, c'est beaucoup de peut-être, donc en parler, ça pourra. C'est, mais je sais que t'as un truc avec Marion Séclin, par exemple. J'ai écrit en effet tout à fait. Tais-toi. Pardon, j'ai fait saturer le truc. Une carte blanche. Pour Marion Séclin, une histoire écrite par Marion Séclin et Nadja Hanan, et du coup j'ai scénarisé un épisode ou un unitaire qui s'appelle Les Impunis, et qui sera normalement diffusé sur Canal+, d'accord, dans le cadre des cartes blanches. N'hésitez pas à vous abonner à Canal. Et on a plein de gens qui ont écrit des trucs dessus. Je sais pas ce qu'on a le droit de dire ou pas. Bon, de toute façon, je serais surpris que Canal Plus que Vincent Bolloré m'appelle. Ouais. Il y en a plein qui vont sortir. Des programmes plutôt courts. Et j'ai cru comprendre que potentiellement, il serait peut-être sur YouTube. Donc voilà, ce serait cool. Vincent Bolloré sur YouTube. Vincent Bolloré, il crée sa chaîne. Ouais, il lance une chaîne. Génial. Ouais. Et mon impro, regarde, s'écrase. Non, t'as suivi la mienne. C'est très sympa. Je cherchais un Vincent Dilapide. C'est son nom. Son nom sur YouTube. Vincent Dilapide. En parlant de Vincent, voilà, boum, transition. Vincent Tirel, tu es sur quoi en ce moment? Alors, moi j'ai fini mes invendus, j'ai balancé sur la chaîne Benoît qui s'écrivait à STRID. Alors il y a des gens qui demandent s'il va y avoir d'autres sketchs sur cette chaîne ou pas, c'est pas prévu tout de suite quoi. On est dans le même game. l'espérance, mais c'est une prod que je comprends pas tout. Ah. Et du coup, j'ai beaucoup de sketchs très bêtes et. Je pense que l'âge d'or de YouTube vient de prendre un coup dans la gueule. Donc on dit bon allez les mecs, des sketchs. Après on dit bon mais calmez-vous en fait, ça va, on a eu la dose. Et donc non, il faudrait que je trouve un peu le moyen de les faire, mais ils sont très courts, ils sont très YouTube aussi, ils sont écrits pour YouTube, donc j'essaie de trouver un peu des idées de format pour remettre ça un peu dans des trucs plus grands qui pourraient être diffusés autre part ou pas, mais j'ai pas envie de foutre à la poubelle ce petit écrin qui s'appelait Astrid Benoît, parce que ça me plaisait. Très drôle, surtout. Et qui... ouais, voilà. Merci. Si. Je kiffais, c'était comme pour Suricat ou quoi. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, mais je crée mon game et tout le monde viendra. Et à terme, je voulais que ça devienne un Golden Moustache 2 ou un truc comme ça, que tout le monde vienne écrire son Astrid ou quoi. Je me suis dit, ça deviendra ça. Non, j'ai sorti 5 sketchs. C'est une envie qui est un peu. Enfin, j'ai fait un podcast la semaine dernière avec Solange Te Parle, donc un autre délire. Ouais. Elle avait exactement la même envie que toi. D'un truc de appeler des gens à venir dans la chaîne et faire des trucs, ce que Cyprien fait un peu avec Raph. Enfin, peut-être ce sera ça l'évolution en mode venez chez moi, j'ai un public. Venez faire des trucs chez moi, ça serait intéressant. Un pré-univers, mais dire après, voilà, je voulais venez vous amuser là-dedans. Des trucs très absurdes, mais là, j'avais des trucs plus fictionnés, etc., un peu de tout. Ouais. Et je me suis dit, je vais créer plein de trucs et chacun aura un peu son bise. Mais bon, faut que ça marche, je sais pas comment faire. On verra plus tard. J'espère que c'est pas la poubelle, parce que ce sera un peu tristoun, mais c'est pas mort. Voilà. Et l'actu chaude, c'est. Alors, il y a le DVD du manoir qui est dispo partout. Oh, ouais. Bah, si, c'est vrai. Il est dispo partout. C'est encore chaud. Il est encore chaud. Ça doit être à 10 balles à la fac. Non, mais c'est vrai, les mecs. Puis 5 achetés. Mais en vrai, c'est ça. C'est un délire comme ça. Non, mais voyez-le ou téléchargez-le. Mais généralement, téléchargement streaming, il est quand même assez dégueulasse en image. Et c'est con parce qu'il y a une belle lumière dans ce film. Voilà, un film de Tony Dattis à regarder pour la déconne. Et j'ai adoré le faire. Ouais. Après, j'ai tourné un autre truc qui a duré 41 jours. J'ai adoré tourner ça, mais on peut toujours pas en parler. Ça me rend fou. Ouais, on peut pas en parler. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que t'es un des personnages principaux d'une série que j'ai créé avec Adrien Méniel, Robinson Latour et Axel Malivernet. On en parle à chaque émission quasiment, c'est vrai, sans en pouvoir en dire plus. Ce truc est génial, ça tease tellement, c'est mais sachant, en fait, on ne sait pas la date de sortie. Voilà. Non, les gens ont compris, je pense, parce qu'on en parle depuis maintenant 6 mois. J'ai adoré le tourner, merci de m'avoir encore écrit un rôle où je me suis poilé. Le trou de balle. Ben, j'ai hâte que les gens le voient, parce que je suis tellement fier de poiler le trou de balle. Ce sera le nom de ce podcast. Je suis trop fier de ce que tu as fait de ce perso qu'on a écrit. Et c'est, voilà, moi, j'ai hâte que les gens le voient. Je ne sais pas tout survendre. C'est dans l'année, normalement. C'est même normalement dans les mois qui viennent. C'est pas survendre, c'est premier semestre, en tout cas. C'est éclaté, nous, à faire un truc. J'espère que les gens suivront. On n'est plus habitué à être aussi frustré sur le temps. Normalement, on fait un truc, c'est internet, tac, tac, ça sort. Et là, il y a la peur, parce que ce sera, en tout cas, à voir sur un service payant. Ouais. Et on espère que les gens suivront, parce que, voilà, on a mis du cœur là-dedans, on a mis du travail là-dedans. Et j'étais ravi que Vincent, que de retrouver oui, Vincent toutes ces, ouais, toutes ces années ouais. presque après. Ah non, c'est vrai, mais on bossait plus ensemble. On, ouais, ouais. on se croisait pour des trucs. Mais... Ouais, ouais. Non, non, ouais, j'ai... Je... excitation artistique à triper et tout. Ouais. Trop bien. Moi, j'ai vu, moi, j'ai bien aimé. T'as vu, toi ? Moi, j'ai vu, oui, j'ai vu un petit bout. Moi, j'allais dire, moi, j'ai très hâte. Ouais. Bah, moi, j'ai très, très hâte. J'ai vu la bande-annonce. J'ai vu 3-4 épisodes et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'aimerais bien voir la suite. Ouais, ouais. Bah, écoute. Comme quoi, bon, finalement, sur vous voyez. Non, non, mais ouais. Donc, voilà, j'ai fait ça. On fera un podcast spécial quand la série sortira de toute façon pour en parler un petit peu plus et voilà et surtout était aussi t'as enfin surtout pas surtout mais bientôt une vidéo avec Mister Evic oui. Ça j'en suis aussi très fier parce que il m'a dit viens écrire pour moi je fais mec t'es fou tu ne sais pas à quoi t'attendre je vais te fatiguer et il est complètement dingue donc en fait c'est sorti tout seul blablabla et on a bossé assez vite et on s'est marré. Et une fois fini et donc tu l'as réalisé tu l'as monté tu oui c'est moi qui l'ai réalisé monté. Et on a regardé je fais je ne sais pas à quoi penser ça peut être un massacre. Mais dans tous les cas, je pense que les gens vont se marrer parce que nous, on a ri. Ouais, ouais, nous, on a rigolé à le faire et c'est un peu un gros truc pour Internet. Vers des sketchs où on se libère, on rigole et il y a des perruques pourries et c'est trop bien. Il y a des fausses moustaches et des perruques, mais on aime bien. La moustache est vraie. Oui, non, mais j'ai assez bossé. On est dans l'esprit fausse moustache. C'était cool. Voilà, des petits trucs comme ci et ci et là et j'espère continuer d'écrire et un rêve de long métrage aussi. Bien sûr. À écrire. Bah, le parrain 4. Tu es sur le parrain 4, on peut le dire. Ça fait 10 ans. Et Julien ? Oui, c'est moi. Est-ce que tu as des petits trucs aussi en projet ? Oui, alors moi, c'est... J'ai entendu parler d'une BD. Exactement. Ah. Moi, j'ai... En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que pour l'instant, c'est pas signé. C'est tout... C'est sur le point... Je dois biper des trucs ou... Non, non, non, il n'y a pas de souci. C'est... En fait, j'ai deux BD. Ouais. J'ai deux BD qui sont sur le point de... Il y en a une qui est vraiment, vraiment sur le point de, à tel point que normalement, c'est sous peu, quoi, signé. Ouais. Elle est validée, mais pas signée encore. Et j'en ai une autre qui est sur le point, j'espère, d'être validée aussi. Donc peut-être que je deviens auteur de BD cette année, mais écoute, je trouve ça très cool. Validée avant dessin, etc. Ou validée, En fait, c'est validé par. J'en fais une avec Glénat, donc elle est validée par Glénat au jour d'aujourd'hui. Là. C'est juste qu'on s'est pas encore mis d'accord sur le contrat. Je l'ai pas reçu encore, tu vois. Oui, donc, voilà. Sombres histoires administratives, mais rien de méchant. Exactement. Mais normalement, enfin, ça va être fait. Et voilà, on en parlera bientôt. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, ils connaissent sûrement le nom de cette BD. C'est un vieux délire qui ressort et je suis content. Et voilà, c'est écrit, exactement. Et c'est coécrit avec mon ami Valentin Vincent. Oh, bah, mon ami Valentin Vincent. Pour la petite référence Big Deal. Je suis très heureux que Bill du Big Deal soit venu pendant ce podcast. Nous voir. Donc potentiellement deux BD, mais ça tombe un peu par hasard. Ça devait pas s'arranger comme ça, mais tant mieux. Voilà. Et ma chaîne YouTube est totalement en suspense. La web va se relancer. Tu as calé. On peut dire que t'as calé. Non mais j'ai failli faire pareil que Julien. J'ai juste eu un petit coup de bol d'avant où on m'a dit ah fais gaffe. Ouais. Mais j'ai failli sortir un énorme teaser. Et ça aurait été dramatique. Et j'avais demandé à tout le monde et tout, savoir si machin, les gars étaient chauds, machin. J'ai failli faire un super teaser. On est sur une cale et qui va nécessiter une refonte, j'imagine, de la chaîne. Enfin, c'est même sûr. À laquelle je réfléchis en ce moment, parce que j'ai pas envie qu'elle disparaisse, cette chaîne. Donc, une énième refonte et une dernière, parce que j'en ai marre que ça se change tout le temps, qui, je pense, sera plus homemade. Retour un peu vers le homemade. Ou en tout cas, au travail, au cas par cas, avec des boîtes de prod. Enfin, à me réapproprier un peu ma chaîne, quoi. Ouais. Bref, donc, mais j'attends d'être fixé sur ce que je vais en faire parce que je sais pas encore c'est avant bon. D'annoncer tout ça mais en tout cas il y aura des choses. J'ai des envies de court métrage aussi que j'ai écrit là. J'ai accumulé beaucoup d'histoires ces derniers mois, dernières années où j'étais un peu moins actif et là j'ai beaucoup d'histoires à raconter donc je suis content. J'en ai beaucoup, j'ai envie de faire des cours, j'ai des idées de long métrage avec Raph notamment là. C'est ce que j'allais dire parce qu'en plus même si on bosse plus vraiment ensemble, on se croise dans des projets mais on a tous ce truc où on a l'impression que ça fait une éternité qu'on a rien fait mais j'ai l'impression qu'on a tous développé des trucs. Toi Raph, on peut retrouver en plus certains scénarios sur ton site qui sont en libre. Je le rappelle, si des gens veulent lire ce que tu fais. Mais on a tous développé des histoires longues, des trucs. Je sais que Vincent est aussi sur des écrit idées pour longs, des trucs. Comme ça, Et en fait, on est en train de faire cette difficile transition. Difficile par ça. Longue en fait. Longue surtout, c'est ça ce que j'allais dire. C'est qu'on nous l'empêche pas, mais c'est vrai que c'est un truc où qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on sait on faire. On est redevenu intermittent des glingues, alors que c'est vrai que là, chez Golden, etc., on avait un patron un peu. Et on nous demandait un compte-rendu, etc. Et le fait de se voir en réunion et tout, c'est aussi facile. Il y avait un peu un rendez-vous de fixer tout le temps. Quoi. C'est ça, c'est l'école en fait. Là, t'es de retour tout et là, seul. Là, t'es à la fac, donc t'as plus envie de sécher. C'est que ça. Puis c'est aussi plus forcément un processus créatif, je trouve, qui est vraiment plus long. Parce que t'as toutes les remises en question que déjà que tu peux avoir sur un court-métrage sont décuplées quand c'est un 120 pages qu'il faut fournir, même un peu moins, tu vois. Donc tu passes par beaucoup plus de phases de doute, tu vois. Moi, il y a un long-métrage que je me traîne là depuis un an et demi, que là j'ai remis de côté, que j'avais ressorti. Enfin, tu vois, on le sait, quoi, c'est tout le monde qui fonctionne comme ça. Il y a toujours des trucs. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, etc. Tu ressors un autre truc qui datait d'il y a deux ans, qui dit non, en fait, ce truc, vas-y, c'est maintenant. Enfin, donc voilà, et c'est maintenant, je pense qu'on est un peu tous dans ce truc-là. Sur le round spinner. Et puis, si tu arrives, tu fais merde. Non, mais en le fait, sexy dance du round spinner. On change aussi, j'ai l'impression, 3D. Un petit peu d'univers où, en effet, là où avant, on nous disait qu'est-ce que vous avez en stock qu'on pourrait tourner maintenant, un peu à la demande, genre vous avez un truc ou quoi. Là où en fait, maintenant on est un peu au service, en tout cas pour les histoires longues, au service des gens qui ont l'argent, parce que c'est des projets qui coûtent beaucoup d'argent, tu vois. Et donc t'es un peu obligé d'être au service de ces gens-là en leur disant, moi j'ai cette histoire-là, si elle te plaît, si elle te plaît pas, ben on la fait pas. En revanche, j'ai aussi celle-ci, tu vois. Enfin, même Edgar Wright fonctionne comme ça. Tous les grands cinéastes ont plusieurs trucs comme ça. Il suffit que tu rencontres une prod qui peut dire, ça me plaît, mais. Et du coup après, il y a tout ce travail de avec un producteur. Tu rebosses. Voilà, qui dit gros sous, qui dit argent, dit voilà, beaucoup de temps, et c'est normal en même temps. Moi, si je devais te faire un chèque d'un million là tout de suite, je te dirais, alors attends, tu vas faire quoi? Donc, ton personnage s'appelle comment? Il s'appelle Ha. Vraiment, mets beaucoup des consonnes. C'est plus gay. Vraiment, Romaric, c'est pas si mal. Réfléchis un peu et reviens vers moi. Il y a un million derrière. Et donc, toi, Flaubert? Ah, ben non, mais moi, les gens, je les ai tout le temps. Bon, ça va, les couilles, tu changes toute série, non? Tu peux nous en dire un peu plus, peut-être? Non, moi, je les ai tout le temps au bout du micro et à chaque fois, je leur dis, alors, ça sort pas tout de suite, mais on a une série qui est prête. Enfin, les gens verront quand ça sortira. Pour le moment, il y a un podcast. Faut qu'ils se mettent à ta place. C'est vrai que la frustration aussi. Ah, ben oui, c'est un métier. J'ai hésité l'autre jour à teaser tous mes échecs et je me suis dit, ça va carrément prendre moins de temps. Et ce serait plus rapide de dire, j'ai failli faire ça. J'ai passé deux auditions pour tel film, vous pouvez aller le voir. Ce n'est pas moi dedans. Et vraiment, toutes mes auditions ratées, parfois, j'hésite à poster l'affiche et dire, j'ai raté cette chose. Ça a l'air d'être bien. Tu sais, ça fait vrai parce que pour la chaîne, là, j'hésitais à faire un teaser de fin. Tu sais, ou de genre. Ouais, tant pis, c'est genre, il n'y aura pas tout à fait ce qu'on avait dit, c'est genre. Avec deux cônes qui tient des cônes, genre, excusez-moi, pardon, parce que j'ai pas 14, c'est 10 heures d'un truc. C'est ça. Déjà, je ne savais pas bien ce que c'était, donc là, ça s'arrête. Ça avait l'air fat. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour ce si long podcast. Bah, je vous ai assassiné de fatigue. Tu le coupes en deux fois. Merci aux gens qui sont encore là. Je sais pas. Je pense que je vais faire un petit teaser. Je vais faire un petit sondage. Pas du tout teaser. Les mots ne sont plus les mêmes. Ça y est. Un petit sondage, savoir s'ils veulent deux épisodes de 1h15, ce qui est déjà fou, ou 1h30, ou un long de 3h. Bah, c'est ouais. On avait déjà demandé avec Navo, genre, qu'est-ce que vous préférez? Les gens aiment bien d'un long podcast. Peut-être que je le sortirai et j'en ferai pas la semaine d'après. Je verrai. Mais c'est vrai qu'il y a tout. C'est pour les 5 ans. C'est pour les 5 ans. On va pas le faire tous les ans. Parler de nous, mais parce qu'on fait un bilan débrief. Je me dis, c'est un podcast pour les gens qui s'intéressent à ça et qui veulent savoir. Comme ça, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que la section historique où on retrace tout l'historique, après, tu peux aussi l'isoler. On verra. Écoute, c'est un peu ton émission. Peut-être tu fais ce que tu veux. On pourrait refaire une heure de plus pour parler de comment cette émission va être diffusée aussi. Parce qu'elle va être sous le nom de Suricate, cette émission. Alors, je propose qu'on la bosse ensemble. Franchement, je me disais, peut-être que les gens doivent se poser la question, ouais, mais est-ce que ça va revenir ou quoi, machin. Et je me dis, moi, j'aimerais bien faire un hors série, genre un sketch un peu spécial ou quoi. On appelle ça la saison Delta, tu vois, la saison. C'est la Suricate Turbo X7 acrylique, s'en bat les couilles. Tout ce que tu veux, le mec. Et on fait ça et on fait un hors série spécial. Écoute, voilà, on verra. Je pense que je vais pas me faire chier beaucoup et je vais déjà le monter. Ça va être long et on sera comme ça. Et voilà, je pense que ça marchera déjà très bien. Je tenais juste à dire que je voulais te remercier de nous avoir invités. Ouais, merci, on ne voit pas tous souvent. Non, on ne pense pas. Merci à vous d'être venus. C'était cool et j'espère que ça fera plaisir aux gens, parce que ça, là, c'est surtout aussi, c'est pas surtout pour ça, mais c'est aussi pour ça. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous aurez appris des trucs et que vous serez marrés. Et on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, parce que ça va être long à monter. Et avec une émission un peu plus normale, avec le retour d'Adrien Méniel. Ça fait deux émissions de suite qu'il est pas là, les gens frémissent. Et il va évidemment revenir, mais il bosse sur un truc lui aussi, là, 26 minutes, à une carte blanche justement. Il est une série aussi, non? Je crois qu'il y a une série, plein de choses. Je peux nous en dire plus, peut-être Flaubert. Peut-être pas tout de suite, mais voilà. Bon, voilà. En tout cas, merci encore à vous. Merci et à très bientôt. Merci tout le monde, ciao, bisous. Bye. Allez, bisous. Tiens, je me disais, tu m'as jamais parlé de tes ex. Pourquoi je crois que rien de particulier, je crois. Je suis sûr que t'as un voir avec une fille quand même. Tout à fait. Tu penses encore à elle? Non. Non, mais t'es un gros mytho quand même. Tu préférais quand c'était moi, quand je te suçais la bite. Tout le temps. je la tout le temps. T'es un gros mytho quand même. Tu préférais quand c'était moi. Quand je te suçais la bite. Quand je te suçais la bite. Je la baisse tout le temps.